Salut tout le monde, c'est Saïd, bienvenue à la 100e émission des podcasts de VR4Player et on va discuter autour d'un VR. Et une émission exceptionnelle, forcément, on pensait pas arriver jusqu'à la 100e et pourtant on y est, avec du coup, en vrai, en dur, Majo. Salut Majo. En dur. Des abdos impeccables. Magnifique. On a pu en attester tout à l'heure. Solide. Solide. Voilà. Un bon foie. Ça va? Bah ça va et toi? Bah écoute, depuis il y a 15 jours, impeccable. Ah ouais, impeccable, et toi on s'est même pas changé. Du coup c'est la magie, la magie du spectacle. Et nous avons Laurent, salut Lolo. Eh ouais, salut tout le monde. Comment vas-tu mon petit Lolo? Eh bah ça va, 100e, ouais, content. Bah oui, on a tenu jusque là, c'est cool. Et puis la 101e bientôt. Bah voilà, exactement, putain, dans un mois maintenant. Voilà. Et nous avons l'extrême plaisir d'avoir des auditeurs fidèles de l'émission qui nous accompagnent pour cette émission exceptionnelle, à savoir Gilles. Salut Gilles. Salut tout le monde, merci pour l'invitation et quel plaisir de partager cette 100e avec tout le monde ce soir. Ah bah merci à toi en tout cas d'être là. Ensuite nous avons Daorp, salut Daorp. Un plaisir. Salut les gars, pareil, hein, un honneur de faire partie des élus invités là avec votre notoriété et franchement super. Oh, t'es limite un habitué toi maintenant. Mais c'est clair, il t'a déjà fait des prévus avec nous donc c'est bon. Et on a aussi Mixtou qui est aussi un habitué, mine de rien. Ouais, salut tout le monde, bah pareil, un grand privilège de fêter la 100e avec vous, ça fait super plaisir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, alors on va essayer de faire une belle émission. Ouais, t'inquiète, ça va le faire. Et on a aussi l'ami Rames. Salut Rames. Salut à tous. C'est bah, pareil que tout le monde. Hein. Pas très original, très, très content d'être là pour la 100e. Ça fait plaisir depuis le temps qu'on vous suit. Fais pas ton timide. Toujours bien détendu et dans la bonne humeur. C'est cool. Fais pas ton timide. Fais pas ton timide. T'as l'air tout. Bah, non, mais je suis très content de vous retrouver en plus parce qu'on avait eu l'occasion à l'époque, il y a très longtemps, dans l'application Rec Room, de faire. Un petit épisode. Ah ouais. C'est vrai. C'est comme ça qu'on s'est connus. Mais c'est vrai que ouais, je connaissais. Je savais pas encore que Majo était vraiment un connard à ce point-là. Donc c'est vrai aussi. Je l'ai découvert aussi. Donc, et nous avons enfin Gis. Salut Gis. Hello, salut. Ouais, ça fait un petit moment là que je vous écoute et ça fait vraiment plaisir d'être là avec vous parce que mine de rien qu'en vous écoutant, on a l'impression de faire un peu partie de cette bande un peu d'amis, je dirais, même si justement les mots piquants fusent un peu, mais jamais. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. C'est de l'amour vache. Voilà, que de l'amour, c'est ça. On s'est pas encore foutu sur la gueule d'ailleurs. Non, mais non. Par contre, on s'est envoyé quelques fions, effectivement. Ouais, exactement. Oh, voilà. Ça arrive de temps en temps qu'on soit pas d'accord. Ah oui, clairement, c'est sûr et certain. Mais au moins, c'est ça qui fait l'intérêt et puis qui apporte le débat. Et puis, si on était tout le temps d'accord sur tout, ça serait un petit peu chiant. Donc, ça serait moins drôle. Voilà. Et puis, des fois, on n'est pas d'accord juste pour faire chier l'autre. Hein. Oui, il y a aussi ça, un petit esprit de contradiction. Mais bon, voilà, c'est. C'est normal et ça fait plaisir. Donc, la 100e de cette petite idée qui a germé dans le fond de mon crâne il y a déjà un petit paquet de temps maintenant et qui fonctionne toujours bien et qui fait plaisir. Donc, que vous pouvez retrouver sur toutes les. Tu veux pas faire la promo, s'il te plaît, Majo, ça me casse les couilles en fait. Oui, le numéro 2. Ouais, retrouvez-nous sur toutes les applications de podcast, PodCloud, Spotify, La Total, sur YouTube, le site internet, VR4Player.fr. Et puis, le Tipeee, le pouce bleu, le commentaire, si vous voulez nous chier dessus ou pas. Et puis, c'est bon pour l'algorithme. La cloche, et puis on est bien, voilà. Parfait, c'était impeccable, merci. C'est très bien. Une promotion de qualité, comme on dit. Et le Discord, effectivement, il faut nous retrouver sur le Discord pour discuter entre passionnés de tout, surtout de VR, effectivement, évidemment. Ouais, de tout, on peut le dire. De tout, il y a quand même, c'est assez large, hein, et puis dès qu'on a des idées, on les met dessus, et puis voilà, ça se passe bien, pour organiser aussi des parties, sur les gros jeux, on va dire, multi qui en ce moment. Et puis voilà quoi. Je pense que on a fait à peu près le tour, je pense. Voilà. C'est bon. Passe à la suite. Allez, c'est parti. Et moi, je vais commencer par poser une question. Alors, ça va être une émission un peu particulière, ça va être une émission un peu ego trip, on va dire. Parce que c'est quand même la 100e. Et donc, du coup, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous avez découvert autour d'un VR, comment est-ce que vous avez découvert bah, même peut-être vers 4Player, justement. Par exemple, on va commencer par Dorp. Tiens, t'es en haut à gauche, donc c'est toi le premier. Ouais. Alors, moi, je fais pas mal de routes et j'aime bien me mettre des podcasts en voiture et j'en avais marre des trucs sur les tueurs en série. Ah oui, c'est vrai que ces cartons sont pas mal. c'est pareil. Hein. Commence à chercher des trucs sur le jeu vidéo, il n'y avait pas grand chose. Alors, je suis tombé sur des émissions où un peu plus tard est arrivé le sujet du VR et j'ai remarqué que ces gens-là n'étaient pas très VR friendly. Et je vous ai découvert à vous, autour d'un VR avec le petit Morito là. Mmh. Et j'ai bien aimé. Et il y avait le site en parallèle et j'avais pas trop fait le parallèle justement entre les deux. Et puis non franchement vous étiez toujours dans mes playlists en tête parce que non seulement vous êtes quasiment les seuls à en parler et puis ça dure longtemps et moi j'ai souvent de la route 2, 3, 4 heures donc c'est l'idéal quoi. Mmh. Et comme tu dis tout à l'heure vous n'êtes pas toujours d'accord, c'est bien d'avoir des points de vue avec chacun ses goûts, c'est pas les clones les uns des autres quoi. Mmh. Non, franchement super. Et puis le site qui est lié avec, et puis très tardivement, j'ai découvert le Discord. C'était juste avant la sortie du PSVR 2. Mmh. D'accord. Donc du coup, il faut qu'on fasse vraiment des émissions de 5 heures en fait, systématiquement. Exactement. Pour te rendre service, oui. D'accord. Donc on va essayer. Faire des marathons 24 heures. 24 heures. Le record, je crois, c'est 5h30, il me semble. C'est un appel. Ouais, c'était pour l'émission sur la PS5. Ouais. Effectivement. Ouais. On avait d'ailleurs coupé en deux parce que c'était trop long. En 3. En 3 5h30, je crois. Ouais, 5h30, ouais. J'en pouvais plus à la fin. J'avoue, c'était là. C'était horrible. c'était très technique. Quoi. Ouais, c'est ça. Et toi, Gilles, du coup, t'as découvert comment ? Alors, moi, c'est un petit peu différent de Daorp. Quand j'ai voulu me mettre. Alors, je suis PlayStation depuis le début. Hein, et quand le PSVR 1 est sorti, il me faisait de l'œil. Mais je ne l'ai pas acheté l'année de sa sortie. J'ai attendu d'avoir une belle promotion. Oui. Et quand j'ai eu l'occasion d'investir, je voulais connaître un petit peu. Donc Google m'a suggéré plusieurs sites. Et puis effectivement, c'était l'ancien site, hein, pas le nouveau, hein, l'ancien site VR4Player, où j'ai eu des tutos pour déjà bien débuter avec la VR et qui étaient très bien faits. Et à partir de là, j'ai regardé les dossiers que Lolo nous fait sur YouTube, qui sont très très bien argumentés, qui sont très bien. Et en fait, VR4Player, je ne regarde que depuis un an seulement. Voilà. Mmh. Et maintenant, je suis accro autour d'un VR. Et donc, et c'est pareil, le Discord, je l'ai connu. C'est Majo qui m'a invité sur le Discord la première fois, parce que sur l'ancien site, il y avait un petit forum. Il y avait un petit forum où je posais des questions, justement, quand j'ai acheté la PS5, pour faire le gap, est-ce que c'était intéressant de basculer mon PSVR 1 ou si j'attendais le PSVR 2. Et puis j'ai demandé, mais pourquoi il n'y a plus le petit forum qu'il y avait sur l'ancien site. Mmh. Et Major m'a dit, mais il y a un Discord. Je savais pas ce que c'était. Et puis du coup, je suis arrivé sur le Discord, on peut discuter. Et effectivement, le fait de pouvoir discuter avec vous sur le Discord, le VR4Player a un autre goût aussi quand on le regarde, puisqu'on a... On discute avec vous, et donc après, derrière, quand on regarde l'émission, on a une autre approche sur l'émission, et voilà quoi. Donc maintenant, tous les 15 jours, j'attends l'émission, paisiblement. D'accord, impeccable. Bah, voilà. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. Puis, Ouais, mais c'est vrai que c'est l'avantage du Discord, c'est que voilà, on est encore à taille humaine, on va dire. On arrive à interagir, que ce soit. Bah, on est suffisamment nombreux, en fait, pour répondre un peu à tout le monde, et puis bon, bah voilà. Un peu à l'image de l'émission, c'est-à-dire qu'on se prend pas trop la tête, quoi. Voilà. Donc on répond, on discute un peu de tout comme on disait, donc c'est bien, ça fait, comme tu dis, ouais, ça crée une autre ambiance et c'est plutôt agréable. Et puis ça nous permet aussi de vous connaître, parce que vous, comme on dit, vous nous connaissez plus que nous on vous connaît finalement. Donc ouais, le fait d'être sur le Discord, ça permet peut-être pas forcément de mettre toujours un visage ou une voix sur les personnes, mais au moins une manière de penser ou quelques petites anecdotes qu'on se rappelle entre nous quand on essaie de dire, ah ben oui, mais c'est un tel qui nous a dit ça l'autre jour sur le Discord, machin. Donc voilà. Donc c'est aussi plaisant en fait pour vous que pour nous, sauf quand ça dérape bien sûr, et là on sort le snipe, hein, vous le savez. Ouais. Ouais. C'est rare. Heureusement c'est rare. Ça arrive pas souvent. Mais c'est arrivé, donc écoute, il faut le dire, c'est un peu comme partout de toute façon, voilà. Mais bon, ça reste dans le bon esprit, dans la bonne humeur, donc en général, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc plaisir partagé. Exactement. Et toi Gis, du coup ? Tu m'as dit que t'écoutais pas depuis bien longtemps, mais que tu reprenais. Non, ça fait pas très longtemps. que tu reprenais après les ouais, anciens. Ouais, non, en fait, exact, ouais, c'est ça. Du coup, moi, j'ai commencé au moment où il y a eu l'annonce du PSVR 2, j'ai sauté sur les précommandes pour être sûr de pas me louper. Et en plus, j'avais fait une petite erreur, c'est que j'ai pris le pack minimum sans Call of the Mountain dedans. Et après, le temps est passé un petit peu, puis arrivé proche de la date, je voyais qu'il y avait en plus pas de... Les NDA, ils tombaient pas, je voyais pas de tests, pas de trucs. Je me dis, bah mince, je vais essayer de me... Et en essayant de chercher de l'information, bah justement, je suis tombé sur VR4Player. Et du coup, j'ai suivi je sais plus exactement quel moment, mais j'ai suivi les émissions, donc juste avant que le PSVR ne sorte. Et puis j'ai tout de suite accroché, quoi. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé. J'ai annulé ma précommande, mais pour reprendre avec Call of the Mountain, parce que de toute façon, il y avait finalement assez de, il y avait pas de problème de précommande de finalement. Ouais. Et du coup, bah, depuis, j'écoute et surtout là, ces deux semaines, j'étais en congé et du coup, je nivelais du terrain pour mettre une piscine et du coup, en travaillant, j'écoutais les podcasts, mais à rebours, quoi. Du coup, là, j'en suis à le 2021, le récap de 2021, le top 10 des... Alors, n'écoute surtout pas l'émission numéro 24, s'il te plaît. D'accord, ouais, c'est la meilleure. Pas tout de suite. Tu n'écoutes pas, tu la passes. Elle n'est pas intéressante. C'est la meilleure. Écoutez la 24. Voilà, c'est ça. Elle est un peu compliquée, celle-là. Mais du coup, ouais, comme disait Daorp, ça me plaît vraiment que les podcasts, justement, soient plutôt longs par rapport à d'autres. Mmh. Et j'écoutais déjà d'autres podcasts sur le jeu vidéo, mais plutôt le jeu plat, quoi. Mais franchement, non, moi, ça me plaît bien. Des fois, quand je fais un travail manuel ou je range la maison ou des trucs comme ça, au moins, j'écoute un podcast. Du coup, je regarde. Par contre, je fais pas de vue sur YouTube. Mmh. Je suis que sur Spotify. De toute façon, le cœur de l'émission, c'est vraiment justement la version audio. Et c'est ce qui me plaît. Moi, j'écoute aussi énormément de podcasts, soit de jeux vidéo, soit de cinéma ou n'importe quoi. Pas sur les tueurs en série parce que ça me casse la tête, mais. Et du coup, ouais, j'aime bien en fait la personnalisation que ça donne justement dans les gens d'une équipe, justement, et de pouvoir discuter vraiment à bâton rompu et dire absolument ce qu'on veut, de pas se mettre de limites, qu'on soit d'accord ou pas. Et donc voilà, c'était ça vraiment au départ, en tout cas le leitmotiv de créer cette émission là, c'est juste de discuter entre potes et puis on y va, quoi. Donc voilà, le fait que des gens adhèrent, en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. J'en suis extrêmement reconnaissant. Donc voilà. Et toi, Mixtou, du coup ? Mixtou, un habitué aussi. Un habitué aussi du. Un habitué des parties multi et des previews. Des parties multi, mais depuis pas si longtemps que ça, je vous regarde. Parce qu'en fait, moi, je vous suis depuis longtemps, mais depuis le site. Mmh. Moi, je lisais tous vos articles et tout depuis. À mon avis, quasiment depuis le début du PSVR 1, je pense. Je m'en souviens pas vraiment, parce que ça fait longtemps. Mais je lisais beaucoup d'articles à vous et tout. Mais j'étais pas vraiment YouTube avant. J'écoute pas de podcast. Je regardais pas vraiment de vidéos. De en contenu, général. Ouais. Et moi, en fait, c'est grâce, si on peut dire ça, au Covid. Parce que pendant le Covid, j'en avais marre d'écouter toutes les chaînes d'infos qui ressassaient sans cesse toutes les la morosité du moment et tout. J'ai arrêté d'écouter la radio, tout truc comme ça. Et je me suis mis, du coup, à YouTube. À vos vidéos, et ça me plaisait bien parce que du coup, moi j'écoute pendant mes heures de boulot, je bosse en même temps et je vous écoute plus que je vous regarde, mais je mets YouTube en même temps parce que quand il y a quelque chose qui m'intéresse, quand vous parlez d'une vidéo, quand vous mettez des extraits, là je vais aller regarder mon téléphone, mais je vous écoute comme un podcast, mais avec l'avantage de la vidéo. Et c'est depuis vraiment le Covid en fait que je vous regarde et que je vous écoute. D'accord, donc ça fait depuis 2018. Et après, depuis 2020. 2020 Putain, je te dis, hein, j'ai les dates. Covid-19 pour 2019. Fin 2019, début 2020. Ouais, donc ça fait 2-3 ans. D'accord. Et le Discord, bah alors parce que du coup, bah, peut-être que c'est pas très bien ce que je fais, mais je crois que je devais pas écouter jusqu'à la dernière minute la vidéo YouTube et je devais couper avant. Et je faisais pas attention à la fin, rejoignez le Discord. Donc maintenant, bah, à partir du moment où j'ai entendu rejoindre le Discord, j'ai fait « Ah, Discord, ça peut être pas mal avec la sortie du PSVR 2 ». Je vous ai rejoint et depuis, bah, on fait pas mal de trucs ensemble. C'est pour ça qu'on fait la promo maintenant, avant, oui, au début. Ça dépend. Discord est passé... Ouais, c'est mieux parce que c'est vrai qu'avant, je faisais pas le rapprochement au Discord. En plus, bon, malgré tout, j'ai 35 ans, mais je suis un peu vieux peut-être dans ma tête, mais Discord, c'était pour un peu pour les jeunes dans ma tête. C'est le turfu. Mais je vois que là je suis 35 ans, je suis peut-être un des plus jeunes de la communauté maintenant, parce que j'ai l'impression que tous ceux qui sont, à mon avis, ils vous regardent depuis leur maison de retraite. Donc prenez ça dans la gueule. Non, les gens. Il y a plus jeune, il y a plus jeune. Je dois être, si j'avais une catégorie, je serais dans la catégorie enfant, je pense, dans la communauté. Bon, on va le banner. Hein. On va le banner, on est d'accord. Sniper chargé. Mature, surtout. Mature. C'est un avantage. Ça marche. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème trop sur le Discord non plus. Bon, ça marche. Du coup, Rames, et toi ? Alors, toi, c'est un petit peu particulier. T'es quand même super actif dans le milieu de la réalité virtuelle. Tu participes à pas mal d'émissions. Tu as ta chaîne YouTube, on le rappelle, qui est d'une grosse qualité. Et puis tu brasses énormément de casques, énormément de possibilités en réalité virtuelle. Mais comment est-ce que t'as découvert, quoi ? Ben, comment j'ai découvert VRPlayer, c'était en 2016, hein, je crois, avec le premier PlayStation VR, parce que ça a été mon premier casque que j'avais chez moi à la maison. Mmh. Et puis, c'était l'époque... c'était l'époque où il n'y avait pas de contenu VR sur YouTube, etc. Et du coup, c'était complètement difficile de s'informer et puis d'avoir des tests en vidéo, ce genre de choses. Ouais. Et puis, petit à petit, vous avez commencé à vous regrouper entre vous pour faire des trucs ensemble. Et comme je disais tout à l'heure, la première fois, je crois que la première fois que vous êtes regroupés, ça devait être justement sur Rec Room, je crois, ou peut-être. C'était sur la chaîne d'Herbie. C'était Herbie qui avait fait sa part en live. Sa part en live. Ouais, exactement. Sa part en live, ouais, complètement. Et on s'est justement rencontrés à ce moment-là. Il y a eu 2-3 émissions, peut-être. Il n'y a pas eu beaucoup. 3 ou 4. À peu près. Ouais. Je me rappelle, c'était moi qui avais fait la room sur Rec Room. Je m'étais amusé à faire des petits PSVR en... Ah d'accord. Je sais même plus comment... En pixel art. Mm-hmm. J'avais fait ça pendant des heures. Maintenant, les mecs, ils font ça en 2 minutes. Mais parce que j'étais très fan de vous, enfin du boulot quoi, en fait, que vous faisiez, parce que vous vous êtes rendu compte que, comme tu l'as dit, j'aime bien tout ce qui touche un petit peu à l'actu VR, etc. Donc j'étais trop content que quelqu'un fasse ça. Et puis c'est comme ça que je vous ai rencontré. Et je crois que Majo aussi, durant la première émission où j'y étais, c'est pareil, c'est là aussi où ils vous rencontraient, je crois, à cette époque-là. Alors moi, j'étais auditeur à la base, moi. Mais je crois que tu participais. T'avais participé à une des émissions, etc. Et, non. C'était surtout avec Herbie, en fait, que j'avais sympathisé. À la base. Et qui, lui, m'avait invité, du coup, dans sa part en live. J'avais rien à voir avec VR4Player à l'époque. Ouais, mais c'est ça, on s'était retrouvé dans sa part en live, etc. Quoi, et d'ailleurs, coucou Herbie, je le salue, c'est trop cool qu'il revienne sur YouTube, ça me fait plaisir. Ouais. Et puis, je vous ai rencontré à ce moment-là, et puis c'était très cool de vous suivre, et encore aujourd'hui, ça fait super plaisir, parce que, tu l'as dit, je suis un petit peu dans pas mal de coins, etc., et j'aime toujours autant vous écouter, parce que vous avez ce petit côté où parfois vous n'êtes pas d'accord entre vous. Mais jamais ça s'embrouille vraiment jusqu'à s'énerver, où ça se met à brailler dans tous les sens. Même quand vous n'êtes pas d'accord et que vous taillez Majo avec No Man's Sky ou Song of the Smoke, tu vois, c'est toujours bon enfant. Qu'est-ce en fait. Et à chaque fois, on arrive à vous écouter, ça reste agréable. Mais pourquoi vous remettez ça, No Man's Sky sur le tapis? Faut pas parler de ça. No Man's Sky, j'ai même plus besoin d'en parler. Song in the Smoke, faut arrêter quoi. Ça se fait tout seul. Pour l'instant, j'ai pas entendu d'épisode sans No Man's Sky. Mais il n'y en a pas. À l'époque où j'étais pas là. C'est ça. Mais ils étaient pas sortis. D'ailleurs, moi j'ai une question pour Laurent. Est-ce que Majo est aussi flou en vrai que sur No Man's Sky? Quand tu le vois, tu regardes, il est net là. Il est un peu louche peut-être. Il est un peu louche. Il est plein d'humour et il est toujours en train de dire des conneries. Il est un peu fou aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'il est mieux fini que No Man's Sky sur PS5? Il est moins flou. Je sais pas s'il est mieux fini, c'est peut-être pas le bon terme. Est-ce que vous le voyez à 3 mètres surtout? Le rendu FOVL marche mieux sur lui. Ok, bon du coup c'est cool. Alors est-ce que vous avez des questions globalement sur, la création du truc, vous m'avez compris, ou pas. Moi j'aurais une question s'il vous plaît. Ouais. on parle donc de l'émission Autour d'un VR. Moi, effectivement, je la regarde installée sur mon canapé, sur YouTube, sur mon téléviseur Android. Donc, effectivement, souvent, je mets le pouce, mais je ne peux pas faire de commentaires sur la télé. Et par contre, on a le nombre de vues sur la télé. Et apparemment, il y en a beaucoup qui l'écoutent sur Spotify. Oui. Le podcast, en moyenne, combien de personnes l'écoutent, vous le savez ? C'est extrêmement fluctuant, c'est en fait. Facile, C'est très, extrêmement fluctuant parce qu'en fait, le podcast, il est hébergé par un site qui s'appelle PodCloud. Je dis pas de conneries. Et du coup, en fait, au niveau des statistiques, c'est très. J'ai l'impression que c'est pas très fiable. Il faut savoir aussi un truc, c'est que la façon de consommer un podcast audio est complètement différente avec une émission, avec la version YouTube par exemple. La version YouTube, on sait très bien comment ça fonctionne, c'est-à-dire pendant 2 semaines, donc c'est toutes les 2 semaines l'émission, ça va taper fort au départ, ça va stagner, ça va continuer un petit peu à augmenter, et puis au bout d'un moment, au bout d'une semaine et demie, ça va arrêter d'évoluer. Sur une émission radio, on va dire, c'est sur un podcast audio, c'est un petit peu différent en fait. L'émission peut continuer à vivre des mois après qu'elle soit sortie et continuer à faire des vues et continuer à augmenter encore et encore. Je dirais que ça peut fluctuer entre par émission uniquement sur la version audio. On en est à quelques milliers de vues par émission. Mais voilà, je dis vraiment quelques parce que c'est vraiment fluctuant et je te dis c'est pas une statistique qui est intéressante à regarder au bout de 2 semaines ou au bout de 48 heures. Il y a des émissions en fait qui continuent de monter, par exemple qui marche encore. Ouais, l'émission qu'on avait fait sur le blind test avec les émissions sur la musique du jeu vidéo, celle-là elle continue à vraiment à bien monter parce qu'en fait elle est assez intemporelle. Elle traite pas d'actualité ni quoi que ce soit. Elle continue de monter. Elle vit sa vie, en fait. Donc, ça dépend vraiment en fait, des émissions. Ça dépend des thèmes. Ça dépend de la hype qu'il peut y avoir aussi. Ça dépend de l'actualité, en général. Ouais, de absolument. L'actualité. Par exemple, on a eu des gros pics pendant la période, juste avant la sortie du PSVR 2 et un petit peu après. Là, c'est un peu plus calme en ce moment. Parce que c'est lié, en fait, à l'actualité. Et à l'actu, ouais. donc voilà, c'est assez fluctuant en fait. Et à la hype aussi, la curiosité, et puis après il n'y a plus de curiosité. Oui, et puis comme le PSVR 2 est un flop, de toute façon tout le monde s'en fout. Ouais. Exactement. Oui, il y a de ça aussi. Hein. Ça va sentir le coup de gueule, ça, je pense, dans pas longtemps. Ça commence, j'amorce, t'as vu. Il commence à monter là, commence à se préparer. Bois un coup, bois un coup. Ça, c'est fini, j'en ai plus. Resserre-le. Donc voilà. Voilà, en fait, et puis surtout, quand tu es créateur de contenu, je pense qu'il faut pas être trop esclave de la statistique. Tu regardes un petit peu, tu sais quand il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. Il faut pas chercher non plus à plaire nécessairement. Et donc du coup, je pense que c'est important de prendre beaucoup de recul sur les stats. Des fois, tu fais des choses qui te font plaisir, tu parles vraiment à cœur ouvert. C'est pas forcément ce que les gens ont envie d'entendre. En tout cas, je parle vraiment du grand public. YouTube aime pas les gros mots. On s'en fout, on dit des gros mots quand même. Pas se retrouver piégé dans ce truc à dire « Ah putain, j'ai fait moins de vues que la vidéo d'avant. » Tu gâches le naturel de l'émission, en fait. C'est donc, ça. Ça marche pas. Voilà. Bon, on continue, en fait, parce qu'on fait pas ça pour les stats. Et puis, on fait ça juste pour se faire plaisir. Par exemple, tu vois, les 2 premières années de l'émission, vu que ça me tenait vraiment à cœur, je regardais vraiment très, très régulièrement le nombre d'écoutes, etc. Maintenant, je regarde absolument plus, quoi. Je m'en fous, en fait. Tu sors l'émission, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Du moment que t'as des gens qui sont derrière et que tu sens que les gens, enfin, les retours que t'as sont positifs et que les gens sont intéressés, bah ça te suffit, en fait. Hein. Qu'il y en ait 50, qu'il y en ait 1000, 2000, on s'en contrefout. Ouais, mais parce que vous êtes habitué, vous êtes blasé, mais moi je suis un grand timide, hein, attention. Hein. Ah, c'est pas une question d'être blasé. Hein. C'est pas une question d'être blasé, hein, par contre. C'est vraiment juste qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et c'est dangereux, en fait. Ouais. Ouais, surtout que le podcast, enfin, moi, du moins, quand on me l'a vendu, quand je suis arrivé, c'est vraiment un truc où tu te prends pas la tête, quoi. C'est-à-dire qu'on est là pour discuter entre nous à la manière de Tour d'un Verre, quoi, en fait. Donc, c'est aussi d'où le titre de l'émission. Et c'est vrai que. Au début, t'es un peu, voilà, t'es un peu stressé, mais en fait, après, bah, comme vous dites, on se connaît, on se voit bah, tous les 15 jours, on discute pendant des heures et des heures. Après, on se contacte aussi tous les jours via les minces Discord. Donc, bah, du coup, forcément, ça devient beaucoup plus naturel. Et en fait, une émission qui finalement peut être très structurée, ce qui n'est jamais le cas, hein, parce que contrairement à ce qu'on peut peut-être laisser paraître parfois, oh non, c'est à la structure, ça se décide toujours c'est une demi-heure avant. Et on s'en rend compte. On est quand même content, si tu veux, d'arriver à faire quelque chose d'audible et qui soit agréable à écouter, et puis surtout à partager cette entre guillemets bonne humeur qu'on arrive à avoir et cette facilité à communiquer qu'on a entre nous, quoi. Parce que mine de rien, on essaye aussi de penser aux gens qui nous écoutent et de manière à comment dire, à rendre ça le plus clair possible. Et puis, ben, on est aussi content d'y arriver. Et d'ailleurs, je suis content des remarques que vous faisiez tout à l'heure, parce qu'on a souvent de part d'autres auditeurs la remarque inverse, qui nous disent que bah, justement nos podcasts sont trop longs. Et ça fait aussi plaisir à entendre, en fait, que finalement bah, il y en a aussi qui aiment ce format long, parce que bah, tu peux l'écouter, voilà, quand, comme tu dis, quand tu travailles ou quand tu étais sur la route ou autre, et que c'est toujours intéressant. Donc voilà, non, moi, c'est pas assez long. Hein. Gilles il en veut un tous les jours, je sais, il arrête pas de demander c'est quand le prochain podcast. Moi, si ça vous seriez saoulé 3, après. 4 heures, c'est pareil. Hein. Ça serait... Vous seriez saoulé après, ce serait pas pareil. L'avantage de ces podcasts longs, c'est que justement, vous survolez pas le truc et parfois vous abordez un peu toutes les faces d'un sujet d'une polémique ou quoi que ce soit, donc c'est bien, c'est réfléchi, c'est pas un truc balancé comme ça et allez, en 7 minutes c'est plié et terminé, alors quoi. C'est réfléchi, non, c'est pas réfléchi, hein. il y a pas mal de choses qui vont être sourcées, mais après oui, c'est, ouais. C'est souvent des billets d'humeur aussi, hein. C'est complètement ça. Ouais, c'est ça qui fait que aussi je pense que c'est intéressant, c'est parce qu'on arrive à discuter de ce qu'on ressent, mais tout en s'appuyant sur des faits ou sur de l'actu. C'est la force aussi, c'est que des fois, c'est pas du tout. C'est des fois, tout le temps, c'est pas préparé. Donc du coup, spontanéité, c'est bien. On sait même pas de quoi va parler l'autre. Donc il y en a un qui sort un truc, et ben on va avoir une réaction qui sera réelle, quoi. On va se dire qu'est-ce qu'il raconte là. Et c'est ce qui fait aussi la force du truc. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui sont en train de faire carrément des crises de calcaire, parce qu'ils sont devenus complètement emprisonnés par l'algorithme de YouTube. Ça on veut pas, ça on veut pas. Et au final, bah, le podcast, est-ce qu'il serait le même si on avait 300 000 visiteurs, est-ce qu'on serait pas encore pris dans ce truc-là? Je pense que ça serait le même. Hein. J'espère. Mais franchement. Mais c'est pour ça que finalement une émission, elle marche, elle a fait tant de vues. Elle a fait 500 vues, l'autre elle en a fait 3000, bah c'est bien. Puis on s'en fout, quoi, en fait. Moi je suis très déçu parce que je regarde beaucoup les commentaires. Que pour l'argent, et alors qu'en fait c'est juste par passion. Alors non, mais ça c'est le discours qu'on te donne, voilà. Justement, voilà, au public, entre normal. Nous, on pense qu'au pognon, ouais. Se taper des meufs grâce à la notoriété, ouais. Et puis prendre de la coke. Hein. Ouais. On est d'accord, hein, là-dessus, mais bon, ça reste entre nous, quoi. C'est. Cool. C'est le super American Black tout à l'heure, mais putain, ouais. Donc voilà. Donc voilà un petit peu au niveau des stats, en tout cas ce qu'on en pense, ben on s'en branle. Quoi. S'en branle. Ouais. Donc, ouais, surtout qu'on parle. En plus, on parle de YouTube, mais YouTube est quand même une version assez jeune, parce qu'à la base le pod était uniquement audio, et puis on s'est dit bon ben pourquoi pas. Rajouter un format, en fait, et puis bah écoute, ça complète. C'est finalement. Surtout parce que j'ai ça enfin date, eu ça la date fibre. Depuis quand YouTube? Oui, aussi. Il y a eu ça. Bah, YouTube, c'est depuis le moment où j'ai eu la fibre. j'ai pu balancer l'émission en vidéo, parce qu'avant, c'était juste pas possible, quoi. C'était, On l'avait fait un petit peu, mais sur une ou deux émissions, et c'était galère. Ouais. Alors, effectivement, j'en ai fait une qui m'a pris à peu près 15 jours de montage, où j'avais fait l'interaction, en fait, de nos miniatures, de chaque visage, en fait, à chaque intervention. Oh, tu t'es fait chier. Et ça avait duré. Ça avait été long à monter. Et puis bon, bah du coup, l'actu était en retard. Mais bon. Tout ça pour un résultat médiocre. Niveau des vues. On y réfléchissait. Ouais, mais bon, écoute, après, le format était là. Je trouvais ça intéressant. Et puis c'était plus interactif. Mais bon, voilà, on réfléchissait à une manière aussi d'exporter le podcast un peu différemment. Et puis ben, voilà, on a eu Discord, la petite bannière. Et puis finalement. ça passe bien avec des illustrations voilà, de ce qu'on dit. Ouais, voilà, ça passe. Oui, et puis Discord, c'était aussi... parce qu'au départ, il y avait un forum, effectivement, sur le site. Le problème de ce forum, c'est qu'au début, quand il n'y a personne qui va sur le forum, ben, tout va bien. Mais ça a vite fait de prendre beaucoup de place sur la base de données. Et après, j'ai dit, imagine que ça prenne vraiment ce forum. Il va falloir presque avoir une base de données rien que pour le forum. Et puis, ça va être de plus en plus compliqué. Du coup, j'ai tout viré. Et là, c'est là qu'on est libre. On part sur Discord. Au moins, c'est indépendant et on sera tranquille. Mmh. Et finalement, c'est la meilleure solution, quoi. Et après, on a appris que Sony avait fait un partenariat avec Discord. Je connaissais les forums, effectivement. Et Discord, j'ai découvert là-dessus. Moi, je ne connaissais pas. Pour moi, c'était comme les Telegram ou je sais pas, toutes ces applications un peu de Jones, là, comme disait Mixou. j'y comprenais absolument rien. Je cherchais un forum, j'avais une question à en poser et puis je savais pas trop. Alors, parfois en bas d'un article dans les commentaires j'écrivais quelque chose, mais je sais pas. Alors peut-être que quand vous répondez on a une alerte ou quoi, mais il me semble pas. Si tu cites j'ai quelqu'un. J'ai vu ce Discord et puis c'est là que ça a commencé, quoi. Oh, c'est plus simple quand même. Ouais, c'est plus simple ouais. Et puis ça prend pas de place. Ce qui est génial, c'est comme... vivant, c'est vivant. Oui, le voilà, Discord, c'est ça. Exactement, voilà. Et puis vous êtes abordable, vous répondez, vous la jouez pas un peu Dieu au-dessus qui lit et qui répond pas. Ah non, parce vous répondez et c'est là aussi une force, parce que quand on a lu à un moment donné toutes les critiques qui arrivaient, il y en a beaucoup justement pour se protéger de ça et pas se démoraliser, ils coupent ou la possibilité de mettre un commentaire ou ils ne les lisent pas, ils n'y répondent pas. Vous êtes toujours là derrière. En tout cas, on essaye. On essaye. C'est fort, hein, c'est fort, c'est du temps. Hein. Quand tu vois, moi je vois, parce que des fois, je me suis mis à bosser un petit peu, donc j'ai plus le temps de consulter tout le temps. Et quand tu ouvres le Discord et t'as 1000 messages. On essaye aussi. On voit que le fait qu'on soit plusieurs aussi, c'est bien parce qu'on lit des petites parties. Pendant un moment, c'était 10 nouveaux par jour qui arrivaient. Et au tout début, quand je suis arrivé un peu avant cette sorte de hype, il n'y avait pas autant de monde. Mais c'est bien, ça a fait un peu de pub. Et malgré tout, c'est bien, ça fait interagir tout le monde. Ça crée des débats. Ça vous donne aussi, vous, je pense, de quoi parler. Parce que là, pour vos émissions et tout, ça vous inspire un petit peu. Et nous, ça nous fait de quoi s'occuper. Hein, Il y a des dossiers vidéo qui sont partis de discussions sur Discord. Ah oui, clairement. Oui, bah oui, on le voit. Clairement. On le voit parce que Laurent, des fois, quand on sent qu'il y a le petit truc, il y a quelqu'un qui te parle d'un truc, tu te dis, ah justement, j'y pensais, et d'un seul coup, le lendemain, on voit une vidéo. Que Laurent, son truc, si tu veux, il répond à une question sur le Discord, ça fait à peu près un article complet, c'est-à-dire que c'est gros pavés comme as qui balancent. Oui, on les voit arriver. Et puis après, pendant deux jours, on voit Laurent est en train d'écrire pendant ce temps-là. Après, il disparaît des radars, c'est qu'en fait, il est derrière en train de faire son petit dossier. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a un qui va balancer quelque chose. Voilà, il a assassiné un paquet de personnes anti. Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez eu du retour derrière, mais moi quand j'ai lu ça, j'ai dit il n'y a pas meilleure défense du PSVR. C'est... Lequel le nom n'est pas un bide ? Le PSVR 2 n'est pas un bide ? Celui où tu as pris toutes les critiques qu'on faisait au PSVR 2. Ah non, la fois en question. Justifié, argumenté, avec des images. Ah oui, oui. Ah si, il y en a eu. Des archives incroyables. Ouais. Ça, celui-là, je pense que c'est peut-être un de vos meilleurs scores YouTube, non ? Je suis pas sûr, non. Non, ça va être un trailer. Le meilleur dossier, c'était celui de la PS5 qui avait 125 ou 130 000 vues, je crois. Je crois que c'est celui-là. Ouais. Ouais. Mais après, c'est intéressant parce qu'en fait, ça part d'une discussion, mettons, avec vous sur Discord, et puis il y en a un qui dit quelque chose, et puis il y en a un autre qui dit autre chose parce qu'il n'est pas d'accord. Après, moi, je vais être d'accord ou pas. Et des fois, c'est souvent, il peut arriver aussi. Des fois, je prends la mouche sur un sujet, puis après, je me pose le soir, je commence à écrire le truc, je dis putain, il avait pas tort en fait. Alors, je me suis engueulé avec lui pour rien. Et puis c'est là que sort le dossier en fait. Et c'est souvent comme ça que c'est construit en fait. Et après, des fois, je leur envoie le dossier, et eux aussi, ils disent pourquoi t'as fait ça, c'est complètement nul. Et donc après, ça se construit comme ça, petit à petit. C'est ça, c'est évolutif en fait. Et c'est vrai que les réflexions justement de la communauté nous permet de nous de faire poser des questions aussi et puis de rebondir dessus et puis proposer des réflexions, quoi. Et le but, je pense, alors je parle pour moi en tout cas de Tournin VR, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois en fait, c'est pas de... On n'a pas du tout la prétention de connaître la vérité et de dire ça c'est oui, ça c'est non. Nous ce qu'on veut en fait, c'est apporter des axes de réflexion aux gens. quand on fait un dossier, quand on fait une émission ou quoi que ce soit, ou des articles, en fait, on n'a pas du tout envie de prêcher une bonne parole ou quoi que ce soit, mais juste de faire réfléchir un petit peu les gens. C'est pour ça qu'on se permet des fois d'avoir des sujets un petit peu plus un peu plus généraux comme comme par exemple le Game Pass. Entre le physique et puis voilà et puis tu peux le dire le Game Pass. Non mais entre le physique et puis le système d'abonnement justement et toute la partie écologique qu'il y a derrière, c'est un axe de réflexion. Faut prendre du recul un petit peu là-dessus et puis essayer de se poser quelques questions, pas forcément avoir des réponses mais au moins se poser les questions. C'est pareil pour le PSVR 2 est un flop. Alors si on prend un petit peu de recul, si on commence à rechercher un petit peu les sources et de savoir d'où vient cette information, comment est-ce qu'on peut la comprendre? Est-ce qu'on doit la digérer et puis l'avaler comme ça sans réfléchir? Non, pour nous en tout cas c'est pas la bonne façon de faire. On pose la question, après voilà, on donne notre avis et on pose la question, on dit pas c'est la vérité. C'est un flop. Des fois si on dit c'est la vérité. Le fait d'argumenter et de dire il y a des fois il y a des évidences quand même. On assume. Moi je reste toujours un petit peu quand même sur la réserve, en tout cas dans les émissions, j'essaye de. Je sais après, pas si j'y arrive, mais. Après, c'est vrai que sur le dernier article concernant le flop du PSVR 2, y a quand même. On sent que ça a titillé pas mal de monde parce qu'on sent que ça devient agressif derrière dans les commentaires. Là, l'article, en quelques jours, je sentais que ça arrivait n'importe quoi. De toute façon, c'est un flop, c'est sûr. Et on sent que quand ça commence à piquer comme ça, on sent qu'on est sur quelque chose de bon, en fait. Et bah, c'est que ça fait réfléchir. Enfin, là, il y a un truc qui dérange. Une réaction, quoi, derrière. Mais c'est ça qui est recherché. Ça arrive pas tout le temps. Des fois, il n'y a aucune réaction. On dit, tant pis. C'est que tout le monde s'en bat les couilles, donc on passe à autre chose. Hein. Et puis voilà. Ouais, faut dire qu'Internet est con aussi, donc de toute façon, c'est compliqué de. Tu sais qu'on est sur Internet, là. Oui, tout à fait. D'accord. Mais je m'inclus dedans. Hein, tu sais, parfois, j'ai des réactions qui sont pas forcément les bonnes. Et. À partir du moment où on ouvre de toute façon la possibilité à tout le monde de s'exprimer, tout le monde y va de sa petite expérience personnelle, si tu veux. Et le problème aujourd'hui, en fait, c'est que Internet a donné accès à énormément d'informations, sauf qu'il y a tellement d'informations à digérer, en fait, que les gens n'ont plus le temps de digérer l'information et ne vont plus chercher et se contentent des raccourcis. Et c'est là où je dis qu'Internet est con, c'est que, en fait, une idée va germer, mais de rien, en fait. Et sans aller plus loin. Et c'est là le problème, et c'est ce que nous, du coup, on essaye un peu de comme tu disais, de on va dire de contrecarrer, mais en fait, souvent, on se retrouve à tomber en frontal contre des gens qui sont comme ça, quoi. C'est-à-dire qui ne vont soit lire que le titre, en fait, de l'article, ou la publication qui va mettre en avant sur tel ou tel réseau cet article, en fait, et puis, il va mettre les pieds dedans et puis ça va y aller. C'est parti, quoi. C'est voilà, vous êtes des vendus, vous êtes des prouesses, vous êtes tout ce que tu veux. Enfin voilà. Y a un côté en plus où c'est un côté par exemple que moi j'ai pas du tout sur ma chaîne, etc. Parce que je suis multifonction, on va dire, multitâche, tu vois. Et vous ramassez un petit peu aussi tout ce côté les fanboys. Parce que moi, par exemple, tu vois, genre dès que ça parle, voilà, échec du PSVR, etc. T'as tous les rageux. Anti-Sony qui vont vous tomber dessus. Moi, je sais que j'ai pas du tout ce genre d'énergumène, etc. Ouais, parce qu'on est spécialisé. Faut avoir les reins solides, j'imagine, pour ça, clairement. Parce qu'on est spécialisé, et à partir du moment. Déjà il y a un gros amalgame qui avait été fait au départ. C'est à la fois une force, mais c'est aussi, un coup à se prendre des attaques. On l'accepte, hein. Enfin, après, au bout de 5 ans, on est habitué, même. Oui, c'est clair. Il y avait un gros amalgame qui était fait au début, c'est que tout le monde pensait qu'on était sponsor. Par Sony, ce qui n'a jamais été le cas. Mais on le sait, vous avez reçu un PlayStation VR dans une boutique. Oui, ça vient après. Ça. Enfin, pas on, il. Il a jamais c'est pas pareil. C'est pas beau, ouais. C'est pas beau, mais ça fait du bien, on s'en fout. Alors. Ouais, ça fait du bien. Cool. Ça fait du bien parce qu'au bout de 5 ans, quand même, tu te dis merde. Et puis, quand je l'ai reçu, je m'y attendais pas du tout. J'ai dit putain, j'étais content. Ouais. Ce que les gens oublient, en fait, enfin, ce que les gens oublient, ou ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que à la sortie de la PS5, on n'a vraiment pas été tendre. Ah non. On l'a vraiment très très mal pris, puisqu'on ne connaissait pas en fait l'avenir de ce PSVR actuel, ne sachant pas le PSVR 2, quand est-ce qu'il allait arriver, pardon, et comment, et si il allait arriver d'ailleurs, puisqu'il n'y avait que des rumeurs à cette époque-là, il n'y avait rien. Et en fait, il n'y avait pas de suite pour le PSVR, et donc on était un peu rageux parce que ça sentait pas bon. Et du coup, on a été un peu à l'encontre justement de Sony, bah, de Sony et de PlayStation et de leur leur, bah, leur nos PSVR 2, nos PS5, hein. Nos VR, nos PS5, ouais. Exactement. Et on les a vachement taclés d'ailleurs. Et du coup, voilà, ça c'est le genre de choses que les gens ne soulèvent pas. C'est-à-dire que oui, on est dévendu, on est payé, enfin voilà, de toute façon, il n'y a que le PSVR 2 qui compte ou le PSVR qui compte, le reste c'est de la merde. Ce qui est vrai, non, je déconne. Je rigole, calmez-vous. Mais voilà, c'est ce genre de choses que les gens. Pendant ce temps-là, les commentaires. C'est ce genre de choses que les gens connaissent pas du coup, et c'est pour ça que. Quand on nous traite de fanboy, oui, c'est sûr, on aime. Enfin, moi comme j'ai dit, j'aime mon PSVR. C'est un site PlayStation. Et j'aime mon PSVR 2 aussi, malgré leurs défauts. Mais on reste, comme on dit, spécialisé. Donc on parle de, entre guillemets, ce qu'on connaît. Après, on arrive à parler d'autres choses parce que, ben voilà, ça, il y a une expérience un peu plus large que nous. Moi, parce que j'arrive à essayer d'autres choses, que ce soit dans des salles ou par le biais de Rames ou même par Safe. On arrive quand même justement à regarder ce qui se passe ailleurs sans pour autant se prétendre spécialiste de ce qui se passe ailleurs, mais on a quand même quelques éléments de comparaison. Et c'est pour ça que ça reste un peu frustrant et énervant quand on se prend ce genre de claque, on va dire, parce que c'est forcément des gens qui ne nous connaissent pas, qui ne nous suivent pas, mais qui se permettent de juger en fait et de mal juger. Ça m'intéresse plus ça maintenant. Moi non plus. Autant au départ, tu sais, au départ où j'étais sur le site, ça me gonflait et puis j'y allais en frontal après devant. Maintenant, c'est le retour facile en fait. Tu dis quelque chose qui plaît pas. Ah mais vous, de toute façon, vous êtes des fanboys. Bien souvent, c'est dit par des fanboys d'ailleurs. C'est plus emmerdant quand c'est dit par d'autres rédactions. M'en fous. Mais c'est pareil. Comme on en a eu justement il y a quelques temps où quelqu'un avait posé une question sur VR4Player, est-ce que vous voulez pas faire un truc avec eux? Oui, VR4Player, enfin il avait donné son avis, genre VR4Player, oui, ils font des titres qui font cliquer. Voilà, et c'est exactement comme ça. Par rapport au contenu justement que le mec proposait, je trouve que putain, on est plutôt plutôt soft quoi à ce niveau-là. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'est pas tombé dans. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité parce qu'aujourd'hui on parle d'internet, tout internet est fait comme ça. Ah ouais, non. Ouais. Que ce soit pour des baisses tarifaires de produits, que ce soit pour. J'ai juste envie de demander. Pour un article, juste envie de demander, c'était quoi la question au départ? Quelqu'un se souvient? On n'a pas, personne. On a nombre de vues sur YouTube et sur le podcast. Oh putain, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Mais ça va avec du coup. Donc voilà, bon, on va peut-être passer du coup. Non, attends, non, juste, il veut pas. Il est toujours minique les transitions tout le temps. Non, pas du tout. Ouais, juste pour dire d'où ça vient en fait toute cette histoire. C'est quand même à la base pareil, comme tout le monde, comme beaucoup, j'ai acheté le premier PSVR donc le 13 octobre, précommandé en mars. Je reçois mon premier PSVR, je vais sur internet, donc tout début octobre, je cherchais des infos pour savoir les jeux, pour savoir les machins. Et c'est quand même sur le PlayStation blog que je discutais en fait, et je dis où on va pour avoir des infos sur le PSVR. Et les mecs ils me répondaient le PlayStation blog. Mais le problème du PlayStation blog, c'est vu que c'est pro Sony, c'est toujours magnifique. Donc c'est de là qu'est né VR4Player en disant on va faire un truc, je vais faire un truc sur le PSVR. Et Dieu sait qu'il y en a. Mais au moins on taillera quand il faudra tailler. Et ça c'est ça la base. Après coup le PSVR était en train de mourir. Et là on n'avait plus un chat. Hein. On arrivait à faire des vidéos qui faisaient 200 vues. Donc on n'avait vraiment plus rien, plus personne. Le PSVR n'intéressait plus. Et à ce moment-là on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se démultiplier le nombre de casques et se retrouver en multicasque? Et c'est là que j'ai mis un frein là-dessus, parce que je me suis dit, si on part sur tous les casques, quand on voit déjà le travail qu'il y a juste à gérer l'info d'un seul casque, si on veut gérer la même chose sur tous les casques, il faut être une armée, quoi. Et ça sera si tu veux le faire bien, en tout cas. Le faire bien. Et si on se lance sur, mettons, sur le Pico ou sur le Quest 2, ou on se lance sur d'autres casques, il faut que derrière, il y ait une équipe de 3 ou 4 personnes qui sont en permanence en train de l'alimenter. On peut pas se permettre de parler du Quest ou du Pico une fois par mois. Donc du coup, j'ai préféré rester autour du PSVR, PSVR 2. Ça laisse une plus petite... Enfin, pas une petite communauté quand même, c'est quand même une grosse communauté, mais ça limite de se retrouver à partir dans tous les sens et se retrouver sur quelque chose d'ingérable. Ça veut pas dire qu'un jour peut-être si on arrive à monter une armée, pourquoi pas, mais l'optique de VR4Player à la base c'était ça, la VR console quoi. Et puis on a le droit d'aimer la philosophie d'une marque, d'aimer un peu ses licences, tout ça, sans être forcément fanboy. C'est pas parce que vous focalisez sur une machine que vous pouvez pas aimer le reste. Ceux qui crachent sur vous tout le temps, généralement, sur vos vidéos, sur tout ça, c'est les mêmes qui regardent les mêmes articles, soit Putaclic ou soit ceux qui vont toujours faire de l'argent sur les titres où il y a des flops, où il y a du malheur. C'est toujours les mêmes qui vont aimer ce genre de choses. On est arrivé aussi sur le cas que sur console, il y a eu que le PlayStation VR. Parce que moi perso, j'étais très PlayStation. Majo est bien PlayStation. Mais par exemple, Say, il aime bien Xbox. Donc si Xbox avait sorti son casque, je pense qu'il aurait été possible qu'on se retrouve avec un site console où on fasse casque Xbox et casque PlayStation VR. Il devrait pas tarder à sortir sur One X normalement. On n'aurait pas arrêté de s'envoyer des pics, hein, parce que on s'enverrait déjà. Il y avait une manette Xbox déjà sur. Oui, celle que t'as fait tomber tout à l'heure cet après-midi. Dans mon mobile. Dans mon mobile. T'as fait exprès de la défoncer, ma manette. Putain, sérieux. Mais après, voilà, ça s'est fait comme ça. Il y avait juste le Nintendo Labo chez Nintendo. Donc on n'allait pas en faire tout un plat. Belle tentative. On a juste fait une vidéo en disant que c'était bien, que ça pouvait faire découvrir la VR. Ça n'a clairement pas servi à la cause VR, Nintendo. Non, mais. Bah, ils ont essayé un truc, ils ont essayé. C'est à l'image du Google Cardboard. Ouais, mais les jeunes ont peut-être découvert le truc et puis après ils sont peut-être partis au PSVR. Non, et mais après, rien, il n'y avait pas de sangle. Enfin, je veux dire, même si le truc était bien branlé avec. Mais tu découvres ça à 12-13 ans, tu sais pas content. C'est un Camille qui l'avait testé à l'époque. On parle de résolution, la Switch c'est 720p. Donc voilà. Donc voilà, je sais plus ce que c'était la question, mais. Le nombre de vues. C'est vrai. Toujours, c'était la même, il n'avait pas fini. Le nombre de vues sur le podcast, on ne le sait même pas. Bah non, on ne sait pas. Sur YouTube, il y a un compteur, mais sur le reste. Je pense que c'est entre 2 et 3 millions par émission, quoi. Par siècle. Ouais. À peu près. 15. Ouais. En plus, on n'a même pas les stats Spotify et Deezer. Moi, je les ai plus, hein, les stats. Hein. Donc en fait, il y a des écoutes dessus que... Ah ouais, et c'est probablement ceux qui brassent le plus. Bah ouais, mais je sais pas. On regarde pas, en fait. Oui, puis YouTube, c'est facile, parce qu'il y a le compteur. C'est Laurent qui doit avoir lié son compte pour les fonds. Ouais, c'est ça. Il l'a pas dit. Deezer, c'est toi qui... C'est ton compte? Non, c'est pas mon compte. C'est Deezer. Compte à qui? C'était Cyril qui s'en était occupé. Ah, d'accord. Bon, c'est vraiment de la tambouille interne, là. Donc du coup, en fait, on n'a plus aucun moyen de savoir si ça cartonne sur Deezer ou Spotify. Moi, j'ai pas les codes d'accès. Voilà. Donc, expliqué tout à l'heure, vu qu'on s'en fout, c'est pas grave. C'est comme le Tipeee. Vous n'arrêtez pas de demander dans vos vidéos. Allez sur le Tipeee. Le Tipeee, il était même pas en route. Il n'y avait même pas de lien. Il n'y avait pas le lien visible. Les mecs qui n'ont pas envie de réussir, quoi. T'sais. Oh les cons. T'as mis le Tipeee sur le site. Ah bah non. Ils se rendent même pas compte qu'il n'y a pas de rentrée d'argent. C'est ça. Avec un peu de chance, ils ont même lié un compte avec un numéro au hasard. Oh, puis, ouais, puis on parlait de ça, c'est vrai que comme on parle du Tipeee, bon, on le rappelle aussi de temps en temps, mais on est des gens qui travaillent, enfin voilà, on vit pas de ça. Donc du coup, on a tous une activité pro à côté, donc c'est pour ça que ça rajoute aussi ce côté, on est content de se retrouver parce que ça fait décompresser, on parle un peu de ce qu'on aime, de ce qui nous passionne, on n'est pas... On suit toute la journée l'actu, mais voilà, on reste quand même à prendre plaisir à en discuter et en parler en fait comme une passion finalement, plus que comme un travail, parce que notre travail c'est le reste de la journée, quoi. C'est ça. Bon, est-ce que quelqu'un a une autre question du coup? Widorp. comme on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui vous a amené, la genèse, qu'est-ce qui vous a amené à vous retrouver tous les trois autour de cette table? L'idée, l'embryon, et puis le parcours, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait d'autres noms qu'on ne connaît pas, enfin que moi je ne connais pas. Et bien, j'aimerais bien connaître votre histoire. L'histoire du podcast ou l'histoire de VR4Player. De VR4Player, ça c'est long. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça a commencé sur le PlayStation Blog, une discussion et de voir qu'il n'y avait rien. À partir de là, le site est né. J'ai commencé à le mal faire peut-être février, septembre, octobre. On va dire novembre, le site était presque monté en 2016. Au début, c'était tranquille. Donc, des petits articles sur le PSVR. Quand je voyais une info arriver, je balançais ça. Et petit à petit, il y a eu un premier YouTuber. C'était Planète VR. Qui m'a dit, moi je fais des vidéos, si tu veux, je fais les vidéos, puis toi tu fais les textes, le site. Il n'est pas resté très longtemps, parce que à la fin il a dit qu'il arrêtait. Puis il a même pas continué sa chaîne d'ailleurs, il a tout arrêté. Après il y a eu Cyril. Cyril qui est arrivé quasiment au début. Du coup, on est resté, on a avancé comme ça à deux pendant un bon petit moment. Après, je crois qu'il y a eu Cylion, il me semble. Et là, on était à trois, donc à faire des articles tous les trois. Mais c'était aussi la période où le PSVR en 2016, c'était pas la période du PSVR 2 aujourd'hui. C'est-à-dire que vu que c'était une nouvelle technologie, la hype autour de la VR à ce moment-là, elle était monstrueuse. Donc en gros, c'était 4, 5 articles par jour. Donc quand tu travailles et que tu dois faire en plus 5 articles par jour, on n'était pas assez de 3 pour arriver à... C'était plus actif en voilà. plus que, ah oui, que le PSVR 2. Plus. Enfin, là, c'était vraiment c'est le début. C'est là qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est bien moins virulent que ce que c'était en 2016. Oui. Et puis ensuite, petit à petit, Cyril vous a contacté. En plus, il y a eu Spanx. Ouais, non, mais moi, enfin, Cyril a contacté Spanx. Moi, vu que c'était mon pote Spanx, bah, du coup, il m'a enchaîné dedans. Voilà. Et puis voilà quoi. Et c'est une histoire en fait, c'est pas une histoire d'entreprise, c'est une histoire d'association. Donc une association, c'est des bénévoles. C'est des bénévoles qui ont, par un moment de leur vie, ils ont le temps, ils veulent s'impliquer. Et puis à un moment, ils ont d'autres projets et ils disent je veux sortir du bureau parce que j'en peux plus, ça me prend trop de temps. Je vais faire une pause. Et en général, la pause. Et ça fonctionne comme ça. C'est vraiment des entrées, des sorties, des entrées, des sorties. Et ça s'est construit comme ça, tout doucement, avec des hauts et des bas, des moments où ça partait bien, on faisait des bons résultats, on faisait nos 1000 premiers abonnés, c'était champagne, on dit putain, ça y est, on a 1000 abonnés, vous vous rendez compte? Et puis c'est parti comme ça, doucement. Après, il y a eu les trailers qui nous ont permis de nous exporter. Et certains trailers qui ont fait 14 ou 15 millions de vues sur YouTube, donc, et petit à petit, on voyait des coups de boost. Donc ça partait en France, et puis après on voyait que ça avait touché les États-Unis, et là, boum, c'était l'explosion. Après ça a touché le Brésil, la Russie, ça a fait un peu le tour du monde. Énorme. Et c'est comme ça, après, que la chaîne est vraiment montée. Hein, parce que si on enlevait ce qui est arrivé de ces trailers, là on est à combien 116. Si on était de 116, si on était, on enlevait tout ce que nous a fourni ces trailers, on aurait peut-être 40 ou 50 000 abonnés. Je ne sais même pas comment on pourrait le calculer, ça, d'ailleurs. Ouais, bon, okay. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est que toute cette communauté qui a été faite des youtubeurs mondiaux qui sont venus parce qu'ils étaient intéressés par des trailers, on continue à monter malgré qu'on en perd tout le temps. Parce qu'il y a des Anglais et des Américains qui ne s'intéressent pas d'écouter des Français parler. Donc en permanence, on les perd. Mais quand on a un chiffre à zéro, ça veut dire que ces étrangers américains, tout ça, sont remplacés par des Français, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on stagne pas mal. Et c'est plutôt... Moi, ça me fait toujours plaisir de voir qu'on n'a pas progressé. Parce que je me dis que ça veut dire que... Ça me fait plaisir de savoir qu'on n'a pas progressé. Mais, ouais. Oui, parce que tu vois les chiffres, tu vois les gens qui se désabonnent. Et tu vois qu'à côté, tu as la même quantité qui se rabonne. Et tu vois que ça compense. Et qu'on arrive à stagner autour d'un chiffre... Et puis aussi tout le côté où les chaînes YouTube maintenant sont supprimées après un an d'inactivité. Oui. Donc t'as aussi toutes les personnes qui s'étaient inscrites à l'époque, tous les Ricains, oui. les Russes, etc., qui se sont inscrits pour les trailers, et puis peut-être aujourd'hui qui ont complètement lâché la VR et qui utilisent plus leur chaîne, et du coup ouais, c'est cool. C'est cool si ça stagne avec un tel chiffre. Et puis, des équivalents spécialisés PSVR dans les autres pays qui font vraiment un peu le même type d'actualité que vous. Oui. En Espagne, il y a, comment il s'appelle, qui est très sympa. Salido Verdad. Oui. Qui est très sympa. Bon, après, il y a Wizen Parole, il y en a plein qui font. Alors, est-ce qu'ils ont tous. Si, l'espagnol, lui, il a son site, il a sa chaîne YouTube, il a plusieurs trucs. Ouais. Après, les autres, je sais pas s'ils se peuvent plus spécialiser sur YouTube. Parce que le site internet, c'est quand même un truc de pépé aujourd'hui. c'est que Laurent, tu fais quand même des beaux trailers, des beaux mock-up, des montages, je me fais plaisir. L'imagination du PSVR 2 à l'avance, de la manette. Tu me souviens que t'avais modélisé la manette, donc t'avais repris la modèle de base qui était présentée en blanc. Non, elle était en noir à l'époque, et tu l'avais imaginé si elle était. J'avais changé de couleur, oui. En blanc et noir. Ouais. Et tu l'avais fait. À l'avance, avant que Sony la sorte officielle soit faite, tu l'avais déjà faite telle qu'elle est, identiquement, quoi. Tu as eu vraiment le bon feeling sur les belles couleurs, sur le bon truc. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pour ça qu'à mon avis, d'ailleurs, vous faites des millions de vues, parce que tu fais des trailers qui sont quand même assez... Alors là, par contre, quoi. Je te dis pas comment on se fait insulter à chaque trailer. Hein. Fake. Ah ouais, c'est des vagues d'insultes. Mais même si c'est écrit, c'est ça qui est fou. C'est, même si c'est marqué que ça, ouais, c'est ouais. Et en c'est plus, le... il y a toujours marqué dans un coin, ceci est un modèle, c'est pas officiel. Non, mais même dans le titre, c'est écrit dans le titre, trailer concept. Là, sur la dernière, ouais, c'est même écrit avant la vidéo, c'est écrit après la vidéo, c'est écrit dans la description. C'est écrit partout, en fait. Mm-hmm. Mais de toute façon, ce genre de truc, bon, bah, il y en a qui disent c'est fake, c'est pas officiel, bon, bah, bref, c'est pas très grave. Après, ça sert aussi, moi, je me fais plaisir, premièrement. Je sors du design produit hein, en diplôme, donc moi ce qui me plaît c'est justement créer des trucs comme ça, chercher des idées, tout ça, les modéliser en 3D, ça me fait plaisir, et après, si ça marche, et puis surtout ça, aussi ça illustre des articles, parce qu'en général on fait d'abord l'article, puis après on essaye de faire le truc qui pourrait l'illustrer. Alors bien sûr, il y en a que ça va pas plaire, il y en a que ça va gonfler, il y en a qui vont au contraire comprendre la démarche et dire ah, ça pourrait être comme ça, cette idée. Et ça, un visuel est toujours plus riche qu'un petit texte. Donc, du coup, ça permet d'imaginer comment ça. Et moi, c'est toute cette investigation, c'est tout ce qui me plaît, en fait. C'est d'essayer de faire des dossiers un peu réfléchis, d'aller chercher les sources, d'aller creuser plus loin. Et puis surtout, dans le cas des trailers, d'essayer d'imaginer ce que ça pourrait être. Et quand on est un peu hypé par la VR, de dire ah putain, ça serait une bonne idée. Et j'aime bien avoir des commentaires de mecs qui me disent pourquoi t'as pas fait ça plus court, ou pourquoi t'as fait cette pièce là, et du coup après j'ai envie d'en faire un autre. Ouais, t'en avais fait, je me rappelle, t'en avais fait une tripotée. Quand t'avais fait toutes les consoles, en fait, imaginer ouais. Les concepts, la forme que pouvait avoir la PS5. Pyramide. Et il y avait plein de réactions. Ouais. Il y avait plein de gens qui me disaient ça, c'est pas possible parce que techniquement, c'est pas. Et ben après, j'en faisais une autre. Je dis ah oui, il a raison. En tout cas, puis tu modifies. Puis bon. Ouais, ça m'amuse. Mais souvent, t'étais pas si loin d'ailleurs du modèle définitif. Hein. Il y a des fois. Où, des fois, si très. Tu l'avais fait. Moi, je pense qu'il s'est bien foiré quand même. Ah oui, des fois. Oui, non, il a fait de la merde, tu peux le dire. Il y a eu des fois, j'étais pas loin. Mais... Alors après, est-ce que quand on en fait plein, on a plus de chances d'en avoir un de bon, mais. Voilà, c'est ça. Il y avait celui qui était sans fil, que tu avais fait comme concept, avec les batteries qui étaient derrière. Avec écran OLED et l'autre sans écran OLED. Voilà. Non, bah c'est bon, depuis on a découvert. Non, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui où j'avais mis les batteries en brassard et à la ceinture. J'ai l'impression qu'Apple peuvent s'orienter là-dessus. Donc je me dis, on va attendre. À mon avis, ils ont suivi tes concepts. Hein. Tu vas faire des concepts Apple, ça veut dire. Je pense que Tim Cook a dû regarder tes vidéos. Bah, c'est sûr, mais c'est sûr, mais bien entendu. Bien sûr. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, Tim Cook il pourrait aller dans le Tipeee. Depuis le temps, depuis là. Depuis le temps qu'on lui demande, ça pourrait être pas mal. Et il rachète. Et puis la genèse du podcast, c'est avec un pote, avec Spanx, on était bourrés un soir et du coup j'ai dit putain, mais en fait on passe des soirées à parler de jeux vidéo, pourquoi est-ce qu'on l'enregistrerait pas? Ça serait pas plus intéressant que ce qu'on peut avoir sur d'autres podcasts. Parce que moi, j'ai écouté beaucoup de podcasts jeux vidéo. Que ce soit... c'était quoi? C'était Silence on joue, que j'écoutais beaucoup les podcasts de Gameblog avant que ça me gonfle complètement. T'avais aussi Gamerside, l'esprit de Gamerside. C'était une bande de potes qui discutaient, qui racontaient pas forcément des choses très très justes, mais juste qui parlaient avec passion et qui se marraient et c'était sympa à écouter. Et donc du coup, j'ai mis ça en place, j'ai proposé ça au gars du site. Et puis vogue la galère. On a fait le morceau de l'intro avec Spanx en une soirée. Et puis c'est parti quoi. Et puis voilà, j'ai mis ça en place, je me suis cassé un peu le cul pour trouver les hébergeurs, etc. Et ça, avec le succès qu'on connaît. Le succès, je sais pas, mais en tout cas, je suis content de la longévité du podcast et ça, j'en suis vraiment reconnaissant. C'est quand même la centième. Donc, si c'était pas un succès, sans émission, il fallait faire les 100 fois, 2 heures et demie, sans s'arrêter, à montrer des vidéos, à donner la parole. C'est à ça le plus difficile. C'est presque ça le plus difficile. Il faut avoir l'actu. C'est la récurrence. Faut avoir l'actu qui va avec. L'actualité et garder la motivation, parce que des fois, c'était quand même ça vraiment le plus dur. Des grosses périodes de creux du PSVR et même de la VR en général, parce qu'on sait quand c'est en plein été les périodes de creux et que c'est l'époque du barbecue, tu te dis à tes copains, bon bah les gars, faut qu'on s'enferme pendant deux heures. C'est pour ça qu'en général juillet août il y a la trêve d'été. On n'en fait pas en général, mais non, c'est surtout vraiment en termes de motivation. Après t'as le taf qui peut te prendre la tête, la vie de famille qui est quand même extrêmement chronophage et puis qui te prend quand même aussi beaucoup d'énergie. Un jeudi soir où t'as tout simplement pas envie, où t'as pas envie et que voir et que un film avec tes gamins, et t'essaies de te motiver quand même entre potes pour essayer de dire allez putain, on y va quand même, on envoie, on met dedans. Rien que mine de rien, depuis le début du podcast, et toi aussi, Majo, on a eu des naissances aussi chez nous. Il y a des moments où tu te dis, là, je peux pas assurer, il faut que je fasse autre chose. Vous comprenez pourquoi je regarde des podcasts sur les tueurs en série, je résous mes problèmes et j'essaie de ne pas me faire chauffer derrière. C'est ça. Tu prends des notes, voilà. Tu prends des petites notes. Les formations. C'est ça, exactement, c'est des petites astuces, quoi. Donc... Et encore, quand tu dis allez les gars, faut s'enfermer deux heures et faire le. Mais les deux heures ou trois heures, c'est juste la discute. Derrière, après, il y a tout le montage. Ouais. Avec les incrustations, le découpage, ouais. Le son. Ça reste quand même l'avantage. C'est-à-dire qu'en général, quand on parle d'un jeu ou quoi, en fait, chacun fournit sa capture et son montage est déjà fait. Donc après, on est quand même une équipe, si tu veux, sur un peu tout. C'est-à-dire qu'on touche un peu tous à tout. Alors bon, Laurent, c'est le chef, donc forcément, c'est lui qui a le plus de travail, c'est normal. Et on arrive quand même à se compléter sur beaucoup de choses, finalement. Et c'est comme ça qu'on arrive, on va dire, entre guillemets, à survivre avec nos tâches quotidiennes de la vie de tous les jours. Tu dis ça, c'est parce que c'est pas toi qui fais le montage. Et arriver à faire ça. Oui, mais après, je veux dire, chacun sa croix. Ok, ouais, donc je ferme ma gueule, quoi, d'accord, comment. mais c'est vrai, voilà, en général, quand El Rocco teste un jeu, quand je teste un jeu, c'est nous qui faisons le montage, on lui envoie. Parce qu'on essaye de faire en sorte, en fait, que Sei se concentre un maximum sur le son, finalement, et qu'il n'ait pas trop à se poser de questions sur... sur le montage vidéo, c'est-à-dire qu'on lui fournit un truc clé en main qu'il a juste à poser à tel endroit quand on parle de tel jeu. Et c'est après, facile quoi. C'est terminé. Ça te fait déjà. si tu devais compiler non, mais c'est vrai. Le jeu, tu m'as fait des jolis trucs, faire le montage, etc., de chaque pan de vidéo, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça. Après, quand c'est lui qui teste des jeux, régulièrement c'est lui qui fait ses propres montages. Des fois, ça nous est arrivé aussi de faire l'inverse. Ouais. On essaye de s'aider comme on peut finalement. Et c'est là où on arrive à être cohérent, et surtout c'est ce qui crée cette cohésion finalement, c'est que on est aussi à l'écoute des demandes de chacun, et puis c'est comme ça qu'on s'en sort en fait. La cohésion aussi, c'est qu'on voit, vous avez une bonne entente, il n'y a pas d'histoire entre vous, ça vous fait plaisir aussi, en même temps ça se sent de faire un podcast, de parler toutes les deux semaines de l'actualité, donc ça se ressent. On le voit des fois, on joue ensemble en réseau et vous êtes toujours en train de vous marrer, on est toujours en train de se charrier en permanence. Si vous n'aviez pas cette cohésion d'équipe, et ça c'est très bon. Tu peux fermer ta gueule, Laurent, s'il te plaît. Merci. Non, parce que chef. Ça c'est très bon parce que chef, pardon. On est un site PlayStation, on pourrait très bien avoir des intervenants Xbox, comme je disais tout à l'heure. Et je sais qu'il y a certaines personnes, si on commence à leur envoyer une vanne sur les Xbox, ils vont tout de suite attaquer. Et nous, on est en permanence en train de se charger là-dessus. Donc du coup, on se marre de la connerie de l'autre, en fait. Donc quand moi j'ai envie de l'emmerder, je me fous de sa gueule, de sa manette Xbox, et je sais que derrière je vais prendre un retour, et c'est ça qui m'amuse en fait. Voilà. Je l'ai fait tomber d'ailleurs. Oui, tu l'as fait tomber, ouais. J'espère qu'elle marche encore. Parce que... Et c'est ça qui est très sain, c'est qu'au final on s'est réunis, on a fait l'apéro et tout ça, et ça tacle, et c'est très drôle. Bah puis on aime bien quoi. Ah ouais, on aime bien. On aime bien se charrier. C'est vrai que sinon on était tout le temps dans le même sens, c'est pas intéressant. C'est pas quoi. Et puis de toute façon, c'est pas la vérité. Finalement, c'est ça en fait. C'est-à-dire que c'est la vérité, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on. Enfin, sauf quand on se charrie, mais je veux dire, on est relativement honnêtes les uns vers les autres. Ouais, on sait à tout. On sait que. Ouais. Je vais pas lui dire que la 3090 Ti c'est de la merde. Ça tombe bien, j'ai une 3090 donc. C'est pas une Ti toi ? Non, c'est pas une Ti. Petit joueur. T'as aimé Red Dead 2 ? Ouais, c'est en VR. Bien. Ouais, c'est ouais. Bien. Donc tu la fermes quoi. Quelque part. Ça dépend sur quel casque. Allez, sur... La transition est faite pour aborder le chapitre sur les modes. Les modes, oh là là, ouais, les modes. Oulala. Bon. Non, mais vous allez convaincre Laurent d'acheter un PC, là, faites pas ça, on aura plus VR for Player. Franchement, je suis à ça de le faire craquer. Jamais. Ça. Ah ouais. Non, non. Ça. Ah non, non, non. Ah si, si. Allez, allez. Un petit Bandcamp sur Mac. Non, non, non. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas une histoire de... C'est que je suis graphiste à la base et je travaille depuis 2008. Non, même avant. Non, 1998. Sur Mac. Donc j'ai toujours eu des Mac en fait. Après j'ai été infographiste dans une imprimerie pendant des années. Je me suis mis à mon compte. J'ai toujours eu des Mac toute ma vie. Et si je devais dépenser aujourd'hui 3000 euros, ce serait pour m'acheter un nouveau Mac. Et du coup, forcément sur Mac, il n'y a aucun jeu. Donc j'ai la console dans le salon. Quand je veux jouer, je vais dans mon salon. Et quand je veux travailler, je vais dans mon bureau où j'ai mon Mac. Et acheter un PC aujourd'hui, je ne serais même pas où mettre. J'aurais un PC aujourd'hui, je ne veux pas le mettre dans mon bureau parce que cet argent dépensé, je préfère la mettre dans mon Mac. Et mettre un PC dans mon salon, non, j'ai une console, donc j'en ai pas besoin en fait. Par contre, je dis pas que. C'est pour ça que l'article sur les mods, c'est clairement quelque chose qui n'était pas forcément possible sur PS4, bien que je crois que c'était possible parce que Hitman 3 était quand même un jeu PS4 porté sur PSVR. C'était sur PS4. Donc je pense que c'était déjà possible à l'époque du PSVR. Et ce modèle de mod, j'aimerais vraiment qu'il arrive, qu'il soit fait. Alors il ne sera jamais fait comme sur PC par des modeurs indépendants. Sony ne le permettra jamais. Mais par contre, je trouve que ce serait extraordinaire qu'il y ait quelques jeux. Pas forcément tous. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tous les jeux soient de ce style-là. Mais qu'il y ait une autre famille de jeux type modé qui arrive sur PS5 et qui permettrait justement de toucher un autre public, et notamment le public PS5, le vrai public de la console, quoi. J'ai une question pour Rames. Tu voilà, t'es PCiste à donf, tu as ta tête du mode, t'arrives à jouer encore à des jeux plats quand ils sont pas modés, quand t'as essayé Red Dead 2, les Resident Evil et tout ça, t'y arrives? Si tu me proposes le choix de jouer à un jeu style Red Dead 2, Cyberpunk, putain, qu'est-ce que j'ai kiffé en VR. Bah ouais, putain, c'est tellement fait pour. Ah bah ouais, complètement. Ouais. Et puis sur les deux modes qui existent dessus, c'est-à-dire t'as le mode de Lucross où t'es juste à la troisième personne et tu peux jouer avec clavier souris ou avec une manette, mais t'as aussi le mode de Vorpex qui te permet de jouer avec les motion controls. C'est pas parfait. Pas trop aimé, moi, c'est clairement pas, moi, parfait, c'est pas parfait, mais je me suis fait violence pendant une bonne heure, un truc comme ça, et au bout d'une heure j'avais pris le coup, et en fait tout ce qui était les gunfights, c'était excellent. Franchement, je kiffais jouer comme ça. Après, en termes de performance, le mode de Lucross était bien mieux, mais pour répondre à ta question, écoute, y a Kena truc Bridge, ouais, je sais plus, Bridge quoi, of Spirits, j'ai lancé ça il y a deux jours et je pense que je vais peut-être me mettre un petit peu dessus de temps en temps, mais clairement j'ai du mal maintenant en fait à terminer des jeux comme ça. En plus, les jeux flat, c'est souvent des plus gros budgets. Du coup, c'est des jeux beaucoup plus longs, beaucoup plus consistants, avec énormément de choses à faire, des quêtes secondaires, en veux-tu, en voilà. Et en fait, au bout d'un moment donné, en fait, je m'ennuie parce que j'ai plus l'impression de jouer à un jeu, j'ai l'impression de regarder le jeu. Et ça a été un petit peu un effet un peu néfaste de la VR, parce qu'à l'époque, avant de connaître la VR, en fait, j'arrivais à m'immerger dans des jeux flats. Et aujourd'hui, je m'immerge plus de la même façon dans un jeu flat. J'ai vraiment l'impression d'être spectateur au lieu d'acteur. Et du coup, par exemple, là, je me suis fait le dernier vrai jeu que j'ai terminé en flat, c'est le Spider-Man, le premier, sur PS4. Je l'ai pas fini, monsieur. Je suis même pas sûr, en fait, tu vois, de l'avoir fini. Mais par contre, maintenant, ouais, j'ai complètement compris que, enfin, s'il y a un gros jeu qui arrive, en plus, il y a Prey Dog, je sais pas si vous avez vu ce qu'il a partagé là il y a deux jours. C'est de la magie ce que m'a sur Unreal Engine 5, là, sur le jeu multi, là. Oui, et puis là il a instauré en fait tu joues à ton jeu en VR, quoi, et en gros tu peux jouer avec tes contrôleurs VR qui sont en 3D. Alors c'est un peu particulier, mais du coup tu quand t'as un jeu de tir, typiquement quand je jouais à Cyberpunk, tu vois ton arme qui est devant toi et qui est collée, tu sais, dans ton, en fait elle est collée sous ton menton quand t'es dans le jeu. Et lui en fait il arrive à faire que cette arme-là, en fait, elle soit collée sur tes contrôleurs. Alors, en 3 degrés de liberté, donc, c'est une certaine gymnastique qu'il faut apprendre, mais c'est comme jouer avec un câble. Voilà, c'est tout con, mais tu vois, genre, un joueur qui a démarré sur la Quest... Non, mais un joueur qui a démarré la VR sur un casque autonome et qui n'a pas eu, en fait, à apprendre à jouer avec un câble, eh bien, il va te dire que le câble, c'est un désavantage. Alors que quand toi, tu as démarré la VR avec un câble et que tu t'es habitué, bah, comme tout, en fait. C'est-à-dire, la première fois que tu joues avec un casque VR, qu'il y ait un câble ou pas de câble, tu vas foncer dans le mur en face de toi comme un débile. Mmh. Alors que tu sais qu'il y a un mur dans ton salon, mais tu fonces dedans. Mmh. Et du coup, tu dois apprendre que bah, tu peux faire un pas en avant, mais par contre, le pas de côté, t'as pas le droit parce qu'il y a le bureau. Mmh. Et du coup, tout ça, tu vas l'apprendre petit à petit. Et du coup, ben, là, c'est pareil, Praydog, tu apprends un petit peu cette gymnastique. Une fois que tu l'as apprise, t'es dans le jeu et c'est le principal. Et du coup, ouais, non, j'ai un peu de mal maintenant, clairement, à faire des jeux écran plat, full écran plat comme ça. Par contre, s'il y a un mode VR, ça me fait pas peur du tout d'aller jusqu'au bout. Au contraire, ça me fait kiffer. Enfin, Le dernier Red Dead 2, c'était excellent. Cyberpunk, franchement, Cyberpunk, je suis même prêt à le refaire, là. J'hésite, je suis impatient de me racheter un PC pour ça, parce que le mien commence à souffrir. Et Praydog, ce qui nous prépare là, c'est de la magie. J'ai pu tester quelques petits trucs en exclu et franchement c'est incroyable. Moi je viens de terminer Resident 4 en VR justement, en TPS. J'ai fait essayer le 3 à Majo ce week-end. C'est de la merde. T'es con en fait, c'est pour ça. Parce qu'il a peur. Pour dire, j'ai retrouvé les mêmes flammes que dans Switchback. Non mais d'accord, attends, le mec, attends, tu lui mets de la magie devant les yeux, le gars il va se focaliser sur un petit détail comme ça à la con quoi, c'est ouf. Ah mais je suis désolé. Est-ce que dans le cas de mode PC, c'est libre d'accès ou est-ce que c'est payant? Alors ça dépend, t'as deux écoles, ça dépend. Non, ça dépend. T'as deux écoles, ouais, t'as des modeurs qui trouvent l'astuce comme Lucrox de faire un Patreon et du coup ils mettent ça à disposition sur un Patreon à 10 balles par mois. Moi je sais pas ce que toi t'en penses, Save, vu que tu en consommes aussi, ça me dérange pas de payer pour un mod parce que c'est énormément de travail. Ah oui, derrière. Oui carrément, ouais. Clairement. Imagine. Par contre, c'est vrai que là. Hein. Oui, ouais, complètement, ouais. Après, c'est sûr que le modèle économique, je le trouve pas parfait non plus parce que par c'est exemple, de l'abonnement, dans le cas de Lucrox, quoi. Quand tu. C'est ça, c'est un système d'abonnement. Et toi, en fait, bah, typiquement, quand il a fait son mod sur Dark Souls Remaster, je crois, il avait fait un mod là-dessus, et j'avais pris le mod, et j'étais en fin de mois. Et du coup, sur Patreon, que tu sois, que si tu t'abonnes en fin de mois, c'est à partir du premier, du premier du mois que, en fait, il faut repayer. Et du coup, j'ai eu le mod, donc j'ai pu. Quand tu télécharges, quand tu t'abonnes, tu as accès à tous ces mods, l'intégralité, donc tu peux tous les télécharger d'un coup. Donc ça, c'est très cool, tu as tout son catalogue qu'il a créé. Par contre, y a eu une mise à jour le lendemain, un truc comme ça sur le jeu, et le lendemain, on était le premier. Et du coup, il a fallu que je repaye le mod. Ah, c'est le but parce du jeu. La mise à jour, c'est le but. Des développeurs avaient cassé le mod. En ça fait, partie du jeu, en fait. Donc. Ça fait partie du jeu, ouais, complètement. Le mec, ouais. Il mais bon, ça, en tout cas, je trouve que c'est pas un système parfait. Non. Parfois, c'est, tu te dis, c'est un petit peu, voilà. Mais bon, ça me dérange pas après à titre personnel de payer un mod. Ça dépend du travail qui a été fait derrière. Et par exemple, typiquement, si Praydog il vendait son framework, je sais pas, à 5 balles. Oui, 10 balles, oui, c'est ça. À la vente, directement. Je les achète, mais en rabonnement. Je lui file, mais il y a plus à vendre à l'unité. Ces trucs, ça se passe. Bah ouais, mais à la limite, est-ce qu'il vendrait aussi les patchs de ces mods, justement? Ah oui. Parce qu'après, il faut comment ça se passe? Parce qu'après, c'est une infrastructure derrière, légalement, c'est-à-dire que tu crées justement ta première version justement de ton mode. Après, il y a forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup de mises à jour pour que ce soit amélioré, parce que c'est toujours du taf derrière, que ce soit Praydog ou que ce soit Lucrox. Comment est-ce que tu monétises ça? Est-ce que tu crées un système de licence et donc du coup tes mises à jour? Est-ce qu'il faut que tu crées un launcher par exemple pour tes modes? C'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. C'est très compliqué. Donc il n'y a pas vraiment de solution. Et sachant qu'on est sur une zone grise, hein, tu sais, normalement, le mode n'a pas d'argent à te faire dessus. C'est, voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on est quand même capable de se dire qu'on est en train de complètement ouvrir le fait que si on veut des vrais jeux, il faut aller payer des abonnements pour les modder et des modeurs ça, tout seul, bien sûr. Mais je pense que tu as des arguments qui vont dans les deux directions, en fait. Tu as des arguments qui vont être aussi bien défendables d'un côté que de l'autre. Pour moi, ça ne devrait pas exister. À partir du moment donné où le mec travaille, tu vois, par exemple, vous travaillez là sur le podcast, il y a un Tipeee, etc. C'est du don. C'est-à-dire, les gens donnent s'ils veulent, tu vois. Si demain, vous mettez le podcast en payant, derrière un Patreon, tu vois. Genre, vous avez accès au podcast deux semaines avant tout le monde. Les épisodes, on les met gratuits sur YouTube, mais on les met gratuits le mois d'après. Donc l'actualité sur laquelle vous débattez n'est plus vraiment d'actualité, elle est dépassée d'un mois. Mmh. Je suis sûr qu'il y aura quand même pas mal de gens qui seraient prêts à payer sur le Patreon, non, mais tu vois, pour avoir accès pas, à l'info en pas, direct. C'est pas là où mais, je veux en venir. Du coup, c'est un peu forcer la main. C'est pas là où je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on est quand même en train de se dire que, bon, voilà, si on veut des jeux troisième personne dans un univers immersif, on va dire qu'il soit à la hauteur d'un jeu traditionnel, c'est le mode et c'est tout. Et en fait, on est en train de légitimer le fait que le mode, bah, si jamais il devenait payant ou s'il y avait une autre formule économique, en fait, on est en train de légitimer en fait la formule économique du mode. Mais c'est pas ça qu'il faut en fait. C'est que Red Dead 2, ils soient natifs VR. C'est que des grosses prods comme ça soient natifs VR. Ouais, mais ça, on est bien d'accord. Mais on sait bien qu'il y a une réalité économique derrière et que les studios, ils sont pas intéressés. Tant qu'il y a une masse de joueurs, c'est le serpent qui se mord la queue de toute façon. Mais c'est pas ça. Tant que t'as pas une masse de joueurs, ils vont pas vouloir le faire. C'est pas vrai. Non. Bah, moi, je suis pas d'accord non plus. Parce que si un seul modeur dans son garage a réussi, Lucross notamment, qui a réussi à modder je sais pas combien de jeux. Et il arrive en plus à en sortir des fois deux ou peut-être même plus par an, je sais pas combien il en sort. Et quand on voit par exemple Wipeout, donc c'est XDev qui ont mis que deux développeurs, en fait ils étaient cinq en tout, ils en ont mis deux qui développaient, et puis il y avait une secrétaire et un directeur de production, et donc en fait chaque studio pourrait avoir, en plus de ces équipes qui continuent à travailler, avoir deux modeurs dans leur effectif. Je parle de gros studios, hein, pas des petits studios de 15 personnes. Mm-hmm. Et se dire, ces deux-là, ils ont un an pour pondre un mode de tel jeu, d'un God of War ou d'un Ouais, mais pour la boîte, ça veut dire payer deux mecs pendant un an. Oui. Et ça veut dire aussi revendre des licences. Ça veut dire que des modes qui arriveraient comme ça sur le PlayStation Store, où tu achèterais 10 balles ou 15 balles le mode, les deux types, ils seraient payés. Hein. Il y aurait des non mais on est bien d'accord mais regarde, imagine-toi de la part du studio, tu te dis bon, est-ce qu'on paye deux mecs, et j'aimerais que ce soit le cas, mais clairement je préférerais qu'il y ait un mode natif sur Red Dead 2 et puis sur un GTA 5 ou 6 ou j'en sais rien, tu vois, mais là l'entreprise, surtout dans les grosses boîtes en plus, quand ils parlent budget, mine de rien, même s'ils ont du pognon, ils ont des beaux petits tableaux pour se faire, ça va nous rapporter tant, ça on a des équipes pour ça, ça on a des gens qui savent faire ça, et ça on a des gens qui savent pas le faire, et du coup ils baissent le pour et le contre, et est-ce que ils vont regarder ce qu'ils vont leur offrir plus de zéro. On est d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui on sait que les joueurs VR sont demandeurs de ce genre de jeu, sont demandeurs de ce genre d'environnement, d'univers, etc. Et comment tu peux m'expliquer que les mecs ils se disent pas, attends, la VR ça commence quand même à s'ouvrir, on voit que les modes PC tout le monde en parle, il y a énormément de gens qui en font. Il y a une demande. Voilà. Est-ce que c'est pas se permettre de toucher une nouvelle cible, des gens qui n'achèteront pas notre jeu s'il n'est pas VR, que de le porter VR tout en incluant ça dans le développement normal du jeu si tu veux. Je comprends bien. Je vais prendre l'exemple de Facebook avec Ready at Dawn. Echo VR, c'est le jeu qui a porté la licence e-sport. Ready at Dawn, Lone Echo, c'est ça? C'est ça, Lone Echo ou Echo VR. Ouais. Donc Lone Echo, jeu d'aventure exceptionnel. Oui. Si vous avez un PC avec un casque, franchement, allez-y, c'est du tout. Le 1 et le 2, c'est une tuerie. Et ensuite, ils avaient un jeu PVP qu'ils ont appelé Echo VR, donc qui reprenait un petit peu des éléments de gameplay de Lone Echo, et du coup c'était du PVP. Et Echo VR a porté la scène e-sport. La scène e-sport, c'est quand même quelque chose, c'est un phénomène de nos jours. L'e-sport, c'est vraiment en train de grandir, que ce soit pour le jeu flat, mais aussi du coup, indépendamment pour la VR, quoi, ça, avec effet rebond. Et en fait, Andrew Bosworth, le directeur de Facebook Reality Labs, donc qui est la section qui s'occupe de toute la technologie immersive chez Meta, donc chez Facebook, en fait il fait régulièrement des stories Instagram, etc., pour parler avec les gens, et il a discuté il n'y a pas très longtemps avec John Carmack, donc un des initiateurs de l'Oculus, donc un des premiers casques qui est sorti à l'époque, et s'il n'y avait pas eu l'Oculus, etc., la VR serait peut-être pas la même aujourd'hui. Bref, c'est des messieurs qui ont beaucoup de pouvoir dans leurs mains et qui ont eu beaucoup d'influence, et en fait ils discutaient sur le fait que justement Meta, ils ont fermé Echo VR parce que c'était pas une question financière, c'était une question de ressources humaines, c'est-à-dire que les gens qui continuaient à supporter le jeu, à faire tourner les serveurs, à partager du contenu sur le jeu, etc., en fait ces gens-là avaient un savoir et ils préféraient l'utiliser sur d'autres projets. Et c'était pas une question économique. Bossworth, il est là dans sa story, il fait « On est un GAFAM, les gars, on est un GAFAM. Vous croyez vraiment que c'est un problème économique ? C'est pas 10 mecs qui travaillent dans leur coin qui nous mettent dans la merde. C'est juste qu'en fait, ces gens-là, ils savent faire des choses et on veut qu'ils se concentrent sur autre chose. » Non, mais on sait sur quoi ils se concentrent. Aujourd'hui, tu parles de Meta. Meta, qu'est-ce qui les intéresse ? C'est le réseau social. Il n'y a que ça. Aujourd'hui, ne surf et ne communique que sur Horizon. On en a déjà parlé en off. Toi-même, tu sais, le jeu vidéo chez Meta, c'est fini. Ce n'est plus leur cheval de bataille. Mais Meta, c'est un GAFAM. C'est comme Microsoft. Je suis d'accord. C'est comme Microsoft. Tu vois, Microsoft a la marque Game Pass, Xbox. D'accord, si tu veux. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le premier axe de développement, c'est Horizon. Il n'y a que ça qui les intéresse. C'est ce qu'ils veulent vendre. Le jeu vidéo, c'est accessoire. Donc, oui, effectivement. Il y a peut-être un problème de rentabilité. Enfin, il y a peut-être pas de problème de rentabilité. Par contre, il y a un axe de travail, un cheminement d'entreprise, qui est totalement différent de ce que les joueurs veulent. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas là pour te donner ce que les joueurs et les gens qui ont acheté des casques, ce qu'ils veulent, ils sont là pour t'amener là où ils veulent t'amener. Ouais, mais c'est là où pour moi la philosophie elle est différente. Mais le mode de fonctionnement est exactement le même quand tu as un gros studio. Si tu veux payer deux mecs pour développer un mode VR, c'est deux mecs-là, tu peux les payer à développer, un mode en ligne dans leur jeu avec une nouvelle fonctionnalité. Ces deux gars-là, ils vont peut-être. Mais ce mode en ligne. Non, mais si c'est des mecs qui sont spécialisés VR, ce mode en ligne, ils peuvent très bien le développer tout en développant la VR en parallèle, ou ils peuvent très bien développer un mode VR et développer un mode en ligne. C'est un des problèmes de la VR, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont qualifiées en VR. Ça se ressent. Regarde Hitman 3. Regarde Hitman 3, ce qu'ils ont fait. À la limite, s'ils veulent pas rajouter deux personnes à leur effectif, voire une personne, parce que Lucross est quand même tout seul, ou qui même le embaucher Lucross carrément, allez hop, on n'en parle plus. Moi, ce qui me choque, c'est que des studios comme Take-Two attaquent ces modeurs-là, alors que leur meilleure façon de contrer le truc, c'est de sortir leur. Donc en fait ils empêchent un modeur qui fait un super boulot de sortir un truc et au final ils l'attaquent alors qu'ils proposent quelque chose que plutôt que ils proposent rien derrière quoi. Ils proposent rien derrière. C'est du business, c'est une gestion de l'entreprise. Quand t'as un modeur qui développe un mode alors que toi tu l'as pas fait, déjà c'est pas bon pour leur image. Juste à Rames, en fait trouver des raisons logiques d'entreprise n'est pas forcément admettre que c'est acceptable. Toi, pour les joueurs. Ah non, attention, je dis pas que ça l'est. Et je sais que tu es complètement d'accord avec ça, il y a pas de souci là-dessus. Nous, ça ne va pas nous empêcher par contre de dire que ça nous casse les couilles justement que ce genre de mode ne soit pas pour raison X ou Y d'entreprise, ne soit pas distribué plus facilement et plus officiellement surtout. Ça, on ne comprend pas ça. Enfin, on sait pourquoi, mais on ne comprend pas pourquoi c'est le cas. Est-ce que leur raison, ce serait pas par hasard de faire un jeu plat qui, avec deux personnes qui payent, ils puissent proposer un mode VR. Est-ce que la raison serait pas genre de décrédibiliser le jeu plat pour les joueurs plats. L'un n'empêche pas l'autre. Ils se retrouver avec un jeu optimisé pour la VR alors que eux ils veulent du plat. Et on sait très bien que le plat c'est la plus grosse partie du gâteau. L'un n'empêche pas l'autre. Mais peut-être que mentalement les joueurs plats ils se disent bah non c'est un jeu VR donc forcément c'est pas optimisé pour un joueur plat, ça va pas être ouf si je veux y jouer. Non, autant ça dépend. Ça c'est de la présentation, c'est du marketing. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons, et ça peut être vraiment des raisons très très ouvertes parce que ça leur coûte rien de enfin on voit oui avec tous les petits développeurs qui arrivent dans leur garage à développer un mode VR aussi fantastique que les modes de Resident Evil ou de je sais pas quoi. C'est pas parfait, résultat quasiment au final que sur PSVR2 a priori, donc d'après ce que tu dis ça y est. Mais le mode PC VR de Resident 7 est bien meilleur que le mode PSVR. Moi ça m'a tué, c'est le premier jeu que j'ai lancé, Resident Evil 8, c'est le premier jeu que j'ai lancé. Je parle vraiment du 7 sur PC, il y a quand même le motion gaming est là, alors que tu l'as pas sur PSVR. Tu vois. Ah oui, forcément. Ouais. Et même tu dois avoir le côté graphique et tout qui est mieux. Est-ce que ces modeurs, ils ont jamais essayé de se rapprocher des, des éditeurs ou des réalisateurs de ces jeux-là en essayant de leur revendre le bébé, au moins ils disparaissent du marché, tout le monde est content, le truc est... les joueurs sont contents, il n'y a pas de qu'on appelle ça de concurrence par des mecs dans des garages et l'autre qui touche de l'argent. Je sais pas. Bah, non, après, est-ce que ce serait pas judicieux de voir Prey Dog avait fait une interview, je crois, où justement il avait dit qu'il avait essayé de se rapprocher de certaines structures assez importantes, etc. Ouais, je sais plus exactement laquelle. Mais en général, non, on leur ferme les portes et c'est pas parce que ces gars-là sont pas dotés de talent et qu'on leur dit vous savez rien faire. Mais c'est de la merde. Ça, je comprends c'est pas ça. C'est juste, bah, en fait, ça nous intéresse. J'ai envie de dire, c'est qui, c'est Phil Spencer, le mec de Xbox? Ouais, Xbox. Qui avait dit, tu sais, bah, la VR, ça nous intéresse pas. Et quand il a dit ça, c'est pas vrai. La VR, ça l'intéresse. Il avait fait un truc, une déclaration 2 semaines avant. C'est juste parce que, bah, il y avait les actionnaires en face et du coup, il dit, la VR, ça nous intéresse pas. Parce que les actionnaires, en fait, faut les rassurer. À la base, souvenons-nous, c'était un argument marketing de fou, puisque la Xbox One X, était la seule console qui était capable de fournir de la VR haute fidélité. C'était le premier argument marketing de la One X. Donc c'était quelque chose qui était prévu. Et ensuite, ils sont revenus en arrière et les arguments ont changé. Pourquoi ? Bah, parce que leur axe, et finalement, ça va être la même chose que Meta, c'est que leur axe de travail, c'était plus les consoles, c'était le Game Pass. Donc le Game Pass aujourd'hui, on sait que... Enfin, et le cloud. Et on sait que la VR, ça demande un débit de fou. Salut le Pico 4. Et du coup, l'ennemi du débit, bah, c'est Internet. Donc tu peux pas vendre un Game Pass qui sera full Internet où tu veux te dissocier totalement du matériel physique et promouvoir de la VR. Donc, eh ben, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Plutôt que de la promouvoir, ils l'ont défoncé. Pourquoi ? Pour dire que le Game Pass, c'est l'avenir et te balancer sur un truc de boulimie de jeux vidéo et attirer les gens là-dedans. Sous couvert que ça coûte moins cher. De toute façon, en face, du coup, il y a PlayStation qui va se casser les dents tout seul. Enfin, voilà, c'est aussi. Qui vont se casser les dents tout seul. Mais c'est vraiment pas dans l'intérêt du joueur. Quoi. Exactement. C'est ça qui rend fou, clairement. C'est ça qui rend fou. Mais ça rend fou. C'est l'argent qui. Enfin, c'est des grosses boîtes. Hein, c'est tellement frustrant, en fait. Que ce soit l'argent, c'est une chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une demande. On sait que les joueurs VR, ils sont tellement passionnés qu'ils sont capables de se payer des PC de fou, des casques qui coûtent. Enfin, aujourd'hui, on sait que ça coûte cher. La VR, ça coûte cher. Sauf développer chez un certains. Jeu VR, oui. C'est... Mais si ton jeu, il est déjà développé. Non, mais qu'est-ce qui coûte cher dans le développement d'un jeu ? C'est de tout faire. C'est-à-dire de créer l'histoire, de créer l'univers. De modéliser des personnages, etc. Ça prend du temps. Mais on sait que développer un mode VR, c'est différent. C'est pas aussi long que de faire un jeu qui part de zéro pour aller jusqu'à la fin. C'est plus compliqué que ça. Si tu veux, sur 4 ans de développement, t'as pas 4 ans à développer la VR à partir du moment où tu as. Je suis d'accord que ta structure est déjà prête, mais regarde par exemple, tu vois, pour exemple, vite. Les gars, ils n'ont pas juste mis des motion control et mis des objets sur une étagère qui étaient physiqués pour que tu puisses les attraper. Physiqués, ça n'existe pas comme mot. Mais c'est joli. C'est bien. J'aime bien aussi. Merci. Mais non. Parce qu'il va falloir que non seulement tu puisses l'attraper, mais à la base, quand toi, t'es obligé, le jeu n'est pas forcément fait en full 3D. Il va falloir refaire les textures qui sont derrière pour que tu puisses les améliorer. Rames, je t'arrête de suite. On va reparler de Red Dead. C'est pas du tout ce qu'on demande. Je vais faire le parallèle avec Grid Legend. Grid Legend sur Quest 2, qui est ce qu'il est. Il a eu un des reproches qui lui a été fait, si tu veux, c'est que putain, il y a pas de motion gaming. Tu peux pas tenir le volant. On est d'accord. Mmh. T'es obligé de jouer avec tes sticks. Ah ouais, avec les sticks, c'est oui. C'est... L'avantage de la PS5, c'est que t'as une manette. Tu peux tout faire avec. T'as un contrôleur supplémentaire, donc tu peux jouer à n'importe quoi. Donc ton jeu, t'es pas obligé d'en faire un jeu motion gaming. Aujourd'hui, Red Dead, c'est pas un jeu à motion gaming, le mode. Mais regarde, Red Dead tourne sur une PS5. Et ça tourne à combien d'images par seconde sur une PS5 ? Non, Red Dead, il est sorti sur PS4, Rames, arrête. PS4. Ouais, PS4, oui, ben bah, ouais, mais encore, il n'y a pas de version PS5 de Red Dead. Ouais. Hein. Ouais. Il y a toujours la version PS4 sur la PS5. Un jeu VR, ça va consommer 4 fois plus, tu vois. faut l'afficher deux fois, faut faire deux rendus en oui, en mais même temps. On s'en fout, il y a une génération de cas. Non, il faut pas l'afficher deux fois. L'écran en 4K, c'est deux fois 2K. Non, mais il dit il faut l'afficher deux fois parce que tu as deux écrans affichés. Oui, mais parce que tu as deux images à calculer. Non, mais on est d'accord, mais aujourd'hui. Si tu as la même image dans chaque œil, tu vas commencer à avoir. Ah, mais je suis pas d'accord parce que. Mais dans ce cas-là, un Hitman 3 pourrait pas sortir sur PS4. En VR. Non, mais il avait des concessions de fou, Hitman 3, ça clippait à tirer l'arrivée. Ouais, et puis, mais non, mais bon, et puis enfin, je veux dire, les moteurs n'ont pas tous, les jeux n'ont pas tous les mêmes moteurs. Non, techniquement, moi je suis. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte que, en gros, ce que je veux dire, c'est que appuyer sur le petit bouton magique. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. On aimerait tous, mais c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que. On a fait une interview, par exemple, de Pixel Riff à Montpellier de Eric Chahi, et quand on se balade dans le studio, on s'aperçoit quand même qu'il travaille depuis 4 ans sur qui travaille de Paper Beast depuis 4 ans, ils sont 15 voire des fois plus nombreux sur certaines périodes, et c'est quand même mûrir un jeu VR, sachant avec les risques qu'ils prennent un studio comme ça, parce que s'ils se plantent, c'est 15 personnes ou 20 personnes sur 4 ans d'investissement, quand on voit que XDev sont capables avec 2 personnes de sortir un Wipeout en VR sur PS4. Donc l'idée, c'est toujours partir de ce principe. Je sais, c'est clairement du travail. Les modeurs, il ne faut pas croire qu'ils appuient sur un bouton et que d'un coup, le jeu, parce qu'ils ont développé un moteur spécifique, qu'ils ont développé quelque chose, des assets spécifiques, appuient sur un truc et arrivent quand même à sortir le jeu d'un coup comme ça, par magie. Les mecs, si ça se trouve, ils bossent une année, mais ils sont tout seuls. Une année, et des fois, c'est peut-être même plus long. Bien que quand ils ont les assets de mode, des fois. Le mode, moi j'ai une 1080, il y a des mecs, ils ont des 3090 ou des 4080, et le mode, il fonctionne pas chez eux, alors qu'il fonctionne chez moi. Alors que j'ai parce un PC, que c'est un mode. 4 générations parce en dessous. Parce que c'est un mode, c'est pas officiel. C'est du modding, tu vois, c'est pas optimisé pour tout le monde. On parle de quelque chose, mais justement. Sauf que là, on parle d'un système fermé. Parce qu'à la base, on parle des modes sur une console. Ce qui est un fermé, il marchera. Ouais. Il n'y aura pas de souci de savoir si c'est une 3090 ou une 1080. Le truc, il sera fait pour. Exactement. Ça sera le même pour toutes les consoles. Et l'idée, c'est... Il y a du vrai dans ce que tu dis. Que les entreprises, on se demande si elles le savent, de toute façon, que si elles nous sortent un Last of Us en VR, elles nous sortent un sur PS5, ils savent que là, pour l'instant, notre toute petite niche de ridicule, notre petit îlot planté à côté du continent, de joueurs VR qui sont tout contents parce qu'ils jouent à Across the Valley, et ben au final, s'ils veulent toucher le continent, ils savent qu'il faut The Last of Us, ils savent qu'il faut tout ça, et ils le font pas. Pourquoi ils le font pas? Et comme tu dis, certainement que quelque part, il y a peut-être ils y croient pas forcément, alors oui, je sais pas ce qu'ils font, parce que c'est évident. Il peut y avoir plusieurs choses. Regarde, quand PlayStation fait un State of Play et qu'ils parlent de VR, c'est leur propre communauté qui leur rentre dedans. Pour leur dire, mais arrêtez avec ça. Non, mais parce que j'ai dit qu'Internet était con. Demain, Naughty Dog te fait un mode VR pour The Last of Us. Là, autour de la table, on est tous méga contents. Nous, on va se faire la fin, on l'achète tous, même si c'est 70 balles, tu vois, on va tous les gens qui ont un casque sont contents. Mais par contre, les joueurs flat, eux, ils vont te dire, mais il est où The Last of Us 3? Pourquoi vous avez fait ça? Quand Half-Life Alyx est sorti, est-ce que je t'ai dit qu'Internet était con? PC, ils ont défoncé Steam. Nous, on a tous été contents, parce que, enfin, moi, j'étais trop content. Et Half-Life Alyx, vous l'avez vu, le pic que ça a fait quand ça a été vendu. Exactement, le pic, il était concret. Mais... rétrospectivement parlant, par contre, les joueurs, ils étaient pas contents du tout. Oui, mais de toute façon, quoi que tu sortes, quoi que tu sortes, les mecs, ils sont pas contents. Donc ça, c'est sûr. Le studio, tu vois, quand lui, il discute autour d'une table, t'as le service marketing, il le dit ça aux gens dans la table. Et le service marketing, il a un poids, c'est pas n'importe qui, tu vois. Et s'ils disent, non mais les gars, si on fait un mode VR, moi je veux bien, mais on va dépenser du temps et de l'argent. On pourrait faire autre chose, et on sait que cette autre chose, on va toucher plus de monde, et en plus, on n'aura que des bonnes critiques. Alors, dans ce cas... Alors que les autres, la VR, ils vont être contents, c'est sûr. Ça va faire du bruit, hein. Du bruit dans la presse, etc. Et les gens, ils sont contents. Non, mais Rames, par contre, notre propre communauté, ils vont nous chier dessus, quoi. Rames, tu parles de The Last of Us... Tu parles de The Last of Us 2, s'ils l'adaptent en VR, nous, on attend The Last of Us 3. Mais qu'ils le fassent en même temps qu'ils sortiront The Last of Us 3. On leur demande pas de faire le 2. Ouais, bah ça, j'espère bien, tu vois. Et comme ça tout le monde sera content. Que j'attends avec impatience. Ouais, Gilles, c'est l'espoir qu'on a. Pour moi, c'est pas juste une simplicité, c'est aussi une question pour le studio de ne plus maintenir cette stabilité auprès de leurs joueurs qu'ils ont en termes de retour. et c'est de prendre un risque. Et les studios aujourd'hui, on le voit, hein, regarde, t'as des gros studios comme Ubisoft, etc., qui ils trempent des jambes parce que bah, ils prennent plus de risques. Petit problème, en fait, ils sont tellement devenus gros parce qu'ils prennent plus de risques avec beaucoup d'argent que dès qu'il y a un souci, ça peut se casser la gueule très très vite. Donc bah, t'essayes de faire quoi ? T'essayes de prendre le moins de risques possible et on se retrouve avec des copies de Far Cry sur toutes les licences là depuis des années où les principes c'est les mêmes. Il faut monter sur une tour pour avoir. Là, ça veut presque. Enfin voilà, les gameplay commencent à tous se copier et prendre du risque, ça peut être. Ça peut être à double tranchant. Ouais, mais on arrive à une saturation. Non, mais est-ce qu'on doit valider ce genre de pratique, Rames? Pas du tout. Enfin, moi, je peux pas. Ah bah, je le valide pas. Attention, je le valide pas. Tu l'expliques. Ce que je dis, c'est juste que c'est ce que je pense qui se passe dans les bureaux. Mais, tu vois. Mais par contre, je pense c'est que c'est entre eux. Oui, je pense que fait les joueurs ont vraiment. Je peux. Ouais, Gilles, vas-y, vas-y. Excuse-moi. Oui, pour argumenter dans ce débat-là, on parle de studios tiers comme peut-être des services marketing qui ne veulent pas y aller, et je suis même pas sûr qu'il n'y aurait pas un intérêt rentable de vendre un patch VR, même 10 euros. Il y a 300 000 PSVR 2 qui se sont vendus, peut-être qu'il y a 300 000 ventes de patch aussi derrière à 10 euros. Mais par contre, Sony qui met en avant son PSVR 2, qui veut le promouvoir, là, ces studios. Et la vidéo que Laurent a fait, c'était essentiellement des vidéos avec des studios de Sony. Donc là, Sony a tout intérêt à aller vers là. Et là, par contre, leur service marketing ne pourrait pas freiner. Et effectivement, donc si les jeux des studios propres à Sony nous permettent d'avoir un patch VR, mais je pense que la quantité de vente de PSVR 2 serait exponentielle, effectivement. Ouais, ça décollerait, clairement. C'est aussi peut-être ce qui est prévu et peut-être qu'on l'anticipe un peu vite. Parce que oui. Là, on est un peu en train de leur jeter des cailloux, là. Mais si ça se trouve, non, c'est exactement au cul. La politique. On pousse au cul. On jette pas les bruits de couloir. Oui, on les pousse au cul. Ouais. C'est à eux de prendre la décision. Oui, parce vrai, que c'est le serpent qui se mord la queue. On peut leur donner des idées. Si jamais ils les ont pas eux-mêmes, les commerciaux, nous, on peut leur dire. Mais peut-être que justement, c'est la suite. Et c'est peut-être ce qui va venir. C'est ce qu'on espère tous. Ah, c'est ce qu'on espère, ouais. C'est là, ce qu'on on sait très bien que la série est complicate. Mais en attendant, je pense que c'est surtout les petits studios qui vont créer ce socle de sécurité qui va rassurer les gros studios. Et c'est vrai qu'on aimerait tous. Et d'ailleurs, on le sait, quand il y a eu le procès Apple Epic Games. Il y a les documents qui ont fuité. Je crois que tu avais fait un article là-dessus, Laurent, où on avait une dizaine de passages sur la VR, dont si vous parlez de. Enfin, si vous mettez Fortnite en crossplay sur la PS4 ou la PS5, je sais plus, on développera des outils sur Unreal Engine, etc., exclusifs, et qui faciliteraient un petit peu les portages des jeux, etc. Donc on sait qu'ils ont travaillé en amont là-dessus. On sait qu'ils ont préparé le truc. Maintenant, à partir de quand ils vont vouloir se décider à lâcher les chevaux là-dessus ? Parce peut-être que qu'avant c'était pas possible. Ça c'est PSVR 1, on espère tous que ce sera pour Noël. Mais c'est à eux de prendre la décision. Et j'imagine qu'en interne, ça ne doit pas forcément être facile de pousser ce genre mais de projet. C'est genre à eux de prendre la décision. Qui lève la main dans la réunion pour dire. Et au fait, la VR, à mon avis, lui, il a une petite goutte qui sort sur le côté du front. Tu vois, mais moi, je pense qu'effectivement, si Sony a réfléchi un petit peu à tout ça et qu'il nous le prépare, c'est peut-être que nous, on en parle avant eux. Peut-être qu'ils savent qu'il y a un temps de parole de Meta qui va arriver là, à l'automne, vers septembre, pour présenter leur nouveau casque. Et peut-être qu'ils attendent ce temps de parole-là pour leur couper l'herbe sous le pied en même temps. C'est-à-dire une semaine avant la prise de parole de Meta, prise de parole de Sony, et qui annonce des patchs VR pour leur casque à eux. Ouais, peut-être pas pour leur couper l'herbe, mais pour profiter de l'engouement. Parce que là, cette année, on a profité de live, possiblement le casque d'Apple. Le rebond, quoi. Il y a des rumeurs sur le casque médiatique. Ça leur couperait l'herbe parce qu'on serait en septembre, juste avant la Noël, et les gens qui veulent acheter un casque, je prendrais quoi, le Quest 3 ou je prends le PSVR 2 du coup. Ils sont complémentaires, c'est complémentaire. Pour ceux qui ont le budget. Bah, ils vont en acheter qu'un sur deux de casque. Les deux visent Noël. Ah oui, moi j'en ai. Les deux visent Noël. Donc après, bien sûr. Quelqu'un qui a déjà la PS5 et qui n'a pas forcément les moyens d'avoir un PC, il ne va pas s'acheter un Quest 3. Bah non, mais de toute façon, celui qui a une PS5. Et surtout que c'est la même puce que dans le Quest 2, même si elle est un peu mieux. Quelqu'un qui a un PC, il ne va pas forcément prendre un PSVR 2 parce qu'il ne se branchera pas sur son PC. Donc finalement, les deux vont viser Noël et ils auront chacun leur public. Donc pour moi, c'est pas une concurrence comme ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que s'ils se réveillent en septembre, c'est clairement parce que ils vont vouloir bénéficier des ventes de Noël. Et c'est là qu'ils doivent lâcher les chevaux. Et s'ils le font pas, c'est là où on va peut-être commencer à s'inquiéter. Ah bah ça pue. On pleure tous. On va pleurer. Alors justement, pendant ce week-end, j'ai eu l'occasion de faire essayer à Majo et à Laurent quelques modes VR, même quelques versions PC. Deux jeux qui sont sortis aussi sur PSVR 2. Je pense que Majo aura quelques petits trucs à dire sur certains d'entre eux. Oui. Ça y est, tu viens de percuter. Deux. J'ai deux jeux dont je veux parler. Moi, j'aimerais bien que vous me fassiez un petit peu, une petite review justement de votre expérience sur PC. Du coup, Laurent, je t'avais déjà fait essayer il y a quelques années. C'était WMR, je crois que j'avais à l'époque. Ah, c'est vrai. Si vous nous suivez depuis longtemps, on a déjà fait pas mal d'articles sur les jeux vidéo à la troisième personne. Qu'est-ce qu'on avait fait comme plein d'articles comme ça. Et à cette époque-là, on parlait pas mal d'Hellblade, où justement, à cette époque-là, on se faisait cracher dessus quand on disait, la troisième personne peut fonctionner en VR. Il y a eu pas mal de réactions d'ailleurs qui nous disaient mais c'est n'importe quoi, parce que admettons un Spider-Man à la troisième personne, mais on va faire que vomir. Alors je veux bien, si on se met à la première personne, où là tu es à la place de la tête de Spider-Man, là je pense que tu vas vomir. Mais si tu te mets avec une caméra arrière sur le truc, c'est pour ça que dans ce dernier trailer, j'ai fait attention à ne pas mélanger les jeux VR2 avec des modes. C'est pour ça que j'ai différencié deux logos. Parce que c'est pas la même chose en fait. Des modes, on en a déjà. Resident Evil 7, c'était un mode sur console. Resident Evil 8, c'en est un. GT 7, c'en est un. Pour moi, c'est un programme qui va permettre à un jeu plat de se transformer en jeu VR. Avec des petites modifications au niveau du gameplay, au niveau de. Ouais, mais comme disait Ramest tout à l'heure, c'est un patch. C'est un patch que tu appuies. C'est pas juste un bouton. C'est pas un bouton, c'est sûr. C'est pas un bouton. GT 7, c'est un programme. Et donc. Je suis convaincu que ce que je dis souvent, c'est, ça me fait marrer quand on est en train de discuter de la guéguerre entre les jeux physiques et les dématérialisés, et que j'entends toujours l'argument, moi je prends tout en démat parce que de toute façon ça me fait chier de changer le disque. Et tu t'aperçois que finalement il y a pas mal de joueurs qui restent dans leur canapé sur leur console et qui jouent et qui n'ont pas forcément. Il y a plusieurs types de joueurs et c'est ça qui est super important. Il y a des joueurs qui vont rechercher de faire du sport, il y a des joueurs qui vont aimer tout faire, il y en a qui vont aimer. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont très très très attachés justement au motion gaming et au room scale par exemple sur les jeux VR ou les jeux de sport, de pouvoir faire les actions pour mimer les actions en fait en réalité virtuelle. Moi personnellement, c'est un truc qui me fait chier, mais une force incommensurable. C'est-à-dire par exemple, un Pavlov rechargé, tu vois, tu vires le chargeur, tu vas chercher ton chargeur, tu remets ton chargeur, tu récupères, tu tires la culasse. Rien que le fait de te baisser physiquement, moi je joue quasiment qu'assis, te baisser physiquement pour récupérer un objet par terre, moi ça me saoule. Ça, c'est à cause de tes rhumatismes aussi, non? Je suis un flemmard total, sur même en VR, quoi. Mais voilà, et je l'assume. T'as le droit. Merci. Et après, c'est vraiment, il faut vraiment pas mélanger les trucs, parce que faut mélanger les trucs au contraire, parce que tu vas avoir le joueur qui va rentrer chez lui, qui va dire putain, là je suis en forme, j'ai envie de me faire un petit match de boxe dans Creed, je vais faire du sport, et je vais suer comme un bœuf, et là je vais bouger, je vais avoir besoin. Et puis un jour où il va se dire, il va faire un Red Dead. On en revient au Red Dead sur PC, et va dire quand même, c'est des jeux qui font 70 heures, je vais pas rester debout pendant 70 heures, donc je vais me poser, je vais être tranquille avec ma manette, et je m'en fous du motion gaming, je veux juste jouer dans un environnement. Et moi, c'est ce qui me plaît en fait. Depuis Hellblade, ce que j'ai vu sur PC, c'est ce qui me plaît, même s'il y a pas mal de petits bugs, mais c'est normal, c'est des modes, c'est... Donc ce Red Dead Redemption 2, le mode sur PC, alors franchement, moi perso, complètement convaincu, comme je vous disais, Hellblade et tout ça, convaincu par l'avantage de pouvoir passer à la fois première personne, troisième personne avec plusieurs espaces de caméra différents. L'avantage, c'est que de toute façon, on a des jeux qui sont monstrueux, qui ont mis des années et des années à être développés, des choses qui seraient impossibles de toute façon à développer en VR. Et c'est pour ça que je commence un peu à piquer là-dessus, sur le dernier article, parce que quand les gens vont voir ce trailer, ils vont dire « c'est encore du fake, c'est pas possible, ils nous vendent du rêve ». Le problème, c'est que ce rêve, il est réel, parce que maintenant PlayStation a son compte chez Steam, et que tous les jeux PlayStation qui déboulent chez Steam sont en train de se transformer en jeu en mode VR. Donc le comble de l'histoire, c'est qu'on va acheter une PS5 et un PSVR 2, et on pourra jouer aux jeux PlayStation sur PC, en VR, mais pas sur notre PSVR 2 et notre PS5. Donc c'est pour ça que moi je suis à fond là-dedans. Je suis à fond. Et au niveau par contre de l'utilisation, Comme je disais, il n'y a pas de... Il y en a qui vont dire, ouais, mais si on sort des modes VR comme ça, plus personne ne va jouer aux autres jeux. Ça n'a rien à voir, c'est pas le même public. Je pense qu'il y a des gens qui vont jouer à tous les jeux, qui vont vouloir faire du sport, qui vont vouloir se détendre, qui vont vouloir faire des puzzles, qui vont vouloir regarder des concerts, et qui vont vouloir aussi jouer à des gros jeux de 120 heures, style The Witcher 3 en VR, je ne sais pas quoi, et qui vont aussi de temps en temps se dire, bah, tiens, ce soir je vais me faire ça en VR. C'est un faux problème en fait, c'est encore une autre façon de voir la VR. Et je veux, moi perso, j'aimerais qu'on ferme aucune porte, et c'est pour ça que je suis à fond là-dedans, quitte à mettre même la pression à PlayStation s'il y a besoin, avec des vidéos un peu chargées. Mais moi, je suis complètement convaincu. Voilà. Jis, par exemple, t'as déjà eu l'occasion toi, de tester un jeu comme ça, un mode en VR J'ai testé justement, là, il n'y a pas longtemps, t'en parlais, j'ai racheté du coup Resident Evil 2 sur Remake sur PC, après que t'aies parlé des diverses modes sur les podcasts. Et franchement, enfin, en fait, moi, c'est ce qui m'avait fait le truc dans Call of the Mountain, par exemple, quand tu vois la taille des dino-robots, ça n'a rien à voir avec le jeu plat, quoi. Mm. Je veux dire, le jeu plat Horizon Zero Dawn, quand tu voyais le premier, l'espèce de T-Rex, là, je pense. Gueule d'orage. Non, mais, ouais, c'est ça, c'était déjà impressionnant dans le jeu, mais en fait, c'est rien du tout à côté de. Quand tu l'as devant toi, quoi. Comme dans Call of the Mountain, quoi. Mm. Et du coup, là, Resident Evil 2, c'est pareil, en fait, c'est cette gestion d'échelle, justement, des profondeurs et tout, qui est folle, quoi. Mm. Par contre, j'ai testé du coup qu'en troisième personne, pour justement, c'était la troisième personne qui m'intéressait. Et moi, personnellement, le seul truc qui m'a dérangé, finalement, c'est le mouvement avec le stick droit pour tourner la caméra. Ah ouais ? Ça me mettait mal. Sérieux ? Vraiment, la rotation. La caméra qui tourne. La rotation. En fait, bah, quand je joue au jeu VR, je suis en rotation. Je mets un coup de stick et puis ça tourne de manière angulaire. Je joue que comme ça, parce que même par exemple dans Call of the Mountain, j'avais suivi les conseils des. Mais c'était peut-être de Sei, je sais plus. Et j'avais activé aussi le. Tu sais, quand tu fais l'escalade, la rotation automatique. Pivote automatiquement. Et ça, j'ai joué et au bout de peut-être une heure et demie, deux heures, à un moment où il y avait pas mal d'escalade, ça m'a mis pas très bien non plus. D'accord. Ok. Non, bon. Mais vraiment, ouais, le latéral comme ça, sans. Donc, faudrait ces modes, il faudrait qu'il y ait des petits. Deux, trois petites options. Des petites options de confort. Ouais, carrément. Voilà, c'est ça. Parce que même potentiellement, peut-être pas revoir forcément la caméra, mais si par exemple ce serait pareil, il y a un petit. La caméra, je fais un coup de stick, elle pivote instantanément. Je sais pas ce que ça donnerait en troisième personne. Alors. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce truc-là. Ouais, ça serait pareil. Okay. Après, c'est vrai que. Tu dâches un peu la caméra. Techniquement, c'est vrai qu'on a aussi. Enfin, j'ai essayé Resident Evil 3. Là, surtout l'intro. Le remake. Et j'ai eu ce souci aussi où j'ai dit à Sei, j'ai dit oulala, pourtant je suis habitué, mais. La vue FPS en fait à Resident 3, c'est un petit peu particulier, comme je te le disais en fait. Ouais, ça commence en FPS et c'est pas foutu mais, pour. Et en mais, plus, mais, c'est en moitié en mode cinématique, donc c'est vrai que c'est un peu. Mais je peux comprendre ce qu'il dit parce que. Et on parlait donc aussi sur Red Dead 2. Où tu as ce système de reprojection en fait quand tu fais des rotations que tu n'as pas quand tu bouges la tête. Mm. Et c'est vrai que c'est relativement perturbant finalement si tu n'as pas l'habitude en fait. Mm. Donc ça aussi je peux comprendre. Mais c'est là où on en revient à ce qu'on dit, c'est que ce sont des modes. Donc c'est pas des trucs officiels, c'est pas adapté à 100% pour le jeu. Donc c'est pour ça que c'est pas représentatif de ce qui pourrait être fait au maximum en fait sur ce type de jeu avec ce type de gameplay. Donc ça peut être amélioré, ça peut tout à fait proposer des rotations angulaires comme on a sur des jeux traditionnels en VR. En fait, je vois pas le problème et je vais faire le parallèle avec GT7 où dans le mode showroom, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu vas regarder et faire le tour d'une voiture, en fait, c'est très très lent de manière à ne pas trop perturber ton oreille interne. Et quand tu veux faire des rotations plus rapides, donc c'est avec LR1, et là c'est du saccadé. Direct avec une petite fondue si tu veux de manière à pas non plus perturber ton oreille interne mais on est sur un jeu qui est à la base plat si tu veux mais adapté en VR comme ça devrait être fait pour d'autres jeux donc c'est là on n'est pas sur un mode, c'est vraiment quelque chose d'officiel, c'est quelque chose qui a été pensé, développé du début à la fin avec toutes les les problèmes qu'il peut y avoir et pas liés aux problèmes qu'il peut y avoir. Donc, du coup, oui, effectivement, ça pose problème. Et dans Call of the Mountain, on a un peu ce problème aussi de reprojection de quand ça tourne. Et c'est vrai que moi aussi, même la rotation automatique dans l'escalade peut parfois me perturber un peu. Quoi. C'est courant sur plein de jeux, en fait. Ouais, mais parce qu'on a toujours ce problème d'oreille interne. Et même en étant habitué, je l'avais déjà dit aussi sur GT7, quand tu freines jusqu'à l'arrêt, moi, ça me perturbe. Ça me fait vraiment un sentiment. Le pire, c'est une marche bizarre, arrière. Hein, tout de suite après une marche avant, une marche arrière. Exactement. Et là, c'est cerveau, il aime pas trop. Alors, ça dure pas longtemps. Hein, ça dure une demi-seconde, une seconde. Mais t'as quand même cet effet, quoi. Alors après, bah, c'est toujours pareil. Quand je me crache, je ferme les yeux, généralement. Quand je vois que ça va partir c'est en vrai. Comme en vrai, quoi. C'est une solution de secours. Ouais, tu fermes pas que les yeux, je ça ferme. Là, tu vois, j'ai fait découvrir la VR et GT7 à un copain qui ne joue qu'en plat. D'ailleurs, je crois qu'il a 500 heures sur Red Dead Redemption 2 sur PS4. Philippe, si tu vois ça, c'est toi. Je le mets sur GT7 avec le volant. Je le mets sur le Nürburgring. Il a fait des tours en veux-tu, en voilà. Il a rien dit. J'étais surpris. J'ai dit, tiens, va aller voir le showroom. Et là, il s'est retrouvé avec la manette dans une bagnole. Il a enlevé le casque en 2 secondes, il est parti s'allonger. Ah ouais? Ah, j'étais. Et je dis, ça passe bien sur la piste. Super, bon, il est guéri, il est immunisé. Et dans le showroom, il a fait 2 secondes. C'est marrant ça. Ah, vraiment pas du tout l'habitude. C'est la première fois qu'il en faisait aussi. Pardon? C'est la première fois qu'il en faisait aussi. C'est la toute première fois qu'il faisait de la VR. Ça l'a rendu malade à partir de quel moment? Quand il se déplaçait autour du véhicule ou quand autour de la voiture, il commence à se déplacer et en fait, il y avait quand il est dans une voiture, dans la voiture, il a, en conduisant, il avait le volant, etc. Son, même s'il y avait le mouvement visuel, mais pas corporel, l'oreille interne. Toute ça la allait. Voiture, elle bouge pas en fait. Du coup, tu as un repère fixe et tu vois juste le décor et c'est ce que tu vois dans la vraie vie. Donc, tu es habitué en fait. Ton cerveau, il a déjà appris à comprendre. Et de se déplacer physiquement avec une manette et non avec. Disons que les gestes ne collaient pas à ce qu'il voyait. KO. Ah ouais. Et après, à côté de ça, il a fait Resident Evil 8. Il a tenu quand même pas mal de temps. Alors, incompréhensible. Ce qu'il faudrait lui faire essayer, c'est. Les gens au hasard comme ça, quoi. Ce qu'il faudrait lui faire essayer. Oui, je disais Resident Evil 8, désolé. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Et on voit que c'est un mode. Parce que ça reste un oui, parce qu'il n'y a pas à part le motion gaming, le jeu c'est le même, il n'y a pas de différence. Mais la différence par rapport au jeu plat, c'est que le mode est un peu travaillé et on voit qu'il y a beaucoup, à la fin ça m'a un petit peu, on va dire, gâché le plaisir parce que j'ai adoré le jeu, mais à la fin il y a beaucoup de cinématiques et des cinématiques de mouvement en fait, du joueur qu'on aurait pu avoir en VR pour des joueurs un peu costauds. Quoi. Mais on sent qu'ils ont réfléchi à ça et ils se sont dit si on fait ces mouvements-là, si on reproduit le jeu en VR et on fait pas de cinématique, je pense qu'il va y avoir un peu de motion sickness. Et du coup, il y a beaucoup de cinématiques vers la fin du jeu parce que c'est des scènes qui sont un petit peu précalculées. C'est pas nous, on contrôle pas vraiment le joueur. Mise en scène active. Et à la fin, et à la fin, il y a beaucoup beaucoup de cinématiques. Et à mon avis, c'est uniquement parce qu'ils savent que ça peut causer des problèmes de motion sickness. Parce que c'est vrai que Resident Evil 8, au départ, les premières vidéos, enfin les premières cinématiques, tu peux basculer si tu vas dans l'option, tu peux mettre passer en 3D ou en écran. Mm-hmm. Et sauf qu'à la fin, t'as plus le choix. Il y en a certaines qui te mettent. À la fin, c'est que de la cinématique. Ah ouais. Et c'est dommage parce que j'étais vraiment dedans. Et à la fin, on se retrouvait avec des cinématiques. Ça m'a surtout en fin d'aventure. Surtout en fin d'aventure. Ouais, voilà, c'est ça. C'était vraiment le dénouement final et je finis sur un écran plat. C'est alors que j'ai adoré le jeu. Mais il y a des villes de base, hein, mais c'est un jeu tous les jeux, tous les jeux s'y prêtent pas. Hein. Et moi, il y en a un. On n'est pas d'accord avec Laurent. Ouais. Pour moi, God of War, il est importable en VR. Tel qu'il est fait aujourd'hui. Bien sûr que si, il est portable. Non. Aussi. Parce que pour moi, il est d'une part, il est trop dynamique, et ensuite, il a une manière d'être filmé qui n'est pas fait pour regarder ce qu'il y a derrière toi. Aujourd'hui, on est sur un jeu qui est full plan séquence. Et c'est un jeu qui est très cinématographique en fait. Et tu ne peux pas adapter un jeu VR, enfin la VR, à ce genre de mise en scène en fait. Donc pour moi, God of War. Et malheureusement, je pense que Uncharted, pareil. Les plans de caméra sont trop bien calculés au départ. Je suis pas d'accord. Uncharted, c'est pas vraiment pareil. Moi, God of War et Uncharted, j'ai du mal à les voir en VR. Bah, je suis pas d'accord. J'aimerais. Moi, je trouve la mise en scène justement d'Uncharted et de God of War assez similaire, justement. Non, pas du tout. Assez similaire. Pas du tout plan séquence. Je peux finir? Non. Ferme-la. Tu ne racontes que des belles histoires. En vrai, là. C'est, en fait, je trouve ça assez similaire justement à Resident Evil en TPS. C'est-à-dire que c'est une caméra qui reste quand même derrière l'épaule. Finalement, Resident aussi, c'est quasiment un plan séquence, sauf sur les cinématiques. Mais donc c'est pas un plan séquence. Et le truc le plus simple justement dans God of War par rapport à un Resident, c'est que vu que c'est un plan séquence, vu que ta caméra elle bouge même des fois d'un personnage à l'autre en plan séquence sans avoir de coupure, justement ça apporte moins encore ce côté un petit peu déraillant que tu peux avoir dans les modes VR des Resident et oui, les cinématiques des. Mais c'est anti motion sickness. C'est-à-dire que c'est. Je suis en fait, même pas fou, par. Je, parle, mais je, si, je pense même pas à la considération du motion sickness. C'est vraiment juste la mise en place de ce mode-là. Et je vois absolument pas. Et le côté dynamisme du gameplay de God of War qui pourrait pas être adaptable en VR, ça, je suis absolument pas d'accord. Non, absolument. Pas d'accord. Quand il achève les méga boss géants et qu'il saute dessus et qu'il fait des pirouettes, et c'est ça. La caméra reste derrière. La caméra, elle fait jamais des espèces de bonds comme ça au-dessus en changeant l'assiette. Mais hein. Tu rigoles quoi. Ouais, mais voilà, après, c'est dans God of War. Tu peux tourner l'assiette. Que quoi, si, attends, des fois ça. D'ailleurs, il y a un parti pris, je trouve, qui est pas mal dans RE8, c'est que pendant les cinématiques, tu peux tourner la tête et tu vois que des fois les personnages sont pas au bon endroit, les choses comme ça. Mais... comme tu disais dans le mode sur le Resident Evil 4. Mais au final, c'est un parti pris. Ils acceptent ça finalement parce qu'ils ont pas. Tu vois que dans les cinématiques, les personnages sont pas au bon endroit et tout, mais ça pourrait gâcher peut-être l'expérience. Tu pourrais avoir la tête un peu désaxée. La façon dont ils ont pensé le jeu. La tête un peu désaxée. Ça va gâcher l'expérience de la chorégraphie du personnage que toi tu regardes. Et ça va être comme l'œil du cinéaste, du vidéaste. Mais regarde, t'as des expériences de Spider-Man, t'as des jeux style Wildlands 2, etc., où tu peux jouer en coopération, et c'est littéralement un Spider-Man. C'est-à-dire tu lances des grands grappins comme ça à travers des grandes forêts, etc. Tu as des combats de boss, donc tu vas combattre avec un arc pendant que tu es en train de t'envoler sur des distances qui font 1,5 km, etc. Et à aucun moment tu vas ressentir particulièrement du motion sickness plus que dans d'autres jeux. Par contre, effectivement, attention. Comme tu es à la première personne, tu n'as pas la vision d'un personnage qui, dans un Spider-Man, par exemple, Max Morales, où il va faire des pirouettes à chaque fois qu'il lance une nouvelle toile, etc. Donc tu vas pas apprécier ce genre de choses. Mais par contre, le gameplay, tu peux tout à fait l'adapter en réalité virtuelle. Et du coup, un God of War, je vois vraiment pas pourquoi on ne pourrait pas l'adapter. Parce que c'est parce on va perdre le côté cinématographique. Parce qu'à la base, on va perdre le côté où tu racontes une histoire par la gestuelle, par du visuel uniquement et pas par des dialogues. Mais tu peux tout à fait rajouter, toi, dans ton jeu, des éléments qui vont venir, tu vois, par exemple, il y a Half-Life 2 qui a été refait là avec un mode VR il n'y a pas longtemps, on peut jouer à Black Mesa, tu rejoues, tu fais l'intro de Black Mesa, c'est ce qu'ils avaient fait les gars de Valve à l'époque avec Half-Life, c'est que tu regardais pas le personnage, mais tout ce qui se passait autour de toi était vivant, ça te racontait une histoire. Et dans un God of War, c'est exactement la même chose aussi. Non, ton personnage, la gestuelle, les gestes qu'il fait, les acrobaties qu'il fait, ça raconte quelque chose, mais tu as aussi tout un tas d'éléments dans le décor qui peuvent te raconter des choses. Et toi, en VR, tu vas les vivre, mais d'une manière encore plus décuplée. Non, mais je perdre un aspect pour en gagner d'autres. Non, mais les versions 2018, les versions 2018 et 2022 de God of War misent tout sur l'aspect cinématique et plan séquence. Les jeux tels qu'ils sont faits aujourd'hui, si tu les sors en VR, ça sera plus du tout les mêmes jeux. Et pour moi, le fait d'avoir des plans. Le fait d'avoir des plans où tu vas te retrouver avec une caméra qui pivote ultra vite, mais sans qu'en plus tu t'y attendes forcément, ou quand t'as des boss qui t'attrapent par derrière, ou des boss comme l'intro de Resident 3. Mais ça n'a rien à voir. Tout le jeu est comme ça. Tout le jeu est comme ça. C'est comme l'intro de Resident 3. C'est exactement pareil. Non. Au bout d'un moment, mais Resident 3, c'est de la mise en scène. Quand Jill elle se tape le Némésis dès le départ, elle se fait plaquer contre le mur, la caméra elle se fout. Contre le sol, ensuite elle va passer derrière le Némésis, elle va passer de l'autre côté, c'est de la mise en scène et tu n'as pas trouvé à redire dessus. C'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. Et c'est une mise en scène dynamique. Non, parce qu'on est, gêne justement. Non, parce qu'on est sur un jeu avec un personnage qui est très terre à terre, qui reste quand même à une échelle humaine, si tu veux. Ouais, moi, je pense que tu te mets franchement là des barrières pour rien. Non, franchement. Franchement. De toute façon, Lucross, je il va c'est de là. Tester, ouais, je pense que Lucross, il va essayer un truc. Hein. Soit il va le faire, et on aura la réponse, ou soit il ne l'a pas fait, peut-être parce que c'est pas réalisable. Mais à mon avis. Mais après, il y a des choses qui sont plus simples que d'autres à faire. Par exemple, quand Lucross, il a fait son mode Elden Ring. Bon, Elden Ring venait de sortir, etc. Donc engouement de ouf, le gars se faisait 20 000 dollars par mois sur son patron, il était content, et tant mieux pour lui. Mais quand il a fait son mode sur Elden Ring, je me rappelle, je m'étais pris la tête avec un pote, parce que bah, moi j'étais impatient de tester ça. La première fois que j'ai acheté Vorpex, qui est un petit programme qui vous permet de placer vos jeux PC en réalité virtuelle, c'est clairement pas parfait, mais je l'avais acheté 40 balles à l'époque, ce programme, pour jouer à Dark Souls à la première personne. Je suis un gros fan de Dark Souls et j'étais impatient, quoi. Et quand j'ai joué à ça, c'était une catastrophe, le mode c'était tout claqué, mais du coup Elden Ring, j'étais impatient d'y aller, et finalement je me suis rendu compte d'un truc, c'est que Elden Ring, c'est un jeu qui se joue à la troisième personne, et le jeu a été construit, tout le level design a été construit à partir de ça, c'est-à-dire t'as des énigmes dans le jeu situé à la première personne, enfin pas des énigmes pardon, mais des pièges. C'est Elden Ring, c'est un truc, t'avances dans une grotte, une caverne, et tu marches tranquille, tu sais qu'il y a des ennemis dans le coin, et d'un coup, bam, tu te prends un vieux piège qui te défonce le crâne. C'est pas grave, la mort fait partie du jeu, et tu te dis, ok, il y avait un piège ici, je l'avais pas vu. Quand t'es en VR, parce que le jeu en flat, il est à la troisième personne, donc t'as la caméra qui est au loin, donc c'est normal que le piège, tu le vois pas. Mais si t'étais en VR, tu l'aurais vu arriver sur la droite. Et du coup, t'aurais pu faire un pas en arrière au dernier moment. Ou juste arrêter de marcher. Et le piège te serait parti devant. Donc t'as toute une partie level design qui va pas être la même en VR. Après, est-ce que ça veut dire qu'il y a des jeux qui sont pas adaptables en VR ? Ça, je pense pas du tout. Il y a certainement, certainement des jeux qui demandent première personne, quoi. Parce qu'il y a quand même troisième personne là qui. Oui, et puis après, voilà, c'est ça. Tu regardes un jeu. Hellblade, Senua's Sacrifice. Donc, t'as des énigmes, énigmes dans Hellblade qui fonctionnent grâce aux perspectives de la caméra qui est en TPS et qui fonctionne très bien en plus en VR, et quelle que soit l'échelle après, tout le reste du jeu tu joues en troisième personne et ça fonctionne ça fonctionne très bien. Mais ça c'est une certitude, on sait quand même que Sony se sont déjà essayés à faire des versions de God of War en VR en 2014 quand le projet Morpheus est sorti. Et c'est vrai que moi, ce qui m'avait choqué, c'est de me retrouver à la place de Kratos. Parce que c'est God of War 2, en plus. Ouais, et j'avais dit, mais finalement, c'est pas ce que je recherche en VR, parce que pour moi, un God of War, j'avais pas envie d'être à la place de Kratos. Peut-être que d'autres gens ont dit, c'est super d'être à la place de Kratos. C'est pas, moi, ça m'avait pas plus. C'est plus pas possible. Ça. Mais pour moi, la troisième personne, mettre des patates pendant 70 heures. Et puis envoyer la chaîne. Non, mais t'imagines, tu te promènes dans le monde de God of War. Je sais pas, t'as fait Asgard Blast. Oui, bien sûr. À la troisième personne, je dis pas que c'est le problème, mais c'est vraiment moi cet aspect plan séquence. Et comme dit Sei, God of War à la première personne, enfin, t'enclenches le mode rage, tu mets des patates de forain, enfin. Au bout d'un moment, t'es crevé. Enfin, je veux dire, il fait que ça. Kratos, il met des patates, des coups de vache, des machins. Il faudrait tout retravailler sur God of War. Ouais, mais je pense que tu peux complètement réadapter ce genre de choses. Ouais, mais est-ce que ça sera plaisant? Par contre, c'est un autre travail. Parce que on n'est plus dans le mode là. Je dis pas que c'est pas possible. Mais est-ce que ça sera plaisant? Remake sur gameplay, ouais. On est sur God of War VR, tout simplement. C'est un autre God of War, c'est pas le même. Par contre, on a dit juste avant que pour Elden Ring, le mode était sorti quasiment en même temps que le jeu. Très très peu de temps après. Très peu ce qui veut dire qu'il a réussi à sortir un mode en deux mois. Sur la tendance. Ah, parce qu'après, c'est le même moteur que les anciens Dark Souls aussi. Ouais, en fait, si tu veux, Lucros, il a fait son framework. Et son framework fonctionne sur tout un tas de moteurs de jeu. Et du coup, dès qu'il y a un jeu qui sort, en gros, son mode, il est quasi fonctionnel dès one. Par contre, il a pu vraiment sur en fait, le plus clair de son temps, il avait fait une interview. C'est la configuration. Je sais plus avec quel journal, mais c'est celui qui s'est pris. C'est à cause de cette interview-là que Rockstar est venu l'embêter. C'est une interview où justement le journaliste il regarde les chiffres de son Patreon et il se dit, du coup, en fait, tu gagnes quasiment 30 briques par mois avec tes mods. Et bon, ça avait fait beaucoup couler d'encre, mais il explique en fait dans cette interview que le plus clair de son temps. Ce qu'il fait, c'est pas développer un mode à chaque fois que le jeu sort. Non, en fait, son mode, il est fonctionnel. Il a mis 3 ans à réaliser son framework. Et maintenant, ce qu'il fait, en fait, c'est des ajustements. À chaque fois qu'il y a un jeu, il doit réajuster certains trucs. Ce jeu-là, par exemple, la caméra en troisième personne, elle est un peu plus loin. Il va falloir qu'il touche 2-3 trucs. À une certaine partie du jeu, il y a un bug pour X donc, ou Y l'utilisation, raison, obligé de modifier l'utilisation par exemple des cartes justement de la vue en TPS et puis l'utilisation des cartes par exemple sur Hogwarts Legacy, la carte est absolument pas fonctionnelle, enfin elle était pas du tout fonctionnelle à la sortie du real mode, de l'adaptation du real mode, et du coup c'est vraiment ce genre de petites choses là qu'il est obligé de configurer. C'est pareil pour Predog. Predog, c'est pareil, il est en train de fabriquer son framework, j'ai même une fois qu'il sera sorti, dire que t'as toute une liste de jeux qui est compatible et t'en as moteur PlayStation flampé, c'est impressionnant, mais par contre il va falloir quand même réajuster certaines petites choses petit à petit. Oui, mais bien sûr, mais ça à chaque fois le, mais ça c'est logique derrière. Ça c'est logique, mais encore une fois ça confirme que ça va vite, parce que si tu dis que le mec parce qu'il a développé une base, justement t'es limité tu vois, avec leur mode à eux t'es limité par exemple. Non mais t'es limité sur pas mal de choses. Non mais attends, parce que lui il a un, parce que lui il a un mode pour tous les types de jeux, parce qu'il est tout seul et qu'il essaye de faire un truc qui soit le plus productif possible. Mais si tu vas dans un studio PlayStation en l'occurrence, puisqu'on parle du PSVR 2, Santa Monica, ils décident de faire ce même boulot. Ils ont tous leur moteur, tu veux. Donc s'ils font une base sur des jeux, sur des moteurs qu'ils vont utiliser sur plusieurs jeux, genre des Sima. Voilà. Et mais ils font la même chose, mais en mieux, avec un peu plus de temps, et visiblement, ça sera pas beaucoup plus long, tu vois. Mais par contre, il y a la base de départ à travailler. Quand tu développes un jeu en flat sur la PS5, là, par exemple. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu en jeu PS5 de gros dernièrement. Il y a Returnal, tu as Ratchet & Clank qui serait formidable. Rift Apart, Hogwarts Legacy, parfait exemple. Super, je sais pas qui c'est qui l'a dit. C'est pas du tout. C'est pas, plus grave. Bon, c'est pas un jeu PlayStation, mais. Hogwarts Legacy, là il tourne sur PS5, il tourne quoi, 60 FPS? Un truc comme ça. Il doit y avoir un mode performance à 60 FPS, tu vois. Bon, bah tu le mets sur PC. Moi, clairement, je sais plus si c'est moi qui te l'avais envoyé, Sei, ou si tu l'as pris de toi-même, je sais plus. C'était toi. Moi, Hogwarts Legacy, c'est simple, je le mets sur mon PC, jamais ça tourne. Jamais, mais jamais de la vie, ça tourne. T'as pas d'eye tracking, alors que t'as pas de rendu faux VR. Je le mets sur mon PC, il ronronne. Ouais, attends. En fait, le truc avec le Real Mode sur Hogwarts Legacy, c'est qu'il downgrade un maximum le jeu, quelle que soit ta configuration. Et je pense que même sur ta config, ça passerait. Parce que franchement, le jeu est clairement dégueulasse, hein, vraiment en mode VR. Pour le moment, il n'y a aucune configuration, il n'y a aucun. Tu sais ce qui met d'habitude le low height. Exactement, ça y est pas, c'est du low de chez low, c'est quasiment injouable. J'en avais fait une capture pour une précédente émission. Et dernièrement aussi, toujours Tu sais pas. Il y a toujours aussi le problème sur la carte qui est complètement inutilisable et qui ne fonctionne absolument pas. Mais oui, de toute façon, il n'y a toujours pas le petit fichier de configuration. Et voilà, en fait, ces jeux-là, que ce soit celui-là ou même ce soit le mode de Predog, prévoit de toute façon un downgrade quasiment automatique de tous les jeux qui sont passés en réalité virtuelle. Ouais, mais justement, le rendu, à quel prix en fait, tu vois ? C'est pour ça que. Au prix d'une résolution un peu moindre, de quelques textures et un petit peu plus d'aliasing, et ça se voit carrément plus sur le Rift S par exemple. Et je pense que c'est ce genre justement de downgrade que les joueurs VR sont capables d'accepter. C'est sûr que tu n'auras pas ton jeu qui va sortir. Pas de rendu faux VR. Allô. C'est sûr que ça va pas sortir comme sur du mode. Ah mais attends, le rendu faux VR, c'est pas non plus de la magie, hein. C'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas pris en compte. Mais t'as pas besoin de retracing en VR. T'as pas besoin forcément de retracing. T'as pas besoin de. On est d'accord. On supprime le retracing et on gagne des ressources. Effectivement, c'est le retracing qui bouffe pas mal de ressources. La question des ressources, c'est pas non plus. C'est pareil. La question des ressources, tu peux en gagner sur plein de. Sur plein de trucs, bien sûr. Enlever du retracing sur un jeu qui les utilise déjà pas beaucoup. Ouais, bah, du coup, tu gagnes rien du tout. Et donc, ça dépend vraiment de chaque jeu, tu vois. C'est chaque moteur de jeu, parce que je suis pas d'accord. Mountain, à la base, le jeu tourne sous des Sima Engine, mais même les développeurs eux-mêmes l'ont développé sous Unreal Engine 4. Non, je crois pas. Call of the Mountain. Parce que c'était plus simple pour eux de. Call of the Mountain, c'est Unreal Engine. Sur Horizon, serait peut-être pas si facile que ça. Call of the Mountain, c'est Unreal Engine, hein, c'est pas Decima. Ouais, c'est ça, justement. Et pourquoi eux-mêmes, les développeurs eux-mêmes, qui ont leur propre moteur de jeu, ont utilisé un autre moteur pour de la VR? C'est parce qu'il y a certains moteurs qui ne doivent pas du tout être adaptés à. Non, mais attention, la VR, attention. Non, mais c'est pas le même gameplay, hein. Attention. Oui, c'est pas du tout le même type de gameplay avec le jeu qui utilise le Decima. Ils avaient dit qu'ils auraient bien aimé développer le jeu en VR avec le Decima Engine. Mais ils n'ont pas pu parce que, à mon avis, techniquement. Oui, mais pourquoi? Non, mais pas du tout. C'est que le Decima Engine, c'est un jeu, c'est un moteur en fait qui est fait pour avoir d'excellentes textures, mais qui est un moteur physique de merde. Donc ouais, c'est le même qui est sur Death Stranding. La physique de Death Stranding, elle est scandaleuse. Et dans Horizon Forbidden West et Call of the Mountain, et Zero Dawn, pardon, c'est pareil. La physique, elle est inexistante. Par contre, dans Call of the Mountain, tu as de la physique. Alors qu'il sert à rien, oui, oui. Mais il y en a quand même. Tu peux jouer à des instruments. Donc déjà, on est sur un truc où ils pouvaient déjà pas à la base prendre le même moteur, puisque c'est pas un moteur qui est développé pour faire de la physique, de la gestion de la physique. Donc pour moi, c'est surtout ça, ouais, le problème. Il n'y a pas que ça, il y a aussi que le problème, c'est qu'il y a quelques années de ça, on a vu passer des annonces d'offres d'emploi chez Guerrilla qui disaient qu'il fallait travailler sur un projet triple A mondialement connu. Ils parlaient d'Horizon, bien sûr. Et c'est sûr que pour trouver quelqu'un qui maîtrise déjà Decima, et en plus la VR, c'est à mon avis Unreal Engine 5 était plus facile pour dégoter des gens, pour développer quelque chose. Le 4, oui. C'était plus facile que trouver quelqu'un qui ait déjà travaillé sur Decima et en plus sur de la VR, quoi. De toute façon, des gens qui sont experts en VR, il y en a très très peu, hein, pour le moment. Et Decima, c'est pareil. Et la plupart des gens qui sont experts en VR, justement, non, c'est parce qu'il y en ait très peu, c'est une chose, mais on s'aperçoit surtout que t'as pas besoin d'en avoir. C'est des petits studios, quoi. Mais qu'il y en ait très peu, ok, mais on s'aperçoit surtout que t'as pas besoin d'en avoir 30, quoi. T'as pas besoin, pardon, d'avoir ? D'en avoir 30. D'en avoir... Voilà, t'as pas besoin d'en avoir. Oui, bah après taquet, tout dépend du projet, et puis tout dépend aussi de bah, tu vois, typiquement de ce que ton moteur de jeu te permet de faire, etc. Parce que suivant les projets de jeu que tu veux faire, la masse de travail va pas du tout être la même. Non, mais on est d'accord, bien sûr. Alors, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ce sujet-là. Oui, si ça se trouve, ça arrivera jamais. Je vous ai mis le guac, je vous ai fait essayer des modes de fou. Non, Laurent, ne désespère pas, s'il te plaît. On dirait qu'il est triste là. Je pense que voilà, vous allez bientôt vous acheter un PC et puis des casques VR, surtout toi. Red Dead Redemption 2, c'est une aberration que ce jeu n'existe pas. Parce que c'est une tuerie. Tout dans ce jeu se prête à la VR. Ah, ça rend la vie, contemplation. La contemplation, exactement, les effets de lumière. C'est incroyable. Fou. Tout mais se prête à la VR. C'est tellement agréable de se retrouver dans un monde aussi chiadé, quoi. Comme je disais à Laurent justement hier, c'est. Enfin, moi, Resident 4, le remake, là, je l'ai fait uniquement en VR. Je ne l'ai pas du tout fait en plat, et c'est impossible maintenant que je le fasse en plat. Je l'ai terminé une première fois, je suis en train de le recommencer, là. Je lui disais, justement, au niveau de la contemplation, c'est que j'ai passé 10 minutes à regarder un coupe-cigare qui était sur une table, et je regardais le coupe-cigare avec la caméra, je me suis foutu juste devant, je voyais tous les détails. On va consulter. j'aime beaucoup les cigares. C'est un fan de coupe-cigare. Et tu vois, les vis, la mécanique, tout est modélisé, c'est un truc que tu ne peux pas voir en plat, c'est impossible. Tu peux pas regarder ce genre de détails en plat. Sur Red Dead 2, au départ, l'espèce de laine, enfin de manteau que a Dutch au début dans une cinématique, tu vois les mailles, tu vois l'intérieur de la maille, c'est quelque chose que tu ne peux pas voir en plat. Tu peux pas te rendre compte justement de cet effet des volumes que tu as dedans. Moi, je suis d'accord avec Mathieu, okay. Avec Laurent, c'est une aberration que ce ne soit pas officiel en VR. C'est une aberration. Ah ouais, ben ça, je le pense travail d'accord, de taré qu'il y a derrière. On aimerait tous. C'est vrai que c'est scandaleux. Red Dead 2, quand j'ai démarré Red Dead 2, la première fois que tu fais toute la séquence dans la neige. Et qu'après, tu sais, une fois que la neige c'est fini, ça y est, c'est l'été, et t'es en petite caravane, et du coup, bah, comme dans tous les jeux Rockstar, t'as un vieux discours qui dure 15 ou 20 minutes, et du coup, bah là, t'es en caravane et tu te promènes au milieu de la forêt. Et là, j'étais là, sur ma petite config pourtant, tu regardes avec mon Valve Index et mes putains d'écouteurs qu'il a, ce casque, et je regarde autour de moi, je vois des écureuils qui grimpent sur les arbres, des aigles qui volent, des biches, etc. Enfin, je vois un monde, mais vivant, mais incroyable, et j'avais l'impression d'être chez mon grand-père quand j'étais petit et qui m'emmenait en carriole, tu sais, aller voir les chevaux au bout du chemin dans la campagne. J'étais là, oh, c'est un truc de ouf. Et j'aurais pu passer juste des heures et des heures. Et tu peux dans à rien foutre, à rien être là dans ma carriole et à regarder le paysage qui avance. Alors, et petit détail là, qui a son importance. On parle de contemplatif, effectivement, Red Dead 2, qui est un jeu PS4, et je suis sûr que. En PS1, il y aurait suffisamment de puissance pour le faire tourner. Mais ça, une fois, on avait parlé dans un précédent podcast aussi. On prend les Assassin's Creed Origins et Odyssey, le mode Discovery. Oh là là, putain, mais ça, c'est fait pour ça. Je serais fou. C'est fait pour. Ah oui. Et ça serait mais génial. Moi, je serais là au pied des pyramides avec les explications quand ça a été construit, etc., etc. Ça, Ubisoft, il faudrait qu'ils le fassent aussi. Ça, oui, ils vendent le patch à 10€, mais ils en vendent 300 000. Surtout qu'ils sont dans la merde en ce moment, ça leur ferait du bien. C'est la NFT, ça. sont à fond sur les non DLC. Mais c'est vrai, les mecs ils savent plus où aller, ils ont tout fait, ils savent plus où aller, ben venez, venez sur la VR, enfin, en plus ils ont essayé plein de choses, bon des trucs de merde, Space Junkie c'était nul à chier, mais les expériences genre que tu vois à Notre-Dame de Paris ou même le truc, ça reste quand même sympa à faire si tu veux, même si c'est long, mais là encore une fois ils ont tout. Ils ont déjà des jeux qui sont faits et qui ont des modes en plus déjà intégrés dans le jeu qui peuvent permettre et de faire de la culture et en plus d'aller faire jeu vidéo. Et les mecs ils sont en mal de trouver des trucs, ben putain, allez-y quoi. Et j'espère que Avatar Frontier of Pandora sera VR et que ça leur fera du bien quoi. Et que justement ils trouveront leur salut là-dedans parce qu'aujourd'hui ils savent plus où aller et puis alors avec toutes les casseroles qu'ils ont. Bah, ils ont double peine, mais j'espère vraiment qu'ils vont y aller et qu'ils vont se rendre compte que ah bon bah, y a peut-être un filon à faire, finalement peut-être qu'en évitant de proposer des trucs ultra originaux à chaque fois et de rester sur des formules qui fonctionnent mais qu'on adapte directement, enfin j'espère qu'ils comprendront aussi avec merde Avatar si jamais ça sort en VR que il faut qu'ils aillent plus souvent là-dedans, quoi. Oui, ça fait du renouvellement. C'est une aberration, encore une fois. Capcom l'ont très bien compris. C'est pour ça que ça marche plus, parce qu'ils ont eu l'âge d'or. Mais maintenant, c'est bon, ça a été vu et revu et revu. Donc la VR, ça permet d'apporter quelque chose de nouveau. Un jeu comme Avatar, ce serait exceptionnel. Après, est-ce qu'ils vont le faire? Parce que économiquement, est-ce que ça vaut le coup pour eux? Faut voir. Après, Avatar, dans une impasse là. Non mais économiquement, c'est un truc qui révolutionne généralement un peu les techniques modernes de cinéma. Ils ont toujours révolutionné tout avec James Cameron et Avatar. Donc là, justement, c'est une opportunité. C'est une licence qui s'y prête. En plus, révolutionner encore un nouveau média. En plus, justement, ça apporte un petit peu la 3D, le côté volumétrique, un petit peu volume de l'univers. Ça permet de surfer sur le côté nouveauté. Ouais. Et complètement. Oui, une nouveauté donc, et nouvelle technologie. Ouais. Après, le côté historique de Assassin's Creed, c'est vrai que j'ai un pote, moi, qui a un doctorat d'histoire, et justement, il se bat, lui, pour enseigner l'histoire à des jeunes qui n'en ont rien à faire, justement, en utilisant Assassin's Creed. Et il a fait investir à son lycée plusieurs Cast Quest 2 justement, et lui ce qu'il rêverait ça serait d'utiliser les visites guidées qu'il y a dans c'est dans lequel où c'est Discovery les trois derniers Origin qu'on puisse se balader en ville comme ça avec un casque VR, et ça serait un outil formidable quoi pour apprendre ne serait-ce que l'histoire. C'était il y a tellement de bonnes reconstitutions que je comprends même pas que ça existe pas, et on en est là en fait tous en train de se dire pourquoi ils font pas ça, puis on attend, et puis bah, avec le PSVR ça fait 5 ans qu'on attend, on a attendu longtemps, le premier on va dire on a eu Resident Evil 7 et Hitman 3 en 5 ans, là j'espère que, c'est pour ça que je vous précisais aussi qu'en août 2021 c'était un peu dur, il y a eu Wipeout, oui, il y a eu, oui. Mais il y en a quand même c'est pour ça que je suis optimiste, parce que je vais pas taper dans le tas tout de suite parce que pour l'instant c'est que le début. Mais quand on voit qu'en août 2021 il y a eu Wizen Parole et en même temps Richard Leadbetter de Digital Foundry qui ont dit que les développeurs autour du PSVR 2 s'étaient rassemblés et qu'ils avaient justement parlé de ça, qu'ils voulaient diminuer les expériences et optimiser plutôt des portages avec des jeux compatibles PSVR 2. Pour l'instant, c'est des blabla, parce que c'est juste des gens qui nous ont dit qu'il y a des développeurs qui ont eu une réunion, qui ont entendu ça. Donc ça fait beaucoup de choses avant d'être sûr que ce soit vrai. Mais si réellement c'est leur optique, j'espère que dans l'année qui va arriver, on aura quelques indices qui nous mèneront dans ce sens-là. Quoi. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment avancer de choses là-dessus. Quoi. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Quoi. Ouais, ah oui, carrément. Ouais. Et tous, et puis voilà, c'est... C'est, en fait, c'est, on est vraiment dans un. Enfin, moi, je suis peut-être un petit peu pessimiste, mais vraiment dans un moment de stagnation, de stase du marché du jeu vidéo global, qui moi me plaît pas, quoi. Moi, ça me saoule. Quand tu connais les possibilités, quand tu sais ce qu'on est capable de faire, enfin, ce que certains sont capables de faire, je ne comprends pas du tout justement qu'on en soit là, quoi. Je veux bien que le Covid ait mis un petit peu du plomb dans l'aile de pas mal de développeurs et même du développement du jeu vidéo global, mais je pense qu'il y a aussi des décisions politiques qui font que non, faut couper l'herbe sous le pied justement de la VR, je sais pas pour des considérations économiques certainement qui sont merdiques. Voilà, et je sais pas, j'arrive pas. Il y a un tel manque de bon sens. Le PSVR 2 vient de sortir, donc il faut lui laisser le temps. On est qu'au début, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Pour moi, le début, il est déjà bien. Je suis d'accord. On regarde cet été, il va y avoir Firewall qui va arriver, il y a Crossfire qui va arriver. Donc ça, c'est des titres qui sont quand même assez haut du panier. Voilà. Alors après, il y a encore des annonces qui vont certainement tomber. Oui. Attention Gilles, on parle encore une fois, on parle d'adaptation de jeux classiques. Là, tu parles de licences qui sont full VR, full développées pour la VR. C'est encore quelque chose de différent. Oui, non, mais pas forcément ça fait partie du marché de la VR. Donc, quand on dit que le marché de la VR, il stagne jusqu'à présent. Moi, je pense que le PSVR 2 va être une bulle d'oxygène dans le marché. Et j'espère vraiment que ça va bien fonctionner. Bah, j'espère si aussi. Tout le monde joue le jeu, si les éditeurs, si Sony met le paquet, hein, effectivement, en mettant les modes. Et effectivement, si les ventes de Noël apportent, effectivement, en un an, 5 millions de ventes de PSVR 2 sur la planète, là où le PSVR 1 avait mis 4 ou 5 ans à atteindre ce chiffre-là, effectivement, les éditeurs, ils iront plus volontiers. Et quand tu sais que même si tu dois faire un mode, que tu le vends 10 euros ton patch, que tu le vends pour un potentiel de 500 millions de casques ou pour un potentiel de 300 000 casques, c'est pas le même marché non plus qui risque de les intéresser. C'est sûr. Mais moi perso, ce qui m'inquiète là-dessus au niveau de la VR globalement, ce qui m'inquiète plus sur la VR, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, ah merde, on parle en même temps. Vas-y, mais en plus on t'entend un peu moins du coup. C'est que comme je disais tout à l'heure, quand le PSVR est sorti en 2016 ou même en 2014, quand ça a commencé à sortir, toute la hype médiatique était autour de la VR globale et tous les studios voulaient y aller, tout le monde voulait y aller. Là aujourd'hui, il y avait des caméras qui sortaient, des caméras 360 degrés en 3D qui sortaient, je pense aux Vuse, je pense à toutes ces caméras là, je sais plus comment elles s'appelaient d'ailleurs. Il y avait YouTube VR, il y avait des grosses boîtes derrière qui soutenaient. Aujourd'hui, tout ça c'est terminé. Donc qu'est-ce qui nous reste? Les caméras 3D, il y en a pas beaucoup, il y en a encore, mais il y en a pas beaucoup. On sent que YouTube VR, de toute façon, sa page, elle a pas bougé depuis 2016. On sent quand même que ça freine quelque part. Il nous reste quoi? Globalement, Meta, qui sont encore solides là-dessus. Sony, qui pousse aussi de leur côté. Mais si Sony se vienne à se casser la gueule, ou si Meta Zuckerberg se retrouve dans une impasse... Ça pourrait tout s'écrouler. C'est pour ça que... Et en plus, ils sont tous interdépendants, ces casques. Donc là moi je serais plus pourquoi je pousse sur ce genre de truc de mode, c'est justement pour ouvrir une nouvelle porte, pour essayer quelque chose qui pourrait toucher le grand public plutôt que de laisser crever quelque part ça va peut-être stagner pendant 10 ans quoi. Le marché PCVR en ce moment, les jeux, c'est fini quoi. Les chouettes jeux, les Lone Echo, les Asgard, les machins comme ça, c'est très très ralenti. C'est très très ralenti. Et quel quoi qui sort comme production PCVR? Il y a pas grand chose. Il y en a certainement des biens, mais attends. Factuellement, il y a quoi qui sort comme production PCVR? Il y a des jeux de cul qui sortent encore. Je parle de vrais jeux. Il y a eu Vertigo 2, Wanderer. Vertigo 2. Non, mais c'est clairement mort en ce moment. C'est les mods qui font survivre le PCVR. Voilà. On va pas se mentir. Par contre, je suis pas trop d'accord sur le côté où les géants ont tous abandonné. Non, j'ai l'impression qu'ils ont redéfini. Ils ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné, ils sont toujours là. Non, mais ça, c'est un discours politique, Raves. Ils n'ont pas abandonné, ils ont redéfini. Non, mais regarde, aujourd'hui, on est sur le marché avec ByteDance. Meta, ils sortent leur Quest 3, ils ont sorti un Quest Pro qui était super cher avant. Le marché de la VR, il s'est jamais mieux porté. T'as vu ce qui est proposé sur Pico? T'as vu ce qui est proposé sur Pico? T'as vu un petit peu ce qu'il y a sur Pico Vidéo, par exemple? C'est l'eau du pompage et du piratage, ce truc. Enfin. Pico, tu le mets en verlan, c'est copie. Hein. Ah non, mais c'est j'assume cette phrase, tu vois. Ouais, non, mais c'est bien vu. Et franchement, le casque te gueule dessus tout le temps. Piratage. Que ce soit dans son contenu officiel ou s'il te propose. C'est que de la récupération d'assets, c'est que de la récupération de tout et n'importe quoi. Moi franchement, je suis un peu choqué par ce, et j'aime beaucoup ce casque, hein. Pas que ça non plus, tu vois, ils ont quand même créé des trucs, faut en rendre. J'aime beaucoup ce casque, hein. mais vraiment c'est très bizarre ce casque. Je voulais dire, c'est que sur le marché, quand même, aujourd'hui, enfin, en 2016, on a eu un énorme engouement, mais c'était surtout un engouement médiatique et des grandes entreprises qui, bah, tu l'avais mis, je crois, Laurent, sur un article, la courbe de Gartner, je crois, c'est ça. Oui, exactement. Oui, la courbe de l'hype. Bon, bah, maintenant, ça s'est cassé la gueule. On a eu le même effet avec tout ce qui est NFT, métavers, etc. Ok, maintenant, tout ça, c'est pareil, ça s'est cassé la gueule, tant mieux. Mais par contre, les acteurs n'ont jamais été autant présents. Et le marché et les développeurs gagnent enfin de l'argent. Et ça, c'est important. C'est parce que quand tu regardais tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, de 2016, on va dire, quand c'est sorti, jusqu'à aller à peu près 2020, on avait plein de beaux projets, que ce soit en PCVR, que ce soit sur PlayStation VR et sur le Quest. On avait plein de développeurs qui commençaient à se mettre dessus. Non, mais qui a tué le PCVR ? Pardon ? Je dis, qui a tué le PCVR ? Mais en fait, c'est l'industrie d'elle-même, tu vois. Il fallait bien que le marché se fasse. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes les studios de l'époque, ils sont tous cassés la gueule. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez de ventes. Et un marché, il est viable uniquement si les gens qui participent dans ce marché peuvent faire de l'argent. Sinon, le marché, il ne fonctionne pas. Et tu as plein de studios qui se sont cassés la gueule les uns après les autres. Des déclarations comme le mec de CCP Games qui disait « Ouais, la VR, ça pue la mort. De toute façon, il n'y a pas d'argent là-dessus à faire. » Et tu en as eu plein des déclarations comme ça de studios qui se sont lancés et qui ont investi des moyens là-dedans, car ceux qu'on fait Medal of Honor sur PC et Respawn, ils ont fait ça, hop, c'est fini, on abandonne. Il y en a plein des studios comme ça qui ont fait des essais, et qui ont fait des essais en dépensant beaucoup d'argent, et ça, ils se sont cassés la gueule. Pourquoi ? Parce que bah, ils n'ont pas pu trouver un modèle économique viable. Et maintenant, aujourd'hui, on n'a pas un modèle économique viable pour les gros studios, parce que ça représente encore certainement trop de pertes pour l'investissement qu'ils veulent mettre. Par contre, tous les petits studios, ils peuvent commencer à en vivre. Et aujourd'hui, on a des studios maintenant qui balancent des chiffres régulièrement. Et clairement, le Quest, ça a tué le PlayStation VR et ça a tué le PCVR pour le moment. Mais par contre, ça va avoir un effet rebond, parce que en fait, les studios qui ont pu faire de l'argent sur le Quest, parce qu'il y avait énormément de monde, c'est 20 millions de ventes, hein, le Quest 2 quand même, ben, ces studios ont trouvé un modèle économique et maintenant ils peuvent monter une pierre l'une après l'autre. C'est Wanadev, là en ce moment, je discute beaucoup avec eux, ils vont faire propagation sur le PlayStation VR 2 et en fait, chaque jeu qu'ils créent leur permet de financer leur prochain jeu. Et du coup, ça représente un modèle économique viable. Et oui, non, mais pour ça, c'est arriver le principe... à ce modèle non, économique, il a fallu que le Quest... Bah, ça, c'est le principe de tous les studios. Proposer des jeux certes moins jolis, mais une accessibilité non, moi, disponible moi, au grand perso, public. Perso, je ferai attention quand même au retour de Boomerang, quand même le Quest 2 avait comme promesse de... Enfin, les casques autonomes, mais surtout le Quest 2, avait quand même l'intérêt de pouvoir à la fois jouer en autonome et à la fois jouer sur PCVR. Et en plus, le fait qu'il soit autonome, il a touché toute une partie de joueurs casual, ou pas forcément jeux vidéo, des gens qui ont voulu faire du sport et plein d'activités comme ça. Très large. Du coup, il a fait, quand on sait qu'il y a 3,5 milliards de PCistes dans le monde, sans compter les casual qui ne prennent le casque juste pour jouer au casque, le marché est énorme. Mais quand je parle d'effet boomerang, c'est quelle est la partie de casual qui doit être énorme ? Ça doit être un pourcentage de dingue par rapport. Ouais. Et quel sera le pourcentage de joueurs PC qui ont pris un Quest en se disant c'est cool parce qu'avec ce cas je peux jouer à la fois avec mon PC et à la fois en autonome, et qui ne prendront pas forcément un Quest 3 parce qu'ils se sont dit de toute façon il n'y a plus rien sur PC. Est-ce que les ventes de Quest 2 ne pourraient pas être décevantes ? 3. Les ventes de 3 Quest 3, tu veux 3, dire 3, 3, 3, oui. Ouais. Ben, ça va être à Meta de gérer sa communication là-dessus, de toute façon. Maintenant, Meta, on le sait, hein, ils visent principalement tout ce qui est aspect social, etc. C'est leur cœur d'activité. Et du coup, le Quest 3, il va être très orienté réalité augmentée, enfin réalité mixte, et on va voir ce qu'ils vont en faire. Mais on n'aime pas ça. Non. Mais ça, on verra bien. On n'est pas Madame Irma. Hein. On en a aussi parlé à Rames entre nous. Comment tu expliques qu'aujourd'hui la plus grosse faiblesse de l'autonome, c'est la puissance et l'autonomie ? Comment tu expliques qu'il n'y ait pas l'eye tracking, donc qui ne permet pas de rendu faux VL, du coup, et que plus ou moins, même si vraisemblablement c'est pas su de manière officielle, il n'y ait pas d'évolution et de nouvelle génération de puces graphiques ? Sur un nouveau casque. Quoi ? Bah si, bien sûr que si. A priori, il y en aura. Non, mais c'est la même. Mais c'est une custom, comme c'est une custom pour le Quest Pro. Mais on n'est pas sur une nouvelle génération. On est sur quelque chose qui est déjà existant, avec le même niveau de gravure. Alors, ce ne sera pas la même puce que le Quest Pro. Déjà, le Quest Pro, c'est la XR2 Gen 1. Ouais. Gen, c'est la XR2 plus Gen 1. Et là, ce sera la XR2 Gen 2. Donc, c'est vraiment une autre puce. C'est pas juste. On remet. Non, mais c'est une XR2. Certains socles différents, etc. C'est une XR2. Non, mais ça, par exemple, tu vois, je comprends pas pourquoi Meta continue. Enfin, Meta, c'est avec Qualcomm hein, qui développe ça. Et d'ailleurs, Qualcomm développe sa propre puce aussi. Mais non, c'est clairement une nouvelle puce. C'est pas juste un petit upgrade la comme XR3, ça, de 10%, ça etc. Plus de temps, je pense. Mais l'autonome, de toute façon, dans tous les cas, même s'ils te mettent une 3080 dans un casque autonome, ça ne réglera jamais le seul et vrai unique problème d'un casque autonome, c'est l'alimentation. Une puce, tu l'alimentes avec une batterie. Non, mais ça, si tu veux mettre quelque chose de plus puissant, il ne faut pas mettre une batterie à l'intérieur. C'est une vraie alim qu'il faut mettre. Et ça, tu ne peux pas dans un casque autonome. Donc il y aura toujours ce problème. La réponse, ça va être éventuellement le cloud gaming, ce genre de choses. On n'a pas du tout pour le moment les infrastructures, en tout cas chez nous. Ouais. Visiblement, pas non plus chez Laurent. C'est pas ce que j'en ai compris. Mais, même avec une. Le casque une fibre autonome, il se porte déboulé, c'est clair. Ils n'arriveront pas à s'en débarrasser. Après, est-ce que Meta va réussir à recréer de l'engouement avec un Quest 3? On verra bien. C'est à eux de le faire. Là, le danger. Et je pense qu'ils y arriveront parce que. On sait qu'il y a un GTA San Andreas qui va sortir. Tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure de AAA, les modes, on aimerait tous bien voir Cyberpunk, Red Dead 2, etc. Les AAA de l'époque, eh bien, ils arrivent sur Quest 2. On s'en fout. On a du GTA San Andreas c'est qui arrive jeux sur qui Quest ont 2. Temps. On a Resident Evil 4 qui arrive sur Quest 2, enfin, qui est arrivé sur Quest 2, qui a tout est cartonné. Oui, mais ça a 20 ans. Et en fait, je pense que l'autonome va apporter tous ces jeux-là, va non, refaire une nouvelle vie à plein de vieux jeux. C'est des jeux qui ont 20 ans. Oui, mais sauf que ces jeux-là, pareil avec le PSVR 2, ils n'arriveront pas à toucher, les gamers, quoi. Enfin, pas la masse. Je parle pas de ceux qui aiment bien les jeux. Ce qui fait un petit peu peur, c'est pour pas nous, ça qui va VR, apporter une réponse. On a l'impression que le grand public adhérera le jour où il n'y aura plus aucune barrière, aussi bien technologique que tarifaire, que le sans fil. En fait, même, je pense pas qu'ils adhéreront. Voilà, c'est totalement. Ça. Non, parce que ouais, voilà, là tu vois, on discute tout, on est sur un PC. Hein. Pardon, je te coupe, je te redonne l'arme juste après. Mais là, on est sur un PC. Moi, j'ai ma petite tasse sur le côté. Je peux vous voir. Dès que j'ai envie de tourner les yeux de l'écran, je peux le faire, etc. La VR, quand t'en fais, c'est comme quand tu vas à la salle de sport, tu vois. Et le syndrome de la salle de sport, on le connaît tous. C'est-à-dire, t'es content quand il y est, mais quand faut le faire. Quand faut y aller, le cul des meufs. T'as un gros coup de démotivation. La VR, c'est pareil, tu vois. Et nous, on est gros acharnés, on est des gros passionnés, on aime ça, et du coup, c'est bon, on l'a plus ce syndrome-là. Il faut régler. Mais les trois quarts des gens qui achètent un casque. Je suis pas d'accord non plus. Ça vaut pour de la VR motion gaming, ça vaut pas pour de la VR canapé manette. C'est pas vrai. Ah si, complètement. Attends, quand t'es assis dans ton canapé, t'as que la tête à tourner. Très sincèrement, t'es assis dans ton canapé, tu mets ton casque. Tu vois, tu joues à un jeu tranquille, tu peux pas détourner les yeux de l'écran. Tu peux pas. Donc, jouer 2 heures avec ton casque assis dans ton canapé, c'est pas aussi fatigant que jouer 2 heures assis dans ton canapé devant une télé. Parce que devant ta télé, tu peux prendre ta pause, tu peux rouler ta clope tranquille, tu peux boire un coup. Si t'as le chat qui te passe pour poser sur les genoux et que t'as envie de le caresser 2 secondes, tu peux le faire. T'as des moments où tu peux respirer. Quand t'es en VR, tu fais pas ça. Oui, mais d'où la barrière aussi du confort. Le jour où les casques seront vraiment totalement sans gêne, donc très très très light, avec un passou très très très très évolué. Oui, c'est pour ça, c'est pas tout de suite. Et j'ai un peu peur, moi perso, que le grand public adhérera uniquement quand il n'y aura plus aucune barrière. Parce que le moindre truc, ça les freine. Pour le moindre petit truc, ils ont envie de faire aucun effort. Nous, on est prêt à faire ces efforts-là parce qu'on a, on aime cette technologie-là et on les fera quoi qu'il arrive. Mais le grand public, le prix est trop cher. Le confort est pas là, les jeux sont pas beaux. Il y a vomir. Toujours quelque chose. Il y a pas. Mais non, mais il y a ça fait vomir. Des insatisfaits, il y en aura toujours. Et les ça, barrières ça arrivera, mais c'est ça. On aura de la VR comme dans le film Strange Days, c'est-à-dire que ça sera directement injecté là-dedans, là il n'y aura plus de barrières. Technologiquement, on en est encore loin, malgré tout. Si vraiment on a. Non, mais le jour où c'est ça, j'y jouerai plus. Je pense que je vais appeler ce podcast Extrapolation. Non, mais j'en suis pas là, moi j'en suis plus à me questionner sur quand est-ce qu'il n'y a pas eu un effet de mode, pas forcément de joueur, mais plutôt casual geek, qui ont pris un Quest 2 parce qu'il y avait de l'engouement, et est-ce que ces gens-là vont renouveler, c'est ça la question qu'on n'a pas, est-ce qu'ils vont renouveler sur le Quest 3, c'est ça, et est-ce qu'ils ne vont pas perdre tous ces joueurs PC qui ont pris un Quest 2 en voyant le truc, oh cool, je vais pouvoir jouer avec mon PC avec, en plus, donc perdre cette partie, et en plus, perdre des geeks qui l'ont pris parce que c'était un chouette truc, et qui ne vont pas suivre et qui pourraient envisager tout d'un coup, quand va arriver Noël prochain, ben, des mauvaises ventes du Quest 3. Et alors là, dans ce cas-là, je pense que Zuckerberg il pourrait bien finir comme Steve Jobs et se faire virer par son conseil d'administration. Parce que même la VR en général. Donc ça peut se casser la gueule, c'est pas solide. Et si Facebook n'est plus là, PlayStation ne sera plus là. Donc c'est quand même tout un équilibre. C'est un château de cartes qui est quand même encore pas très très solide. C'est pour ça que je tiens à soutenir. Il y a Apple. Apple peuvent se planter aussi. Ils ont déjà fait des produits qui se sont cassés la gueule. Je les sens vraiment. Bah moi je. Ils peuvent exploser aussi. On sait même pas où ils vont en fait. Donc tu sais même pas ce qu'ils vont faire. Ils vont sur un casque à 3000 balles qui est fait pour les développeurs. Donc la couverture de la presse va être. Ça va tailler déjà. Ça va être un festival, ouais. Bon, surtout, on va s'armer, on va sortir les boucliers encore, et puis on va essayer de revendre le truc. Hein. Bah, ça peut être tout ou l'inverse. Ça peut être la catastrophe et repartir comme on s'est tapé depuis 2016, c'est-à-dire un énorme engouement. Vague qui retombe aussi vite qu'elle est arrivée. Maintenant, aujourd'hui, il y a des développeurs qui font de l'argent. Parce qu'on a quand même atteint un palier de joueurs qui permet d'avoir un modèle économique. Et si on n'aura pas des gros jeux forcément tous les 4 matins, ben on aura quand même les petits studios qui se sont cassés un petit peu les dents sur un Quest. Et qui, en faisant des jeux certes pas ouf, mais qui ont créé des gameplays nouveaux. Ils vont pouvoir le réutiliser pour des projets de plus en plus ambitieux et ainsi de suite. De plus en plus ambitieux, mais toujours limité techniquement par le hardware. Si on reste toujours sur une base, et comme disait Laurent, si jamais le Quest 3 se vend pas. Tout ce que tu restes sur une base de Quest 2, donc ton modèle économique il est full Quest 2, et du coup ça avancera pas. Donc les petits jeux de merde, comme tu parles des petits studios, ça continuera si tu veux. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ils en ont marre de ça. Non mais c'est vrai, quand je dis petits jeux de merde, je parle de Across the Valley, je parle de Afterlife VR là, que El Rocco a testé il y a pas longtemps. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ok, c'est des joueurs, ok, c'est des développeurs pardon, qui débutent. Ok, c'est des jeux qui sont pas chers, mais c'est chiant, si tu veux. Ça, c'était bien en 2016, parce que tu découvrais, c'est formidable, je suis dans le jeu, tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, c'est bien fini. Sûr, mais après, ils sont pas c'est tous, plus qu'on cherche. Tous à ce niveau-là, tu vois. Ah non, il y en a des très bien. Regarde, t'as des studios. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, tu veux qu'on parle de Blade & Sorcery ? Tu veux qu'on parle de Blade & Sorcery ? Qui est un scandale monstrueux sur Autonome. C'est une honte, ce jeu. C'est une honte. Désolé, je lui ai fait essayer sur Pico. C'est une honte. t'as bien fait. C'est compliqué. Mais c'est une honte. C'est une honte. Il y a Walkabout Midwolf qui est très bien. C'est un jeu qui jouit d'une réputation formidable sur PC. Et sur Autonome, c'est une honte. Ça devrait pas exister. Mais c'est fait pour l'autonome. Il a été fait sur PCVR d'abord, et ensuite il a été porté sur Autonome. C'était complètement difficile de faire ça. C'est arrivé à la fin. Donc bref, tout ça pour dire que c'est la merde de toute façon. C'est la merde. Remplis ma tasse. D'où, mais tester autre chose, balancer. Non mais c'est pour ça qu'on insiste encore une fois sur le fait de putain, mettez-nous des jeux qui existent déjà, foutez un mode VR, vous l'adaptez. Et les gens seront contents. L'erreur surtout, c'est de ne pas mettre tous les joueurs dans le même panier. Quoi. Et tu prends, le catalogue PlayStation 4, je veux dire, de tu ne peux pas mettre tous les utilisateurs. Sur PSVR 2, tu ne peux pas faire de concession finalement. Hein, tu l'envoies tel quel, tu n'as pas besoin de faire du downground pour qu'il tourne bien. Tous les jeux du PS4 tourneront facilement sur le PS5 en VR 2. La presse sera là pour dire voilà, ils recyclent les jeux VR, voilà, et ce sera toujours. T'auras toujours. Mais c'est pas grave, ça va ouvrir le marché. Ça va ouvrir le marché. Mais c'est pour ça que je dis ne pas recycler des vieux jeux, mais inclure ça dans les processus de développement des futurs jeux. Parce que comme ça, cet argument, il sera fini. Pour les futurs jeux, en fait. Et tu vois. Et tu vois, tu parlais des petits développeurs. C'est prévu quand ils avaient fait leur conférence, je sais plus quoi, entre leurs actionnaires. C'est quand ils avaient fait une sorte de présentation en. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ça reste. On n'a pas. On n'est pas sûr de ça. Mais ça vient quand même de sources solides, quoi. Digital Foundry, c'est pas. Les futurs jeux qu'on va peut-être avoir d'ailleurs à l'E3, là, parce que. Ou l'E3, le Summer Game Fest. La période de l'E3. Peut-être que là, on espère avoir des surprises. Après, si vraiment là, on n'a pas quelques annonces, là, il faudra vraiment se poser, je pense, des grosses questions. Parce que c'est maintenant ou jamais, en fait. S'ils se lancent, c'est tout de suite. Perso, je pars en panique si à Noël prochain, on n'a rien eu, quoi. Et là, je pense qu'on sera beaucoup moins cool. Ah, si à Noël prochain, on n'a rien eu, ça pue. Voilà. Là, ça pue. Ça, la pue, bah, ça, ça veut dire qu'on va retourner en 2020, c'est-à-dire y compris pour les joueurs PC. Des jeux autonomes. Il n'y aura plus cet équilibre qu'on avait pendant une période où on avait et des jeux PlayStation, et des jeux Quest, et des jeux PC, et tout le monde était content parce que bah, non, mais ça fait longtemps qu'on l'a perdu. Bah, oui, c'est ça, ouais. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et c'est. Il y a un danger. Il y a un danger. Et bien sur cette parole optimiste, comment rebondir là-dessus est-ce que tu as un sujet un petit peu plus... Oui, moi je voulais parler des jeux PlayStation VR 2 qui sont plus beaux que les jeux PC. Ah oui, voilà, exactement. Ah, voilà, on veut ça. Parce que du coup... C'est pour ça qu'il voulait parler de No Man's Sky, moi. Attends, bah, ça tombe très très bien. Ça tombe très très bien. Non, quand même, cherchez l'autre. Plus beau qu'en PC. Ah mais parce qu'il a joué en Pico. Cherchez l'autre. PC. Cherchez l'autre. Il y a No Man's Sky. No Man's Sky est plus beau sur PC que sur PSVR. Le deuxième, c'est quoi? Songin the Smoke. Ouais, voilà, putain, vous êtes trop fort. Allez. Et donc, du coup... Songin the Smoke, ça fait plaisir. Et donc, du coup, Majo a eu l'occasion de le tester aussi sur le PC, quoi. Donc Song in the Smoke est la version Oculus, donc Oculus PC, et No Man's Sky la version PC Steam que je t'ai... Et donc du coup t'as été agréablement surpris sur quelques points. Alors ben, Song in the Smoke, bah, il est... Alors, c'est pas qu'il est vraiment moins beau en fait, mais c'est surtout c'est là où on voit ce qu'apporte le PSVR 2. Alors du coup on l'a testé sur le Rift S. Ouais. Qui est un casque au demeurant qui m'a beaucoup surpris, qui est un parce bon que casque. Très confortable et très qualitatif en termes de. À part de le fauve, il est super. Voilà. Et il y a que le fauve qui est tout petit. Et puis la résolution qui est pas terrible. Ouais, bah, ouais, de près ça va. C'est de loin, bon, ouais, à la limite. Et c'est pour ça qu'on a voulu essayer le Pico 4, mais c'était encore pire. Et du coup, tout ça pour dire que Song in the Smoke profite en fait énormément de l'OLED et du HDR en fait, et ça fait vraiment toute la différence sur cette version PSVR 2. Et donc du coup c'est ce qui me fait dire que la version PSVR 2 est beaucoup plus belle que cette version PC. Et ensuite deuxièmement, alors No Man's Sky, je voulais voir à quoi ça ressemblait, alors c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion de le faire, je voulais voir à quoi ça ressemblait donc sur PC, et j'ai pu le comparer à la version PSVR 2, et on est donc bien entendu sur une version qui est nette de chez net sur PC, et qui n'a rien à voir avec la version PSVR 2. Sauf que... Et ben en fait, exactement. La version PSVR 2 est beaucoup plus fournie, du moins visuellement, en termes d'ambiance et de tout ce qu'il peut y avoir autour, que cette version PCVR, quoi. Et j'ai été plutôt surpris de ça finalement. Et ce que tu m'as dit, c'est que vraiment déjà il y a une différence entre la version PS4 sur PSVR sur la PS5. Oui. Là on est sur la résolution. Et la version PSVR 2 pure et dure, quoi. Oui. Ouais, mais ça c'est ce que j'avais expliqué dans le pod d'avant, c'est qu'il y a cette espèce de phénomène de dôme en fait. Sur la version PS4, où quand t'avances, en fait, le dôme te suit, si tu veux, et fait apparaître tout ce que tu as autour de toi. Ça, c'est une chose qui n'existe plus donc sur la version PSVR 2, où tu as, enfin, ou peut-être qu'il existe, mais on la voit pas de la même manière, si tu veux, ou alors cette vision est plus large et tu as un affichage au loin, enfin, une densité d'éléments, au loin, qui est plus importante. Chose que tu n'as pas donc du coup sur cette version PC. Que je trouve beaucoup plus light. Alors après, j'étais pas sur une planète tropicale, on était sur une planète rocheuse, mais on était quand même sur quelque chose de très épuré, si tu veux. C'est toi, les planètes rocheuses ? Non, mais je connais rien. No Man's Sky. On était quand même sur quelque chose d'assez épuré, mais encore une fois, qui est moins vivant et moins touffu que ce que tu as sur le PSVR 2. Et du coup, bah, c'est là où il y a eu le patch récemment qui améliore du coup quand même, qui améliore grandement par rapport à ce que c'était à la sortie. Mais je pense qu'il y a encore un compromis qui doit être fait. D'une bouillie de pixels, on passe à un truc flou. Disons qu'on passe. Non, on passe à un truc qui est beaucoup plus gazé. J'ai l'impression que c'est pire. Moi, je voyais pas les défauts avant. Mais c'est parce que c'était flou, tu voyais rien. Sauf que là aujourd'hui, en fait, tu vois l'aliasing, mais sans voir les textures. Alors, du coup, c'est un peu particulier. Enfin, j'avoue, je sais pas trop comment ils ont fait. C'est pas encore. Mais il y a encore quelque chose à faire. Du coup, c'est mauvais dans les deux cas. Bah, c'est ça. Exactement. Exactement. Mais quand je vois cette version PC qui est ultra nette, je me dis putain, mais c'est pas possible. Il y a un problème de ratio et de compromis. Enfin, il y a un truc qui est pas bon dans l'équation. Et du coup. Là encore une fois, ça me fait dire que bon, ben le PSVR 2 et les jeux du coup sur PS5 sont pas optimisés comme ils le devraient et sont capables de faire beaucoup plus, quoi. Voilà, oui. Et puis d'ailleurs, à ce sujet, un truc que j'adore que Sei a installé dans son PC, c'est un petit truc avec plein de loupiottes. Et quand on fait tourner un jeu, ça t'indique à combien le processeur est utilisé. Ah, tu veux dire la carte graphique, ah, SteamVR. Ouais. La carte graphique, ouais. En fait, elle devient rouge quand elle est au-dessus de l'écran. Et du coup, tu t'aperçois que sur certains jeux, sur des jeux comme ça, par exemple, la 3090, elle est à 25%. Donc tu te dis sur une PS5, en plus c'est low game sans rendu faux réel. Ouais, sans rendu, et en plus c'est low game, j'ai confiance quand même à ce studio parce qu'ils ont bien souvent sorti des trucs et puis petit à petit ça se... donc je pense que on va bientôt avoir un truc correct, quoi, mais c'est vrai que ça fait un peu rager. Je sais pas, hein, parce que No Man's Sky, autant je trouve que le studio a fait un travail de ouf par rapport à l'époque de la sortie du jeu et que voilà, ils se sont rachetés clairement une réputation, et même plus encore, ils ont pris des DLC de réputation. Mais par contre, les fuites de mémoire sur No Man's Sky, elles sont toujours présentes et depuis le premier jour, et ça. C'est lié au moteur. Peux avoir une 10090 Ti si t'as des fuites de mémoire. Non, mais le jeu est quand même incroyable dans sa gestion. Quand tu compares. Je parle en termes d'optimisation, je parle pas sur le jeu en lui-même, etc. Tu vois, non, c'est le moteur. C'est le moteur. Oui, mais c'est pour ça que je dis la façon dont il a été conçu. Le truc, il peut forcément pas être parfait à partir du moment où il a quand même tout un tas de données énormes à gérer constamment. Non, mais moi je parle juste de la netteté. Ah non, mais même, écoute, dans le PSVR 2. Tu prends un League Dangerous, mais c'est. Mais No Man's Sky, c'est un petit jeu à côté en termes de taille, tu vois. Taille. Je te ferai ça, League Dangerous, tu vois. C'est dans la galaxie. J'en ai beaucoup entendu parler. La galaxie complète. La vraie galaxie de la nôtre. Je te le ferai essayer, si complète. Tu veux, c'est incroyable. C'est incroyable. Je l'ai pas installé. Et si tu veux aller au centre, mais t'as qu'une galaxie. Ça peut prendre 3 mois. Quoi. Non, mais il y a qu'une seule galaxie. Ah ouais, non mais No Man's Sky, t'as des milliards. Non mais No Man's Sky, t'as des milliards de galaxies. C'est invisitable tellement t'en as. Et tout est généré procéduralement. Ouais, je sais bien. Ouais, non mais je sais bien. Ah, c'est infini. Fais-lui essayer, pour qu'il comprenne, qu'il voie un petit peu les deux jeux. Mais et je sais plus pourquoi je disais ça d'ailleurs, l'optimisation, le jeu tu le fais tourner sur une 1060, le jeu. Et il est magnifique, hein, sur une 1060. Oh, il est joli, hein. Et tu peux te poser sur les planètes, maintenant tu peux faire tout un tas de choses. Il y a même un mode du coup maintenant vue FPS, etc. Enfin, tu peux faire plein de choses, ça n'a rien à voir en termes d'optimisation avec No Man's Sky. Elite Dangerous, je le fais tourner en 120 FPS sur mon Valve Index, nickel, quoi, ça ronronne du tonnerre. Et ça fait plaisir. Quand tu es à côté d'une étoile à neutrons, tu fais ah oui, c'est quand même. Et puis il y a des jolis effets quand même sur les Dangerous. C'est moins pulp que No Man's Sky. Est-ce que tu as tout cet aspect économique? Tu as tout cet aspect gestion de flotte, gestion de cargo, gestion de frégate, construction, craft. Tu as tout ça dans Elite Dangerous? Non, c'est pas les mêmes jeux. Donc c'est pas les mêmes jeux. Mais t'as d'autres aspects qui sont incroyables. Oui, puis non, mais on n'est pas. Non, ce que je veux dire, c'est que Elite Dangerous, techniquement, on n'est pas du tout sur le même type de jeu. Donc on n'est pas du tout sur la même gestion des ressources. C'est un jeu PS4, donc c'est un jeu PS5, mais en flat. Il est pas en VR. Là, c'est plutôt qu'on a déjà dans les mains la boîte de No Man's Sky sur PS5, PSVR2, et que on a été très déçu le 22 quand on l'a lancé. J'ai dit c'est pas possible. Et puis je me mettais surtout à la place des gens qui ont acheté le PSVR2 et qui n'ont acheté que ce jeu avec. Ils ont dû être dégoûtés. Je me mets à leur place. Ils ont envie de le jeter, le casque. Et là, on a quelques mises à jour, on a quelques améliorations. Quand on voit sur PC ce que ça donne, techniquement, je suis convaincu qu'ils peuvent faire un truc super solide, quoi. Pour l'instant, ça traîne, alors que ça aurait pas dû sortir dans cet état-là dès le premier jour. Ouais. Et le dernier jeu, du coup, parce que j'ai dit j'en ai deux, mais en fait il y en a trois. Alors c'est pas le même jeu là pour le coup, mais c'est un jeu de course. C'est que F1 2022, je le trouve moins mot et moins net que GT7. Tu m'en as parlé hier soir. Je suis pas. C'est pas quelque chose que j'ai constaté. Ben, remets-le. Ah non, mais j'ai joué à GT7 et justement, je me suis refoutu F1 2022 juste après, et F1 2022 sur le Rift S. Mis à part la résolution du casque du Rift S qui est moindre et que du coup, il y a un downgrade technique, on va dire, dû vraiment au Rift S. J'ai pas trouvé sinon que le jeu en lui-même était plus flou. Toi, tu m'as parlé justement les panneaux à 3 mètres ou à 6 mètres. La lecture des panneaux, c'était ça. C'est le panneau 150 que je voyais pas. Et ben, enfin, je sais pas, moi, c'est pas un truc qui me gêne plus que ça en fait dans un jeu. T'as pas joué suffisamment à GT7. Rejoue à GT7. J'ai l'impression que F1 2022, c'est pas non plus la référence des jeux de course en VR. Hein. Apparemment, au niveau d'optimisation. Super. Non. Ouais, au niveau de l'optimisation. Clairement pas un bébé d'optimisation. Voilà. Apparemment, j'ai entendu parler d'un petit jeu Grid Legend qui est pas mal. Oui. Comment ça, pour FN2 ils avaient fait un mod de la simulation. T'as par exemple, tu pourrais, je sais pas, t'as pas assez Assetto Corsa ou Project Cars 2. Non, j'ai Project Cars 1, j'ai Dirt 2, Assetto Corsa. Il n'y a pas d'autre concurrent sur Dirt 2, donc c'est t'es tout seul dessus. Ouais. Mais Project Cars 2 ou 1, même le 1, ouais, ça peut faire l'affaire. Une belle comparaison. Non, le 1 il est pas ouf. Hein. Et en plus, il a pas été conçu au départ pour être VR. Le 2, oui, mais et le 3 aussi, mais. Ouais, mais le 3 n'est clairement pas bien optimisé. Je l'ai relancé il n'y a pas longtemps. Il est clairement pas bien. Comparo aussi, et il est clairement pas bien. Non, par contre, là où. Donc on peut dire que GT7 est mieux alors du coup. Pour la défense de Majo. Et optimisé ou pas, on peut dire que GT7 est mieux. Pour la défense de Majo, il vient juste de sortir de 70 heures de GT. Factuellement, clairement pas. Attends, vous êtes en train de me dire que le truc est dégueulasse, qu'il est optimisé avec le cul et que GT7 est pas mieux. Non, on parle de F1. Attendez. Déjà, c'est pas le même jeu, c'est pas la même proposition. C'est de la Formule 1. Non, on parlait de Project Cars 3 là. Ah, Project Cars 3 C'est pas ça que vous avez dit? Non. Non, je sais pas, on a parlé de plein de trucs. Hein. Ah bon, d'accord. Ouais. Ouais. Moi, je parlais, ouais, Project Cars 2, Project Cars 3, t'as du Automobilista aussi. Enfin, ou Assetto Corsa, le Competition, ou l'autre. Enfin, c'est. Le truc, c'est que pour moi, le gros problème de GT7, le jeu est magnifique. Il en a pas. Je pense que je ferai une vidéo dessus, etc., pour faire un test. Mais, à un moment donné, je m'arrête et il y a une rivière sur le côté. Et quand tu joues à un Project Cars, tu t'arrêtes à n'importe quel endroit de la piste. Tu regardes l'herbe sur le côté, sur les détails, pas beau, c'est pas joli. Par contre, GT7, ouais, c'est beau. Mais tu joues à un jeu de course. Les détails sont beaux. Par contre, ce qui gâche pour moi l'expérience de jeu dans GT7, c'est la reprojection. Non. Et ça vient gâcher clairement le truc. Non, parce que dès que t'es en mouvement, tu vois que ça devient flou. Non, parce que ils l'ont corrigé en course. Et je l'ai vu sur. Alors, il y a eu un patch, mais je crois que ça doit être avec la dernière mise à jour qu'ils ont faite. Je crois qu'ils l'ont balancé en même temps. C'était hier, il y a eu la mise à jour il y a deux jours, ouais, mais j'ai pas. Ah non, bah alors tu vois, moi j'y ai pas joué depuis plus d'une semaine. Mais la dernière fois que je l'ai mis, la reprojection, tu l'as. Beaucoup moins en course, notamment quand tu regardes tes concurrents sur le côté et que tu les dépasses. Là où elle est toujours présente, par contre, c'est sur le replay. Là, c'est sûr que c'est. Là, par contre, c'est dégueulasse. Le mode replay en VR. Même en course, enfin, je trouve par exemple dans GT7, je trouve ça très confortable d'avoir un jeu très fluide. Franchement, moi, quand je joue sur un jeu de course, je suis obligé, si je veux avoir un jeu fluide, de vraiment d'activer la reprojection sur mon Valve Index. Si je le mets en 120 et que je mets pas de reprojection, ça, mon PC, il en peut plus, quoi. Par contre, si je mets de la reprojection et que là, je me mets en 120 FPS, c'est propre, j'ai pas de flou, j'ai pas de dédoublement, j'ai rien de tout ça. Et quand je suis sur GT7, c'est super fluide, tout aussi fluide, et donc c'est super confortable, j'adore ça. Du coup, la reprojection est activée par défaut parce que GT7 il est bloqué à 60 de base, donc tu as du 60 sur du 120, ça fait une sacrée reprojection. Et surtout, la reprojection de Sony. Alors, après, moi je dis ça parce que je suis joueur PC depuis 2017 et que la reprojection, je connais ça depuis 2017 du coup. Mais la reprojection en PC, la première fois qu'on en a parlé, je la voyais pas, je comprenais même pas ce que c'était. J'étais là, c'est plus fluide, c'est plus beau, mais je vois pas d'artefact particulier. Par contre, quand je mets sur PS5. Là, je la vois, ça me saute aux yeux, et ça me saute aux yeux violent. Je comprends, hein, que par exemple, c'est Gis qui disait que tu la voyais pas. Et ouais, je comprends tout à fait, parce que quand t'es habitué, t'as pas de point de comparaison. Le point de comparo, voilà, quand t'as pas de point de comparaison, tu vois. La reprojection, elle existe depuis 2016 sur le PC. Parce que j'arrive maintenant à voir quand je mets de la reprojection sur PC ou pas. J'arrive à détecter, je le vois, quoi. Et là, sur PS5. c'est waouh ça. De quoi, Majo? Je dis, on peut dire que j'en ai un point de comparaison, parce qu'on parlait de F1 2022. Enfin, je me répète pour dire que le jeu est pas plus beau que GT7. Enfin, oui, il y en a, mais il y en a à certains moments. Je te dis, quand tu vas regarder sur le côté, où en fait tu vas être à la même hauteur qu'un véhicule, ou quand tu le vois avancer, ben effectivement, tu vois que t'as un petit bout qui est légèrement avant, on va dire sur 2-3 cm, et effectivement, là tu vas le voir, mais sur le reste du temps, tu le vois pas. Ouais, mais lancer à 300 km/h sur une piste, vous avez le temps de voir ça, ou si, si. Mm-hmm. C'est le talent, ça. Je ne vois pas trop non plus, c'est vrai que ouais, c'est assez... Non, mais j'adore GT7. Moi, je suis concentré à pas me faire doubler. Mais quand je regarde mon cockpit, et que, par exemple, les écritures du cadran, je vois que elles bavent, c'est pas normal. C'est parce que ton... Ouais, tu veux et non, mon sweet spot, j'ai pas mis mon casque à l'envers. Ton sweet spot, il est au-dessus, en fait. Après ça peut être corrigé. Non, mais par exemple, tu vois, genre là j'ai un vieux casque. J'ai le Copy 3, tu vois. Le Copy 3, il a un display port. Et ben, pardon, Pico, ils sont très gentils. Le Copy 3, le Pico 3. Non, le Copy 3, ce sera bipé. Ça te va, bon, si tu veux. Bref, il a son display port. Bon, quand je mets Project Cars dessus, ou je mets un Assetto Corsa... alors, on n'est clairement pas sur le même niveau de détail dans le jeu. GT7, clairement, il a mis la barre bien plus haut, je trouve, que tous les autres que j'ai pu tester à ce jour. J'en ai testé pas mal, mais je les ai pas tous testés, tu vois. C'est-à-dire que si je m'arrête à côté d'une cascade, t'as des jolis effets de lumière sur la cascade. C'est un jeu si de course, on s'en fout. Les grains d'herbe, t'as des petits papillons limite qui peuvent voler. Enfin, presque. Des fois, t'as des petits détails comme ça, tu te dis putain, quand même, franchement, il est beau comme jeu, quoi. Mais oui, ou le feu d'artifice quand tu fais des courses. J'ai un flou de mouvement qui est constant, que j'ai pas sur ce Copy 3. Oui, mais donc du coup il est quand même beaucoup plus beau de base, donc c'est que ils ont fait quand même des sacrifices peut-être sur la reprojection. Ah ouais, c'est du bon boulot, ouais, complètement. Le jeu, moi, quand je compare, par exemple, j'ai fait quelques jeux de voiture, dont F1 2022, mais c'est avec, par contre j'ai que le Quest 2, quoi, branché en filaire, et du coup potentiellement, t'as de l'artefact pour dire, j'ai une 3070 Artefact. F1 2022, il est moins net que GT7, quoi. Je veux dire, les panneaux d'affichage, ouais, parce que les 150, 100, t'as, c'est ce que tu t'as de la quoi, 150, le 50, c'est impossible de lire. Parce que t'as de la compression, toi, en plus. Je n'arrive pas à les lire. T'as la compression en plus. On a justement. Ouais, c'est ça, c'est le problème. On a fait c'est le test. Sur le Discord, on a fait le test, justement, là, Majo, il a essayé Red Dead avec le Rift S. Et avec le Quest. Donc, filaire direct. Et. Et puis après, je lui ai foutu le Pico 4 pour vraiment, voilà, la même zone de jeu, même luminosité, et donc du coup... Oh bah, de toute façon, qui est la luminosité ou la zone de jeu, c'est dégueulasse, quoi. Ah, le Rift S est au-dessus. Hein. C'est, t'as de la compression partout, et je disais, t'as de la compression même à 2 mètres sur le ce qui manque, c'est un cheval, quoi. Il manque un Rift S 2. C'est le Rift S 2, en fait, moi que j'attends. Non, bon. Il manque un câble DisplayPort. C'est pas un Rift. J'aurais jamais. il manque un câble DisplayPort, c'est tout. Tu peux faire de l'autonome qui soit filaire. C'est justement le meilleur des deux mondes. Mais par contre, faut faire une bonne connexion filaire. Ça, c'est de la merde. Et en plus, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut parler du fait que même connecté en filaire, tu sois obligé d'avoir un réseau Wi-Fi? D'être connecté en Wi-Fi, Non, pas du tout. Ah non. Ah bah, d'après ce que tu me disais. Pas forcément. Bah, pourtant, pour voir Virtual Desktop, t'es obligé de passer par le réseau Wi-Fi. Ah bah oui, parce que Virtual Desktop, c'est une solution sans fil. Mais quel est l'intérêt? Non, mais excusez-moi, les gars, mais assistant de Pico qui est native. Tu branches en câble, en fait. Ah, mais le truc, c'est qu'après, il y a quand même pas mal de choses, comme par exemple tout ce qui est sur Oculus, ou tout ce qui est modé, ou tout ce qui est un petit peu en dehors. Bien là, sûr, par contre, mais ça c'est parce que Oculus est une plateforme fermée. Et tu vois, quand tu dis que Pico, par exemple, c'est de la merde, parce que sur Steam, il n'y a pas... Bon, on dévie carrément du PlayStation VR de l'un. Oh bah oui, on s'en fout. Je m'en vais, allez, au revoir. On s'en fout. Ouais. Mais quand tu dis que c'est de la merde parce que t'as des jeux où t'as pas le bouton menu qui fonctionne, etc. Effectivement, non, j'ai pas dit que c'est ça. Il faut le remapper soi-même. Oui. Et c'est un peu casse-couille. Oui, non, et surtout, je n'ai pas trouvé l'option pour le faire. Et je te l'avais demandé à MP et j'ai pas trouvé. Ouais, alors sur Virtual Desktop, j'ai regardé et je la trouve plus. Je sais qu'elle y était, j'en suis sûr. Je l'ai activé. C'est bien le PCVR, sinon. Test, d'ailleurs, c'est facile. Que j'ai plug and play. Je l'avais trollé, toi. Je sais. Non, mais je sais que Guy Godin, le gars qui fait Virtual Desktop, il a fait des modifications et je sais pas exactement à quoi il a touché, je sais plus. T'as une option, ça marche. Cette option existait. Ouais, mais par contre, tu peux le faire sur SteamVR. Sur SteamVR, en plus, maintenant, t'as des trucs, c'est même super simple. sur Steam VR, tu peux émuler tes contrôleurs comme des contrôleurs de Rift. J'essaie aussi et ça ne marche pas non plus. Il y a un truc tu le fais à la main. Après c'est notre popote, hein. Ça, je trouverai une solution. Ce que je voulais dire, c'est que tu vois, ça, en fait, Pico, il est plus compatible que le Quest de base sur Steam. Parce que le Quest, en fait, il faut savoir que c'est Valve qui s'occupe de rendre compatible le Quest sur Steam. Et ça a toujours été le cas avec Oculus. Alors, Valve et Oculus ne se sont jamais entendus là-dessus. À chaque fois que, par exemple, si tu trouves que tous les jeux sont compatibles avec le Rift ou avec le Quest, c'est normal parce que c'est le même mapping des touches qu'un Rift CV1, donc un casque qui est sorti en 2016. Il n'y a pas eu d'évolution sur le mapping des touches, ni au niveau des drivers, ce genre de choses, en ce qui concerne le binding. Et du coup, si ça fonctionne, c'est parce que tous les développeurs, ils ont déjà implémenté tous les contrôles pour le CV1 à l'époque, qui a été un très bon casque. Et c'est Steam qui a fait ce travail-là. Ça n'a jamais été Oculus. C'est Steam qui a toujours... Enfin, c'est Valve qui a toujours fait ce boulot-là. Et du coup, là, le problème, c'est que le Pico, il sort plus tard. Et on se retrouve avec exactement le même problème que le PSVR 2 et le PSVR 1. C'est que tu as des jeux qui ne sont pas compatibles, tout simplement parce que tu passes au bout d'un moment donné sur un autre écosystème. Et du coup, les développeurs qui ont sorti des jeux, je ne sais pas, en 2018... ils vont pas être compatibles forcément très très bien avec le Pico parce qu'ils ont pas fait le mapping des touches pour le Pico. T'as des jeux aussi comme Retribution quand même qui a mis apparemment maintenant ça fonctionne avec Virtual Desktop qui ne fonctionnait pas parce que tu pouvais rentrer dans le jeu. Mais là encore une fois, Virtual Desktop c'est un programme externe. Tu pouvais rentrer dans le jeu. Et du coup, si tu mets ton Pico 4 en filaire sur Steam, ça marche. Avec le streaming assistant, ouais. L'application de Pico. Ouais, mais par contre, si tu utilises Virtual Desktop, ça ne fonctionne pas. Mais là, du coup, c'est pas Pico le responsable. Mais c'est Guy Godin, parce que c'est lui qui fait le bridge entre les deux. Non, c'est un peu le bordel, ouais. C'est un peu le bordel. Mais tu veux essayer? Mais du coup, c'est quand même pour moi le Pico 4 un casque qui a vraiment le cul entre deux chaises en fait, qui n'est pas utilisable à son plein potentiel. Le DisplayPort. À 100%. Et ça, c'est la compression. Hein. C'est comme un Quest 2. C'est tellement dommage. Je trouve que ça m'a moins choqué. Ça m'a moins choqué parce que j'essaie qu'avec VR aussi. Ça m'avait moins choqué sur le Quest 2. C'est la compression et les artefacts sur Quest 2. Ouais. Alors, Virtual Desktop et la compression de Virtual Desktop et la compression du Quest sont pas totalement les mêmes. Et sur certains jeux, j'ai des bien meilleurs résultats en utilisant AirLink, donc la compression native d'Oculus. Et sur d'autres jeux, j'ai de bien meilleurs résultats avec Virtual Desktop. Ça dépend vraiment un peu des... Ça dépend vraiment des options. Et du coup, malheureusement, c'est pas parfait. Et puis, dans tous les cas, il y a de la compression. Et ça reste emmerdant, quoi. C'est pas parfait. On est d'accord. C'est pas parfait. Ça sera toujours comme ça. C'est un peu dommage. Tant que les problèmes de débit en AirLink ne seront pas résolus. Latence, tout ça, c'est... Moi je voulais vous poser une question individuellement, en fait. Vous, vu l'état actuel un petit peu du marché et de ce qui se passe en ce moment en réalité virtuelle, par exemple, toi, Daorp, comment est-ce que tu vois un peu le futur et qu'est-ce que tu voudrais voir concrètement en VR, dans les deux prochaines années sur ton PSVR 2? Et là, je parle vraiment pas de la VR PC, mais vraiment, même global, mais vraiment PSVR 2. Qu'est-ce que tu voudrais vraiment concrètement? Déjà, sur l'optimisme futur, comme vous disiez, il y a eu le lancement, ils ont annoncé plein de trucs, on a testé des bons jeux. Et puis là, après, il y a des trucs qui sortent un peu en douce. Il y en a un qui a mis sur le Discord des captures d'écran du PlayStation Store avec des trucs annoncés. Il n'y a pas d'horizon et puis on ne sait pas ce que ça va valoir non plus. Il n'y a pas de blockbuster au niveau d'Horizon ou de Resident Evil ou de Gran Turismo. On a l'impression que c'est vraiment flou. Le PSVR vient d'être... On va en mettre le flou sous le choix du lexique. C'est le sweet spot, c'est ça. Choisis mieux tes mots. Chier avec le flou. Oui, du coup, j'ai perdu le fil. Tu voudrais augmenter la résolution du PSVR 2. Oui, et du store aussi. En une phrase, il a remis le flou et le fil. Pas mal. Il vient d'être mis en vente là, grand public, j'ai cru comprendre là. Sur Amazon. Bientôt en mai, a priori. À partir du 12 mai aux États-Unis, je crois. Ouais. À 1 000 €. Pareil, la com, on n'en entend pas parler beaucoup non plus. Je sais pas. Moi, j'aimerais un peu dans cette mode qu'il y a aussi au cinéma, c'est bon, même si effectivement c'est du recyclage, mais c'est quand t'as des technologies comme ça qui évoluent et qui te disent putain celui-là il serait super, t'as déjà une base comme on parlait tout à l'heure avec les modeurs. Là, les trois quarts du travail sont faits, il y a juste à faire les petites modifs de configuration. D'accord, effectivement, ça se fait pas un claquement de doigts, mais ça prendra pas le temps d'un développement de A à Z. Prenez GTA 5, putain, c'est la vache à lait de historique. GTA 5. J'aimerais bien le voir. Red Dead 2, je sais qu'il est moins suivi par Rockstar que GTA 5, mais Red Dead 2, ça c'est des trucs qui sont déjà faits que j'aimerais voir. Voilà. Et puis après, effectivement, implémenter ce rendu faux VAL partout pour avoir des graphismes équivalents au plat sans concession en VR. Mmh. Et pas des expériences. Là, justement, après, pareil, des trucs. Moi, j'adorais le film Bienvenue à Zombieland. Là. J'ai adoré ce film. Quand j'ai entendu qu'il y avait un jeu qui est sur Quest, que j'ai vu l'horreur que c'était, je me suis dit merde, et c'est ça qu'ils vont nous envoyer sur PSVR 2. Et finalement, ça a été une bonne surprise aussi. Carrément. Ça t'attendait pas du tout à un machin comme ça quand t'as. Non, parce que quand j'ai dû faire le test de Zombieland, moi j'avais dans la tête le PSVR déjà. Et j'étais pas chaud, quoi. Et quand je l'ai mis, j'ai dit putain, c'est pas le même, quoi. C'est toujours le même jeu, hein, mais ils ont changé tellement de choses que j'ai été agréablement surpris par cette version PSVR 2. Hein. Ouais, pareil. Donc voilà, on peut. Ouais, il y a des bases, ça rejoint le modèle du mode, hein. Il y a des bases où le tiers du travail sont faits. Et puis annoncer, quoi, essayer de. Là, j'attendais Green Hell, il n'y a même pas de date, on sait pas, j'ai l'impression que c'est pareil, c'est un truc qui fait rêver et puis qui va être dégueulasse et qui va décevoir. Je sais pas. Donc en gros, ce que t'attends du PSVR 2 et de Sony, c'est moins de flou et un fil conducteur. Voilà. Je reste dessus parce que c'est plutôt bien trouvé. D'accord, ouais, bah un petit peu comme tout le monde, quoi. Et puis après, forcément, tu sais ce qui existe à côté, t'as envie d'extrapoler et puis que justement le marché se cale un petit peu sur cette espèce d'idéal de production, quoi. Exactement. Toute logique, ouais. Ok. Et toi, Gilles? Où t'en es? Moi, ce que j'attends vraiment du PSVR 2, c'est à la limite des nouveaux jeux. Mais parce que la VR, c'est vraiment l'immersion. Et même si j'avais connu un petit peu la VR avec le PSVR 1, je faisais pas des jeux complets parce que me déplacer au move, j'y arrivais pas. Les Walking Dead, j'avais pas fait. Tu vois, je les avais achetés, mais j'arrivais pas. Et là, je redécouvre encore la VR depuis le PSVR 2 et j'y prends énormément de plaisir, cette immersion. Hier soir, j'ai remis le casque sur la tête, je me suis refait juste le petit parcours d'entraînement dans Call of the Mountain et puis, effectivement, je faisais du contemplatif. Vous voyez les cascades, les arbres, tout ça. Donc, on atteint le niveau qu'on n'avait pas avec le PSVR 1. On arrive à un niveau de qualité de jeu et donc, c'est ça que je veux. Alors, près des nouveaux jeux. Des jeux d'enquête policière, on a connu dans les années 90 les Click and Point, les Chevaliers de Baphomet. Mmh. Je rêve qu'il y ait un remake entièrement en VR, des enquêtes policières, des énigmes à résoudre, un peu comme ça pourrait être un renouveau. Et après, pareil, hein, avec des mods, je suis persuadé, je suis convaincu qu'il y a un. Parmi les jeux PlayStation 4 qui vont être adaptés facilement sur le PSVR 2, que ce soit du mode ou juste un petit peu retravaillé aussi, hein, c'est assez facile. Hein. Comme on disait tout à l'heure, le mode Discovery Assassin's Creed, ça serait exceptionnel. Voilà, après, je pense qu'il y aura beaucoup de grands jeux qui ne sont pas encore annoncés, qui seront annoncés là, au mois de fin mai, début juin, quand il y aura la période de The Cube. Pour annoncer pour les fêtes de Noël. Après, j'attends Firewall, j'attends aussi Crossfire. Ces deux jeux me hype bien. Et même une fois qu'on aura ça, après, pour moi, ça me suffit avec déjà tout ce qu'on a à faire. Hein. Je veux dire, Resident Evil 8, à peine je le débute. Donc, il y a pas mal. moi je suis joueur exclusivement console, je joue pas sur PC, et après malheureusement j'ai pas le temps de jouer aussi souvent que je voudrais, donc c'est pour ça que je suis moins gourmand en jeu peut-être que vous. Mais je suis convaincu que Sony va mettre le paquet. Je veux dire, quand ils prennent le temps de l'annoncer au CES à Las Vegas, c'est pas pour rien. 2 ans d'affilée. Hein, la première année, c'est juste pour annoncer on va sortir un casque, le PSVR 2. La deuxième année, ils annoncent le line-up, la date de sortie, le prix. Donc, c'est pas juste un blog qu'ils ont fait hein, pour lancer le PSVR 2. Et donc, je pense que les studios internes, ils auront comme consigne de la part de Sony de lancer des jeux PSVR 2. Effectivement, hein, Wolfenstein, je suis persuadé qu'il sera jouable en VR. Hein. Ah, tu crois ? Et donc, les annonces vont arriver. Wolfenstein, c'est Wolverine. Oui, mais... my English is rich. C'est parce que j'ai beaucoup d'accent marseillais. Je me disais, je connais pas cette licence. Donc voilà, donc, je suis très confiant, honnêtement. Moi, j'ai plus d'enthousiasme que vous sur l'avenir du PSVR 2. Alors, je parle pas de la VR en général, hein, puisque moi, la VR PC, j'y touche pas, la VR autonome, j'y touche pas. Mais généralement, quand Sony va quelque part, généralement, ben, leur marketing, hein, s'ils ont dit qu'il fallait y aller sur le PSVR 2, sinon, ils n'y seraient pas allés. Comme la Vita. Donc... Ah oui. Oui, pas la chanteuse, non. Non, elle a eu le même destin. C'est le même destin, Marc. Non, mais je pense que justement, s'ils ne pensaient pas qu'il fallait y aller comme la Vita, parce que la Vita leur a servi d'exemple, de toute façon, hein, ils ont eu une mauvaise expérience avec ça. Donc s'ils sentaient que ça allait faire le même flop, ils ne seraient peut-être pas allés. Donc c'est pour ça que je suis plus confiant. Ouais, ils ne seraient pas allés une seconde fois, t'as pas tort là-dessus. Ouais, quand on se prend une gifle une fois, on n'y retourne pas. Donc non, je suis confiant. Je suis confiant. Ok. Oui, c'est des rumeurs qui, pour l'instant, ils ont rien d'officiel. Ah oui, pour rien d'officiel. Ouais, mais effectivement, c'est que des rumeurs qui sortent une petite portable pour faire. Vraiment se méfier. Voilà, je passe la main. Ok. Mais et toi, Gis, du coup ? Moi, c'est un peu pareil. Enfin, c'est vraiment. Moi, je suis plus joueur solo quand même, globalement. Mais des jeux qui sont. Je dirais presque des vrais jeux, en fait, parce que. Les expériences, comme même eux en théorie l'ont annoncé, les expériences et tout, moi je trouve que ça va assez bien gentil, mais il y a quand même beaucoup, même des jeux VR qui sortent maintenant, qui sont... Par exemple, Call of the Mountain, il est très beau techniquement, moi ça m'a fait un choc quand je voyais les... Je sais plus comment ça s'appelle, mais les robots qui sont enchevêtrés dans la montagne, là. C'est pareil, je passais du temps à les espèces de grosses tentacules, la géante. Ah oui, bah oui, c'est. Je passais du temps à les admirer, quoi, avec la profondeur et tout, c'était fou, quoi. Mais le jeu en soi, il est pas ouf, la trame de l'histoire. C'est un jeu à gimmick. Enfin, pas... C'est un jeu à gimmick, en plus, on en a discuté avec les gars ce week-end. Ouais. C'est vrai que c'est Call of the Mountain, en fait, c'est un jeu à gimmick, c'est-à-dire que. Il y a beaucoup de démo techniques, bien évidemment, mais aussi, t'as quand même. Principalement des phases d'escalade et après des phases de combat qui sont plutôt axées pas scénarisées mais tu vois mais qui est très qui se renouvelle pas quoi voilà c'est ça voilà. Alors, même s'il est plaisant à finir et qu'il est quand même intéressant et ben ça reste quand même un jeu à gimmick et là pour l'instant ouais par exemple moi Resident Evil 8 j'avais par exemple sur le 7 je l'avais fini en plat et après j'avais essayé en VR. Mais c'est vrai que rien que t'avançais dans les couloirs, tu regardais pas du tout les mêmes choses en fait. Tu regardais les murs, les trous dans les murs, les trucs comme ça. Je me rappelle, c'était un peu là quand j'avais découvert la VR et c'était vraiment des trucs qui. Et du coup, je m'étais réservé pour le 8 pour le faire complètement VR. Et là, pour l'instant, c'est la meilleure expérience que j'ai parce que c'est un vrai jeu finalement et. Complet. Et qui est pensé en VR. Il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, les petits défauts, genre par exemple pendant les cinématiques. Quand tu as le contrôle du personnage, tu peux regarder à des endroits, il y a des problèmes de. Mais à la limite, je m'en fiche, quoi, parce que je me dis, c'est moi qui ne regarde pas au bon endroit, mais si tu suis le bon endroit, ça se passe bien. C'est beau, c'est. Et puis, tu rentres dans le jeu et ce n'est pas juste l'immersion pour refaire des choses, c'est vraiment. Tu as quand même une espèce. Ça reste Resident Evil, mais tu as quand même une histoire, une trame. Je posais le jeu le lendemain ou machin, j'avais envie d'y jouer. Quoi. Tu veux y retourner, quoi. Alors que. qu'il y en a d'autres, bah, tu joues, ouais, c'est sympa, il y a des trucs, il y a quand même des trucs, c'est ce que je disais, quand je faisais Montaigne, je l'ai terminé, puis tu regardais les trucs, c'était beau. Mais au départ, quand je faisais ma première progression, je disais, ah bah je referais les... Je prendrais les autres passages pour aller choper toutes les cibles et tout, puis au final, j'ai refait ça sur un niveau, puis j'ai dit, bon, au final, j'arrête. Mmh. Quoi. Mais des jeux qui sont prenants et que tu te dis, bon, bah là, j'arrête, mais j'ai envie d'y retourner... J'en trouve pas beaucoup, enfin il y en a pas vraiment quoi. C'est le problème du scope en fait des jeux quoi, qui est la VR, comme disait tout à l'heure Rames, c'est que bah finalement ça rapporte pas forcément d'investir dans des histoires et tout comme ça, et du coup c'est là où les mods peuvent justement intervenir, c'est que bah sur un jeu qui est pensé pour du plat, où ils peuvent mettre l'argent sur concevoir un univers qui est cohérent, des choses comme ça et qui est intéressant, bah le mod justement il pourrait être intéressant pour ce genre de jeu, pouvoir y jouer normalement en VR et puis même à la manette et tout, je trouve que ça apporte vraiment ce côté de profondeur et les choses que tu regardes, comme tu disais tout à l'heure le coupe-cigare que tu fais pas en plat, et ça rajoute vraiment en immersion, et rien que comme ça je trouve que ça, voilà quoi, des jeux ce qu'il me faut, ce que je voudrais, c'est des jeux qui donnent envie d'y retourner quoi. Vraiment. Et par exemple des jeux comme après No Man's Sky, j'allais dire c'est le jeu quand tu aimes ce type de gameplay, voilà, ce type de proposition, je sais pas si toi tu aimes ou particulièrement ou pas. J'ai essayé deux fois de jouer à le jeu, je crois que la première fois c'était peut-être en plat, ou alors j'ai essayé je sais plus, je crois que j'ai essayé d'y jouer deux fois, après je sais pas trop, je sais même pas si j'ai, je suis allé jusqu'au moment où on faisait décoller le vaisseau, peut-être vite fait, mais un point déjà... commun avec moi disons. Ouais, donc c'est à peu près là où on était Sei hier, et il a joué 12 minutes. C'est ça, sur la PC. Non, mais faut quand même aller chercher à l'autre bout du machin, puis il faut prendre des trucs pour sinon l'oxygène ou la protection solaire. T'as vu, c'est relou, après t'as les radiations qui tombent sur la gueule, tu fasses tomber. Les trucs de survie, c'est pas trop mon truc, donc après je peux pas, je dis pas que le jeu est pas bon, mais c'est pas vraiment pour moi quoi. Non, mais l'aspect survie au bout de 5-6 heures, elle existe plus. Ouais, après c'est de l'expansion. Quoi. Plus, c'est de l'expansion. Ouais, mais voilà, mais le truc c'est que tu vois, la première expérience, je veux dire, faut déjà tenir les 6 heures, ou enfin il n'y a rien qui. Puis en fait, après j'ai un problème aussi avec quand on me dit que c'est un univers infini en procédural, en fait, moi quand il y a trop de possibilités, j'ai l'impression que. C'est 20. Bah, moi, faut qu'on me guide un peu, qu'il y ait un truc qui me donne envie de. Là, je vais voir des trucs pour voir. Je sais pas, j'ai un truc qui est. Mais ça, c'est. Ça marche aussi en plat, c'est pas lié à c'est vraiment le type de jeu quoi. Mmh. D'accord, ok, ouais, en gros faut que tu sois un petit peu attiré, guidé par une sorte de mise en scène et d'un scénario truc pas forcément parce que j'en ai parlé vite fait sur le Discord, mais par exemple mince, j'ai mangé le nom là, c'est dommage, mais Outer Wilds, c'est pas un jeu où t'es guidé par le truc, mais t'es guidé par la curiosité quoi. Il y a ce truc qui te la micro exploration magique quoi, comme la micro exploration, et c'est vrai que celui-là en VR, ça défonce. Mais cette exploration, toi, tu te dis, tu t'apprends des choses. Enfin, je trouve les épiphanies que t'as quand tu comprends les choses, c'est fou. Alors que je me dis, quand c'est un truc procédural, bah, tu vas voir des choses, mais c'est tout quoi. Enfin, c'est voir pour voir des fois. Enfin bref, voilà, c'est ça qui me voilà, c'est pour ça que ça me. Ouais, y a pas d'aspect lié au gameplay à proprement en parler, en fait. C'est uniquement là pour être là, parce que c'est généré de manière procédurale pour être généré, quoi. Du coup, je suis pas curieux d'aller voir ça, de me dire, ah bah voilà, comment ça va être. Après, faut que ça plaise. Ce truc-là qui a été généré, ça me. Voilà. Mm. Non, mais ce qui est. Enfin, ouais. Je comprends, je vois ce que tu veux dire. Il n'est pas d'accord, mais il comprend. Ouais, exactement. je vais pas repartir parce que sinon on va pour 2 heures. C'est ça. Laissez-le. Mais je comprends. Bah, et toi, Mixtou, du coup, alors, où est-ce que t'en es? Moi, alors bon, déjà, je suis totalement d'accord sur Resident Evil 8 parce que c'est vrai que c'est rare les jeux qui te donnent envie d'y retourner comme ça. Et ça m'a fait cet effet-là, alors que les jeux d'horreur, je suis une flippette comme pas possible, mais j'avais envie d'y retourner le matin, pas le soir, parce que voilà, il y a quand même un. Je suis pas si courageux que ça, mais j'avais envie d'y retourner tout le temps. Donc ça, c'est un bon jeu déjà. Après, c'est vraiment, alors déjà, bon, la base, enfin pour la suite du PSVR 2, forcément, c'est les exclus. Donc chaque jeu qui va sortir maintenant, donc on attend quand même au minimum un mode VR, si vraiment c'est possible, ou le jeu complet en VR. Donc ça peut être tous les exclus. Il y en a tellement, bon, pas toutes les citer, mais les Uncharted, les God of War, les Spider-Man, tout ça. Donc ça, c'est la base des jeux Sony, on va dire. Après, moi, je mise aussi beaucoup sur les studios tiers, et surtout en particulier grâce au nouveau moteur graphique. Donc, il y a, Il y a l'Unreal Engine 5 par exemple, le bah, Unity, ils ont des moteurs qui sont vraiment extra puissants maintenant, qui inaugurent de nouvelles technologies. Et en VR, ça va changer complètement l'immersion. Et je pense que ça va aussi optimiser un peu le développement des développeurs. Donc je pense qu'on va avoir des expériences incroyables. Et ce que j'espère, qu'ils vont vraiment se lancer dedans parce que ça va être plus facile à développer. Ça va créer vraiment un nouveau level au niveau des standards en fait en VR. Parce que maintenant on le voit en place, c'est incroyable. Les démos techniques qu'on voit, elles sont ouf. Je vois pas pourquoi ce serait pas pareil en VR. Les technologies qu'ils inaugurent maintenant, elles sont compatibles aussi avec la VR PC. PS5, c'est un PC, donc ça devrait être compatible aussi. Donc j'attends beaucoup, beaucoup des studios tiers. Ils peuvent nous sortir des trucs de fou. Après, j'aimerais bien aussi qu'ils nous fassent tout simplement un environnement 3D, comme bien sur le Quest, comme bien sur Pico, je sais pas d'ailleurs s'il y a ça. Genre simple. Si, il y en a aussi sur Pico. Pas d'être tout simplement sur un écran de cinéma avec ton menu PS5 comme on connaît depuis toujours. Oh, c'est gadget un peu, non? C'est gadget, non? Tu parles par exemple d'un PlayStation Home VR qui pourrait justement permettre de. Pas d'un PlayStation. Alors, un PlayStation Home dans le mode métaverse et tout ça, bon, pour ceux qui aiment bien et tout, pourquoi pas? Je ne suis pas fermé à ça, ça peut être sympa. Mais au moins, un environnement tout simplement comme sur le Quest. Le Quest, tu rentres dans l'environnement, dans l'univers du Quest. T'es chez toi, t'as une sorte de plateforme, enfin de maison ou ce que tu veux, tu choisis ton environnement. Et t'as les joueurs, si t'es avec des amis, tu peux te rejoindre en fait dans cet environnement-là. Du coup, ça te permet de discuter avant de lancer un jeu, tout ça. Et franchement, c'est très sympa. Ça crée un peu d'immersion, ça crée du social, ce qui manque un petit peu Modus Play sur Play à ce niveau-là. Et malgré tout, ce serait quand même un gros plus, donc bon, à ce niveau-là, j'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose, qu'un autre chose qu'un simple menu sur écran plat, cinéma, comme on connaît depuis toujours. Après, plus de jeux coop, parce que en VR, ça marche très bien, le fait d'être face à face, enfin, on l'a vu, on a fait pas mal de jeux ensemble, que ce soit After the Fall ou Gran Turismo, enfin, Gran Turismo, c'est encore différent. Phasmophobia sur PSVR. Oui. Je veux Phasmophobia sur PSVR. J'ai fait sur PC un petit peu, mais c'est incroyable. Alors que j'étais joué avec des joueurs PC classiques sur écran plat, mais malgré tout, j'étais le seul dans ce truc-là. Ouais, c'est ça. Et c'est j'avais ça, l'impression quand même du sentiment de présence. Voilà. Jeux comme justement, tu peux jouer avec tes potes en plat. Voilà. Et en particulier les jeux d'horreur. Parce que les jeux d'horreur, faut se lancer quand même tout seul dans l'aventure en horreur, en VR. Il faut avoir le courage de se lancer dans un jeu comme ça. À plusieurs, ça changerait complètement la donne. Et là, ça ferait venir un peu de monde, je pense déjà. Donc, pas mal plus de jeux coop. Et après, si vraiment je dois terminer ma liste du Père Noël, moi, mon coup de cœur à moi, genre, en plus, qui a été acheté par Sony il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Destiny 2, la licence. Oh, j'imagine, genre, parce que j'aime bien la SF, j'ai adoré l'Oneco, j'adorerais genre un Destiny avec un univers un peu. No Man's Sky, j'aime bien aussi, mais c'est vrai que c'est pareil, c'est beaucoup de survie, beaucoup de craft, c'est moins mon univers, mais j'arrive quand même à adhérer à l'univers. Mais Destiny, un jeu coop, avec un peu de farm, c'est une sorte de MMO FPS comme ils le décrivent. Ouais, c'est ça, c'est un truc un peu VR, hybride, quoi. Oui, c'est hybride, voilà, et ça, pour le coup, t'as une durée de vie illimitée. Je pense que techniquement, bon, bah, ça doit être faisable. Hein. En plus, bon, ça a été racheté par Sony. Il est beau et pas gourmand, Destiny en plus. Voilà, et il est bien optimisé sur PC. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'ils pourraient faire peut-être à l'avenir. Et là, c'est vraiment bon. Là, s'ils font ça, ils m'achèvent et voilà. Donc, c'est ma grande liste de Père Noël. Donc, s'ils m'écoutent, bah voilà, pour le 25 décembre, à Noël, je voudrais ça, s'il vous plaît, monsieur Sony. Monsieur Sony, et c'est pour ça qu'on vous demande ça justement, c'est parce qu'on sait que Sony nous écoute, suit un petit peu ce qu'on fait, et justement, pourront peut-être dire Vert Fort Player, ils ont pas que des idées de merde hein, finalement, donc. Mais voilà, donc. Et toi, Hermès, du coup? Pour le PSVR2, hein, j'entends. J'ai bien compris. Pour le PSVR2, alors bah écoute, je serais assez d'accord avec Mixtou sur le côté le home. Alors, je suis pas forcément ultra fan du Home, du Quest, etc. Mais la PS5, c'est un écosystème à elle-même, tu vois. Genre, là, par exemple, on discute sur Discord, et Discord vient tout juste là, d'être intégré à la PS5. C'est clairement pas une intégration parfaite, mais ça permet aux joueurs de se retrouver, etc. Et un truc qui fonctionne bien sur PlayStation, c'est les parties, du coup. C'est la mise en place des parties quand tu veux faire quand tu veux te mettre avec tes potes comme ça à lancer une game, souvent tu te mets en chat tu sais de partie etc pour organiser la partie et puis après tu lances ton jeu et vous retrouvez éventuellement dans le chat du jeu etc. Et j'aimerais bien que par exemple avec une simple touche, par exemple quand tu veux quand tu retournes dans ton menu parce que je sais pas t'es en plein jeu et quand tu appuies sur ton menu et ben t'es dans un home et ce home il est multijoueur avec les gens avec qui tu es en partie. Comme ça, tu peux à la fois jouer à ton jeu, faire une petite pause pipi, et quand tu fais une pause pipi, ou que, tu sais, je sais pas, tu te fais un run dans After the Fall, tu peux tout à fait choisir de discuter dans After the Fall, mais aussi tu peux te retrouver dans un home. Et c'est vrai que ce côté communautaire dans un home, je trouve ça très très chouette. Et si on pouvait lancer ces jeux directement dans un home, avec, tu vois, des petits mini-jeux pour te faire patienter, style un petit walkabout mini-golf dans un home, pour te faire patienter, etc., discuter, tu t'assois comme ça sur une chaise, etc., tu discutes avec tes potes, et puis tu te dis, bon, ça vous dit, on se fait un After the Fall, ou on avec se fait le un SSD, t'as plus dans besoin de patienter. Allez. Bah, si. Pardon si, avec le matchmaking, des fois, c'est chaud, quoi. Ouais, l'attente des serveurs. C'est ça le problème, c'est pas le SSD, c'est vraiment le matchmaking. Oh, bah, si. Tu sais, arrête de faire ta gueule de... Tu sais comment ça se passe. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien que cet aspect un petit peu social soit un peu plus mis en avant par Sony, parce que je sais que c'est le créneau de méta, mais mine de rien, je trouve qu'il y a quand même quelque chose à faire avec ça, sans forcément aller dans l'extrême. Dans le métaverse. De le faire méta, voilà c'est ça. Ouais. Par exemple, je suis assez déçu, ça c'est un aspect vraiment qui m'embête sur le PSVR 2, que quand je mets le menu du home, ce soit du 1080p, pas ouf, et j'aimerais bien en avoir un petit big screen par exemple sur le PSVR 2. Je sais que c'est peut-être pas forcément le meilleur support pour regarder des films avec ses potes, ouais, mais je sais que du big screen j'en ai consommé pas mal. De quoi, non, je pense pas que ça passera, ça. Ouais. Pourquoi? J'aimerais bien, tu vois, par exemple, il y a des applications style Netflix, etc., Disney Plus et tout là sur la console. J'aimerais bien en fait que ces choses là arrivent en multijoueur. Là par exemple il y avait la série Mandalorian là, qui était saison 3 là en ce moment. Bah, tous les week-ends, on se fait ça avec nos potes, en fait. Mmh. On est un petit groupe de 7-8 personnes. Tous les samedis, hop, on se met sur le Mandalorian qui est sorti en début de semaine, là, et puis on se met ça en VO et tout, dans notre truc. Et en fait, souvent, on regarde notre épisode, donc c'est cool déjà, parce que tu partages un truc avec tes potes, etc. Mais après, on débrief, en fait. Mmh. On continue à rester dans l'application, à discuter exactement comme on le fait là, sauf qu'on est en VR. Mmh. Et du coup, t'as la gestuelle du corps, t'as la proximité, etc. Et je trouve ça assez cool. Et du coup, ça, c'est un truc que j'aimerais bien. J'aimerais bien que Sony mette ça en avant. Pour continuer ma petite liste, pour reprendre ta formulation. J'adorerais avoir un Blood and Truth 2, mais budget AAA. Et avec des phases un petit peu style des gunfights un peu à la John Wick. Je crois que je t'avais fait tester Majo Gunman, le mode sur Half-Life Alyx. Oui. Ah oui. Ouais. Tu te déplaces c'est dans une ou deux maps et t'es juste avec un pistolet et tu butes plein de mecs, et j'adorerais avoir un Blood and Truth avec le gameplay, la scénarisation qu'on a vu dans Blood and Truth, mais avec vraiment ce côté percutant dans les phases de combat, et puis avec voilà, un budget AAA, un jeu qui dure je sais pas 20 heures comme ça, ça me ferait kiffer de ouf. Franchement, c'est un truc que j'aimerais bien voir, et avec une mise en scène, tu vois, des explosions dans tous les sens, des ralentis et tout, enfin un bon petit truc comme ça. J'adorerais avoir un jeu d'horreur aussi en coop, comme vous parliez, et moi je pense beaucoup à GTFO. Je sais pas si vous connaissez GTFO. GTFO, mais c'est un jeu plat, ça, il me semble, non? C'est un jeu flat, ouais. Il y a un mode VR, ouais. Que je te conseille de tester. Ouais. Et GTFO, genre la difficulté du jeu, elle est pas là, ils l'ont mise, ouais. Très très loin au-dessus. Et tu dois explorer des niveaux avec t'as des armes à feu, etc., et t'as des espèces de monstres chelous, un peu. Enfin, ouais, vraiment des monstres vraiment très très bizarres, très particuliers, et tu dois vraiment avoir un aspect coopératif absolu, sinon tu te fais ramasser, et ce dès la première map du jeu. Quoi. Genre, nous, pour passer la première map avec des potes, il nous a fallu 4 jours quoi. Pour passer la toute première map, et franchement, c'est abusé. Et du coup, ce genre de choses, quand il y a du challenge vraiment de ouf comme ça, j'aime beaucoup. Et du coup, je pense à Madison aussi. Je suis à Madison, le Roku aussi, l'attend. On en a pas parlé, mais franchement, on va acheter les couches avec. Ouais, on va racheter des couches, je crois. Non, ça, c'est pas possible. Ouais, ça me fait très peur. Et pour finir ma liste de jeux au Père Noël, j'aimerais voir les jeux modés, comme on en a parlé. J'aimerais beaucoup avoir, si c'est pas la possibilité d'avoir tout le jeu avec des motion control, etc., au moins pouvoir y jouer à la manette. J'avoue que si c'était fait par défaut, franchement, ouais, je sais que j'y jouerais comme ça. Ah bah oui, c'est clair. Je privilégierais ce type de gameplay. Et j'aimerais bien un petit space opéra en multi. Comment il s'appelle Destiny, le jeu par qui exemple. Est Squadron. Non, qui est développé depuis Sky. des années. Star Citizen. Ah, j'adorerais avoir un Star Citizen en VR. Mais il était pas modé avec des motion control ouais. dans le Star cockpit. Ouais. C'est-à-dire que quand il n'est jamais sorti encore. Enfin, c'est que de la bêta. Alpha, non, ouais, non, c'est toujours pas. Bah, c'est toujours une early access. C'est de l'alpha. Bêta, ouais, mais il me semblait qu'il y avait une partie VR où il y avait la possibilité de le jouer en VR. Ah non, du tout. Non, c'est eux qui l'avaient annoncé. Tu confonds avec les Dangerous, je pense. Avec Non. Ou alors c'est quelque chose qu'ils ont annoncé dans leur feuille de route, mais. Ouais, mais c'est pour 2056. C'est pas prêt. Mais j'adorais avoir un Star Citizen et me dire avec mes potes, justement, tu vas se retrouver dans un petit home. Bon, les gars, vous êtes chauds, on a une mission à faire dans Star Citizen et j'ai besoin de vous parce que pour piloter le vaisseau, je peux pas le piloter tout seul en fait. Faut que vous soyez là. Et je kifferais pouvoir faire ça, quoi. Je kifferais vraiment me perdre des heures et des heures dans un jeu comme ça. Et pourquoi pas, à limite, bah, du coup, ouais, en MMO, etc. Un peu à la Star Citizen. Mm. Ça, franchement, j'avoue, je kifferais, quoi. À la limite avec des gros mechas à l'intérieur, tu vois, tu mixes ça avec du Star Wars, du Gundam, ce que tu veux et tout, mais je veux un space opéra en VR. Ça j'aimerais beaucoup, quoi, en multi. D'accord. Bah, et toi, Majo? Moi je voudrais No Man's Sky 2. Le mec ne s'arrête jamais. Sans guide de smoke. No Man's Sky de smoke. Non, après avoir essayé Red Dead, encore une fois, moi je veux plus de jeux comme ça, quoi. Aujourd'hui, je voudrais moins de jeux. En fait, je voudrais moins de jeux motion gaming et plus de jeux en fait manette VR, quoi. Clairement. Et qui engage justement les grosses licences PlayStation. Je vais envoyer un message à Nicolas Doucet. Je pense que c'est ce qui manque. Je pense que c'est ce qui manque et enfin c'est ce qui me manque du moins pour aujourd'hui par rapport à ce qui se fait, parce que bon voilà, des jeux motion gaming on en a plein, tu vois, des jeux un peu pas originaux, mais qui vont aller chercher d'autres types de gameplay, tout ça. Bon ben voilà, il y a les studios émergents comme disait Rames tout à l'heure, mais voilà, moi je veux vraiment plus, je pense que c'est ce que tout le monde attend d'ailleurs aussi, plus de grosses licences telles qu'on les connaît, adaptables et jouables à manette, quoi. Voilà, l'essayer, c'est l'adopter. Non mais clairement, ouais. Bah, tout à l'heure on parlait de Red Dead 2 et je sais plus qui a dit qu'il avait pris plaisir sur je sais plus quel moment du jeu. Enfin, moi j'ai vu arriver la locomotive et le train dans un village, je me suis arrêté, j'ai regardé le train passer, quoi, comme les vaches, tu vois. Et c'est formidable. Enfin, je veux dire, la fumée, tout le naturel, le truc s'arrête, le sifflet. Enfin, t'y es, quoi. T'as l'impression de vraiment voir un train qui arrive et qui rentre en gare, quoi. Donc, du coup, ouais, je veux plus de trucs comme ça. Mmh. Exactement. D'accord. Voilà. Et toi, Laurent ? Eh ben, pareil. Je voudrais déjà que je voudrais que les studios, quand on leur dit, ben pourquoi vous faites les jeux en VR tout le temps à la première personne, pourquoi vous faites ça, et qu'ils nous répondent, ben parce que c'est un jeu VR, et ben qu'ils arrêtent et qu'ils commencent à se dire ben que la VR, ça peut être des jeux à la troisième, ça peut être des jeux à la première personne. On en a déjà parlé, mais ce que je disais la dernière fois, pourquoi ils s'entêtent à faire des jeux de football, par exemple, où tu dois être sur le terrain à tout prix et te démerder avec des jambes, avec des manettes, alors que tu pourrais très bien jouer à un jeu de foot en étant dans les tribunes, avec une manette, et contrôler tes bonhommes comme si tu étais dans l'ambiance d'un stade. Et ça, c'est applicable. J'ai l'impression qu'ils se posent des barrières sur des tas de trucs. C'est de la VR, première personne. Il faut qu'il y ait du motion gaming, il faut qu'il y ait ça. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas vrai. C'est pas que ça. Il y a les jeux où tu vas bouger, que tu vas faire du sport, tu vas transpirer. Il y a des jeux où il y aura du motion gaming. Il y a des jeux où il n'y en a pas besoin, parce qu'il y a une partie du public qui cherche pas ça déjà. Et une grosse partie, je pense, surtout sur PlayStation, parce qu'ils ont quand même les antécédents de consoles, ils ont la manette qui est ancrée maintenant dans leur pouce. donc ces gens-là, c'est peut-être un moyen de séduire ces gens-là. Et moi, personnellement, si tu me demandes, bah, tu me balances Last of Us 1, part 1 et 2, mais je suis comme un dingue et vous ne me voyez plus, quoi. À la troisième personne, à la Red Dead. Donc voilà, PlayStation, fou, si vous voulez enfin vous débarrasser de Laurent, et ben sortez le mode VR de Last of Us, et c'est bon, on n'entend plus parler. Tous ces jeux-là, ouais. Mais ça ne veut pas dire que je veux ce qu'on appelait sur PSVR des jeux compatibles, c'est-à-dire des jeux qui étaient sortis en plat et qui étaient après en VR. ça veut pas dire que je veux que ça, mais toujours pareil. Je vais prendre aussi du plaisir sur les petits jeux où, comme je disais la dernière fois, j'ai envie de me défouler, je me fais un job sim, je me fais un creed et je suis bien content. À la fin, j'ai mal au bras et je me suis défoulé et je suis content. Mais après, j'ai envie de me poser, je dis putain, là, je vais me faire ce jeu, il dure 200 heures, j'ai pas envie de rester debout 200 heures, j'ai envie de me poser comme une grosse merde dans mon canapé. et puis jouer à un jeu, mais pas jouer sur un écran plat. J'ai envie de pouvoir bouger la tête et regarder les trucs, voilà, tout simplement. Donc voilà, tout c'est tout. Moi, pour moi, c'est là où il y a encore un truc encore inexploré, que tout le monde est un peu hésitant, les développeurs, tout le monde est un peu hésitant sur ce truc là et ben allez-y et vous verrez bien quoi. Balancez-en 2-3 d'un coup et vous allez voir. Quand on voit que Resident Evil 7, rien que sur le PSVR, il s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Rien que sur le PSVR, bon, il n'est pas sorti sur PC, mais ça intègre aussi, il y avait 17% de joueurs PSVR, alors qu'il était quand même sorti en plat sur d'autres plateformes. Ouais, en VR. Donc c'est possible de rentabiliser ça, de faire des ventes, d'attirer en plus un nouveau public qui a complètement renié la VR, qui pour lui, c'est quoi le... Ce public-là, c'est le même public qui est dans les chats d'un set of play, va commencer à dire oh, encore de la VR, ça nous fait chier, c'est quoi ce truc, gna gna gna. Et si demain on leur balance Last of Us, on leur balance Uncharted, on leur balance God of War, on leur balance des trucs qu'ils connaissent, ils vont peut-être dire ah. Au moins essayer. Il y en aura bien sûr qui vont dire encore une version comme ça, nous ce qu'on veut c'est le prochain, ou il y en aura. Mais par contre, entre les gens qui vont râler et la masse qui ne parle jamais, en fait, on verra les ventes et on verra le pic d'Alix, on verra que d'un coup ça va décoller, et si ça décolle pas, eh ben, je sais pas trop ce qui... Bah, c'est qu'il n'y aura plus rien à faire, c'est qu'il n'y aura plus rien quoi. Ok, bon. Et toi, Saï ? Moi, Saï, moi, c'est tout pareil que vous. Voilà. Super. Tout pareil que vous, x10. Voilà. Belle intervention. Merci beaucoup. Mais écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Non, mais de toute façon, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, même sur le Discord. Voilà, les jeux plats, les jeux d'aventure plates. Dès lors que je sais qu'il y a une version VR sur le PC, je n'arrive plus à y jouer en plat. C'est impossible. Maintenant, les résidentes, c'est en place, ça n'existe plus pour moi. C'est plus possible. Les trucs que j'aurais. Enfin, je trouve qu'il y a un énorme gâchis, justement, une énorme perte de temps en ce moment sur le marché du jeu vidéo, qui essaie de se chercher, essayer de se renouveler. On se rend compte que les joueurs maintenant sont de plus en plus pas blasés, mais tu vois, se lassent de plus en plus. Comme on discutait justement les taux de complétion justement des jeux en plat qui sont ridicules sur des gros jeux, et je parle pas même sur des courtes périodes, mais même sur des longues périodes après qu'ils aient été sortis. Ça prouve que voilà, on arrive vraiment un petit peu au pied du mur du jeu vidéo. Je pense pas qu'on soit encore en état de crise, mais je pense. Venir. Bah ouais, ça pourrait venir sans qu'on s'en rende compte. Ça pourrait arriver. Ouais. Et je pense que voilà, il y a des offres de profusion de jeux que tu testes pendant un quart d'heure et puis après que tu laisses tomber, tu passes à autre chose. Mais je pense que justement, mettre ces jeux-là en réalité virtuelle, ça pourrait justement permettre aux gens de s'impliquer un peu plus dessus. Comme disait Rames tout à l'heure, ça demande une implication supplémentaire aux joueurs. Parce que forcément, quand tu as ton casque sur ta tête, que c'est même si tu es sur ton canapé avec ta manette. Tu peux pas t'occuper de ton chat, parler à ta femme, boire ta bière aussi facilement que si tu étais devant ton écran, écran plat. Qu'on se le dise, personnellement, hein, moi quand je joue en plat ou en VR, j'aime pas être dérangé quoi. Donc le chat il vient, il... Ah, le fait de ne pas aimer être dérangé, le fait de pas déranger, c'est complètement, différent. Tu es obligé d'être dérangé quoi qu'il en soit, du moment que t'es pas un célibataire tout seul dans ta cahute. Non. Non, bah d'accord. Bon, si t'as un minimum de considération pour tes gosses, par exemple, tu sais très bien que tu seras forcément emmerdé. Quand non, après une balayette. Ok, bon bah écoute, c'est peut-être ça la suite. Je rigole, bien entendu. Mais par contre, non, je rigole sur le fait qu'elle prenne une balayette. Mais par contre, c'est vrai que merde, j'aime pas être dérangé. Quoi. Enfin, quand je joue, c'est vrai que j'aime bien profiter du truc. Au bout de trois calottes, normalement, elle comprend. Mais de toute façon, ça revient à ce qu'on disait avec Lolo aussi, le débat sur le casque. Est-ce qu'on doit avoir des intras, ou est-ce que on doit avoir un casque audio, ou est-ce qu'on doit avoir le son qui sort du casque. Voilà, il y a plusieurs écoles. Moi, je sais que je préfère avoir un casque audio qui m'immerge complètement, ouais, plus avec le casque VR, ouais. Voilà, et tu joues et après, tu joues, tu ouais, joues à Creed, l'avantage c'est qu'il n'y a personne qui s'approche. C'est vrai. Ah oui, il n'y a pas intérêt. Ça fait le ménage. un petit direct comme ouais. Ça. Et s'ils s'approchent, ça change rien, ils se prennent un pain. Perdu. El Rocco, il ne fallait pas qu'il teste Creed d'ailleurs. Vous avez tous des gosses là dans l'équipe? Oui. Deux. Ou pire deux, ouais. Une. Deux. Un. D'accord. C'est dur, hein, de jouer en VR avec des enfants. Ils viennent de prendre son envol. Et pendant que vous avez joué, il n'y a jamais un gamin qui s'est pris une tarte volée comme ça sans le vouloir? Non. Il n'y a pas eu d'accident. Encore. Un chat qui a pris un coup de pied. Ouais, j'ai un coup de pied, ouais, d'accord. Ouais, parce que ouais, le coup de grenade à mon fils sur Alix, bam, dans la mouche directe, alors qu'il passait devant. Attends, je m'en veux encore. Je lui dis, passe pas devant papa, et pim. C'est peut-être pour ça, non, Firewall, les grenades, c'est un bouton, non? Ah, bah, c'est peut-être pour ça, ouais. Je pense que c'est mieux, justement, que ce soit sur un bouton. Voilà, ils sont peut-être pour le bien-être des enfants. Le bien-être des enfants, ouais, je pense. ok, bon, bah, en tout cas, on a quand même. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire, oui, d'ailleurs, dans Firewall, le prochain, a priori, ils ont fait la mise à jour ultra ou je sais pas quoi, apparemment, qui permettra le rechargement automatique et tout ça. Donc peut-être aussi le jet des grenades à la main, peut-être. Ah, peut-être. C'est récent, ça, apparemment. Donc là, c'est à l'état de rumeur. Alors, pour tout dire, alors, on va faire un retournement. On a enregistré la 99 cet après-midi, qu'on va poster dans deux jours. Celle-là sortira dans deux semaines, du coup. Et justement, oui. on en discute à la prochaine émission. On parle de ça, ouais. Donc la prochaine émission qui sortira avant celle qu'on est en train d'enregistrer maintenant. Donc voilà, il faut essayer de faire une liste de gymnastique temporelle un petit peu particulière. Mais en tout cas, voilà, ça nous donne quand même pas mal d'axes de réflexion. Ça, j'espère en tout cas que malgré le fait que ce soit une petite émission podcast sur la réalité virtuelle, ce soit... Les idées étaient entendues, ça pourrait être pas mal. Entendu, ouais, je suis fatigué là, je t'en veux plus, je te jure. Et du coup, il y a quelques axes quand même, des choses qui nous paraissent quand même assez évidentes en tout cas, et puis assez normales quoi, en tout cas pour le développement de la réalité virtuelle. On espère le voir de plus en plus, et puis. Ah, puis c'est la retombée. J'espère que ça va aller dans le bon sens. C'est la retombée, tous ces modes. C'est ça, en admettant qu'il y ait des petits patchs qui arrivent sur le store derrière, et ben quand on voit que toutes les licences arrivent sur le store de Steam, ils seront aussi sur Steam et Steam VR, et du coup, et ben les gens qui ont un Quest et un PC pourront aussi jouer à ces jeux sur Quest. Donc en fait c'est tout lié, en fait c'est un cercle vertueux. Et ça peut remotiver des indés, des gros indés. Je parle d'Ubisoft, pour dire putain, t'as vu, ils ont quand même fait tant de millions, et ils vont peut-être dire putain, bah, finalement, on va foutre deux bonhommes dessus si on peut gagner du pognon. Donc voilà, c'est plutôt cet axe-là moi, qui me motive là en ce moment. Quoi qu'il en soit, messieurs, je vous remercie encore infiniment d'avoir participé à cette 100e émission du pod. Alors. On va ressortir les violons. Si on est ici, si on a duré aussi longtemps, c'est grâce à vous et à votre soutien. Ah non, et puis on vous remerciera jamais assez. Et puis on vous aime, nos auditeurs, qu'on vous fait enculer. Et puis voilà. Bon, allez, je vais gerber, je reviens. Allez, tout ça. Allez, voilà, tout ça. Que de l'amour avec la langue. Et puis voilà. Donc bah, sincèrement, par contre, vraiment merci pour le soutien. Et puis merci à vous surtout parce que ça fait 100 émissions. Et on pourra refaire ça d'ailleurs. Temps, vous nous faites quand même vous nous envoyez du rêve avec les vidéos de Laurent, avec vos podcasts, c'est quand même pour nous le plaisir à la base. Et bon, on sait très bien que ça rapporte pas grand chose, donc votre temps passé, bah, que dalle, on vous doit un petit peu aussi. Que dalle. C'est normal qu'on vienne quand on est invité, c'est gratuitement. Il ne tient qu'à vous, allez chercher vos cartes bleues. Sur le parking dehors. Donc, on vous rappelle le Tipeee, du coup, voilà. Dès ce soir. Le pouce, le commentaire. Le pouce en l'air, voilà, et puis surtout, faut garder la passion, et puis l'envie de dire les choses, et puis de s'exprimer, et puis de dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, quoi, et puis voilà, quoi, tout simplement. Et c'est reparti pour 100 épisodes. Et c'est reparti. Ouais, pour... On se revoit pour la 200e. Et puis de temps en temps, on fera le bilan. De temps en temps, on pourrait se refaire des émissions comme ça, c'est pas mal. C'est marrant. Bah ouais, carrément. Carrément, sauf Mixtoo parce que moi j'aime pas. Mais sinon les autres, pas de problème. Alors, il a réussi à tenir sans aucune insulte quand même, je tiens à préciser. J'étais poli, j'étais ça. Vas-y, lâche-toi. Tu as bien été briefé au début. Putain de merde. Voilà, parfait. Parfait. Oh là là, les stats. Ça va, t'es soft encore. Allez, oui. Merci les gars. En tout cas, voilà, l'émission, là, on est en train de l'enregistrer en toute transparence. On est le 23 avril. Donc, on était le 22, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une heure. Et la, voilà, l'émission va sortir dans deux semaines. Il va y avoir la 99, donc du coup, qui va sortir. C'est vrai que ça n'a aucun sens ce que je suis non, en train de dire. Parce que les gens l'auront vu avant que. Les gens l'auront vu. Mais c'est formidable. Mais c'est comme je vais pas faire la promo du podcast, j'avais l'habitude, on se retrouve sur Podclad, machin, mais bon, tu l'as déjà fait. Donc, ça n'a aucun c'est sens. C'est la même chose. De toute façon, tout ça n'a aucun sens. Donc, c'est pas bien grave. On vous fait des gros bisous. Et puis on vous dit à dans un mois. On vous dit à dans un mois, on est réel, à dans deux semaines. Attends, c'est compliqué. Sauf si vraiment il y avait un truc de dingue qui arrivait, mais c'est bien parce que ça va nous laisser un peu plus de temps pour la prochaine émission. On aura un mois, donc on va pouvoir dire plein de choses. Ah, vous aurez plein de choses. Il sera passé plein de choses. C'est ça. C'est ça. Et puis voilà, des poutous. Et puis à bientôt. Et toujours. Profitez bien de vos casques et de vos jeux. Autour d'un verre. Et finissez vos jeux. Et finissez vos jeux. Important. Merci. Allez, merci. Ciao. Merci à vous. Allez, à ciao. Bientôt. Merci. Salut tout le monde. Ciao. Merci. Ciao. C'est tout, voilà. Ah, bravo, j'ai envie d'applaudir. Je sais pas combien il y a, on manque 4 heures là. Parfait. Tiens, d'ailleurs, je pensais à ça tout à l'heure. J'aime bien les. Des fois, justement, dans le podcast, je sais pas si c'est pareil sur YouTube, mais en fait, ça coupe l'émission et après, on vous entend encore parler. Ouais, ah oui. Des bonus. C'est les bonus. En général, c'est là où il y a la connerie. Je rajoute ça quand il y a matière et c'est vrai qu'il y a. Oh merde, j'ai fait tomber ta manette Xbox. Il n'y a pas forcément tout le temps et des fois, c'est des choses qu'on peut pas diffuser. Clairement pas. Donc, du coup, je peux pas les rajouter. Mais au niveau des rushs, ouais, j'ai des trucs qui sont bien. qui sont bien, bien salés, ouais. Chiant à chaque fois, en plus. Bon, c'est un modèle qui est en cours de réalisation qu'ils m'ont envoyé. Mais je peux l'attacher si je veux par-dessus, donc je vais essayer de trouver un système histoire de tester. Ils n'ont pas encore annoncé ça officiellement, pour l'instant. Allez, on reprend. Désolé, messieurs, vous étiez partis du coup. Oui, non, mais t'as bien fait, vas-y, hein. Pas de problème. C'est intéressant. Il a marché pour ça, c'est sûr. Alors. Depuis que vous êtes partis, il a fait que la pub pour sa chaîne, hein. Je veux pas dire, mais. Ouais, je sais, et puis. J'ai dit désabonnez-vous de l'air fantôme, c'est des cons. Comment on le revendique, hein. On est cons, on le sait, on l'assume. Ouais, c'est des fanboys, n'y allez pas. Eh ben, on va reprendre acheter, du coup. Acheter un Pico 4. Pardon. Super Rames, si tu veux qu'on en reparle. Je suis pas sûr. Là, Majo, je crois que justement, il est sur le point de le démolir juste après. Là. Enfin, ça va encore, mais j'ai plus de batterie. Bon, il y a plus de batterie, il y a un petit problème technique au niveau de Majo. Donc, du coup, on va faire encore une petite pause. Ah, voilà, faut pas Majo faire de pause. Majo est un cyborg et il a plus de piles. Ah, bah ouais, j'ai plus de casque. Ah, t'as plus de casque? Non. Merde. Bah, comment on fait? Et vu que c'est son casque que j'ai aussi, ça a bipé en même temps en fait. Ah putain. Qu'on voulait pas couper, mais regardez. Vous pouvez pas mettre un téléphone sur haut-parleur. Vous mettez un téléphone sur haut-parleur, mais tu sais, derrière le micro. Ouais, mais ça va reprendre ici. Bah, faites un test au pire. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire? Attends. Non, il met le picot, il utilise le haut-parleur du picot. Déjà, ce qu'on peut faire déjà, c'est se fumer une clope. D'accord. Et pipi aussi. Et pipi aussi. Il marche là encore? Pipi aussi, ouais. Il marche pas. Ah bah Rames, t'es un monstre, hein. Gilles aussi, pareil, vous êtes tous... Vous faites pas de pause pipi, rien. Mais si, on a fait plus vite que toi. Ah. J'ai décidé de me pisser dessus, moi, complètement, ça a T'as une bouteille à côté, c'est comme quand t'as reçu des épisodes, c'est plus rapide. Non.